audition, I mean, for the show. Truthfully, actually, my manager called me and said there's this audition for a boy band. En fait, son manager qui lui dit qu'il y avait un casting pour un boy band. And I said I didn't want to be in a boy band. Et il a dit qu'il voulait pas du tout faire partie d'un boy band. And he said you should just go and try. Mais son manager a insisté, lui a dit écoute, vas-y, essaye au moins. So I went and I was in a boy band for the next 5 years. Et donc il y a été et puis bah ça fait 5 ans qu'il est dans le boy band. Voilà. Et ça marche. Gros bisous ma petite Eva, je t'embrasse. On fait vite Angelina derrière. Bisous bisous. Ouais, merci. Mouah. Mouah. Angelina. Oui. T'es la dernière. Vas-y. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qui l'inspire pour écrire ses musiques. D'accord. She would like to know what inspires you to write your music. Well, life. La vie en général. Love. L'amour. Trying really hard. Essayer. Faire des choses. And sometimes just songs about having fun. Et puis des fois c'est juste des chansons qui racontent des trucs où on s'amuse, on s'éclate. Voilà. T'as tout compris Angelina. Voilà. Je t'embrasse ma belle. Merci. À bientôt, bisous. Bye bye. Thank you. Au revoir. Bisous. Bon Dustin, on a pas eu le temps de se parler. Alors qu'est-ce qu'on se raconte de beau? Yeah, Dustin, we haven't even had the chance to talk. It's okay. I'm listening. I'm enjoying this. This écoute, is fun. Écoute, il kiffe, il écoute, tout va bien. Je vous ai pas demandé les questions principales. Vous êtes bien à l'hôtel? How's your hotel? Fantastic. Beautiful. Vous avez drapé? Sublime. The sheets are clean. Yeah, much more expensive than I would pay for. Beaucoup plus cher que ce que lui aurait payé. Oui, c'est cher à Paris. Yeah, it's expensive. Yeah, it is. Yeah. Vous avez deux serviettes? Do you have two towels each? Bath towels? Yes, two towels. Ouais. Vous avez le petit savon? Floor towels. Il y a aussi des tapis de bain actually, par terre. We had to share a towel the first day. Mm. Ils ont dû partager une serviette le premier jour, mais là, ça va mieux. Now we're good. Yesterday, I wanted Japanese food. Alors hier soir, ils voulaient de la nourriture japonaise. So we ordered Japanese food and they brought it to the hotel and then the hotel put it on the room service tray and brought it. Ah là là, ils l'ont même mis sur le plateau du room service et tout l'hôtel. Ils sont bien. On s'est recevoir quand même. Hein. Ah bah attends. Bah, we know how to treat people, yeah. Salut. It was very nice. Visiblement l'addition il y a là par contre. C'est pas lui. C'est pas lui. You're not paying the bill, right? So who cares? No. Ils en font. Ils en font. Bon, en attendant là-dessus, on va lui souhaiter que du bon. What can we wish for the future? Les filles qui êtes venues avec des bouquets de fleurs. Oh, we have lots of flowers si for you in the sage, audience. Venez amener les bouquets de fleurs avec un petit hug. Ou je les intercepte au passage. C'est normal. Non, Pierre, fous-lui la paix. Il est chiant, mais il est chiant. Je te jure, on dirait. Voilà, regarde, hop, j'essaie de gratter un peu. Tac, tac, bim. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Essaye. Julie, comment tu dis dernier essai? Voilà. Last try. Oh, wow. N'importe quoi. She tried. Well, what's coming up is there's the Big Time Rush Greatest Hits. Donc, effectivement, il y a l'album le 24 juin. June 24th. Ça, c'est à venir, ouais. Heffron Drive Show. L'émission, la série November 11th. 11 novembre. And there's new Heffron Drive music all the time, so they can go on Deezer and listen to all of Heffron Drive. Et elle est sur Deezer parce qu'il y a régulièrement des nouvelles chansons de Heffron Drive. Bon. Et viens nous revoir en novembre. Et tu reviens nous voir so en novembre. So you'll come back and see us in November when yes, you do the show. Yes, of course. Absolument. C'est bon, ça, non? Bah, ça me fait plaisir qu'il ait été notre invité Thank ce you soir. Guys. Thank you. A bisous à ta fiancée. Michaela. A little kiss to your fiancée. Au revoir, Michaela. Bye bye. See you next time. Eh ben. Okay. C'était un plaisir. À bientôt, my friend. Thanks, guys. Thank you so much. Bye. Thank you. On va revenir demain. Passez une bonne soirée. Demain, on vous met la vidéo du Toc Toc Toc avec Kev Adams. Demain, émission spéciale. Ah ouais, attends. Demain, mets-moi le son à fond. Il y aura Mad Queen. Pour démarrer, 19h demain. Et ensuite, je vais voir David Guetta. Allez, bisous. À demain. Ciao. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Avant, à la radio, vous aviez l'habitude de vous ennuyer. Eh ben, on est désolé de casser votre routine. Parce qu'ici, on fait tout le temps n'importe quoi. Tous les soirs, de 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. On y va, c'est parti. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Il est 22h sur Énergie, on se retrouve 10h du soir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée comme nous. On va se raconter un peu ça. Peut-être que vous êtes encore au boulot. D'ailleurs, 22h, en train peut-être de rouler. Il faut encore jour, c'est agréable. En ce 8 juin, parce qu'on est en direct, hein, nous, le soir, 10h pile, c'est pas une cassette, hein, on est là en chair et en graisse à partir de 22h jusqu'à 1h du matin, si vous voulez délire avec nous. C'est à la maison, le standard est totalement gratuit. Voilà, depuis un numéro vert, 0870 70 42 48. 0870 70 42 48 pour nous passer un petit coup de fil. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Première baignade des premiers coups de soleil aujourd'hui. Je vous adore. Salut Marine de Bordeaux. Allez, c'est parti pour une soirée de fou avec la Dream Team radiophonique française. Coucou à la team RCEA et à tout le groupe Evo, Lupal, Ghost 18. Salut à toi. Et si vous voulez venir balancer un petit message, une petite dédicace, ça fonctionne aussi, hein, les gars. On se met derrière le micro et puis à partir de 22h, on branche le standard. Il faut juste commencer par Guillaume, le message pour qu'il arrive dans mon studio. Guillaume, et vous l'envoyez au 612 comme chaque soir. On va faire tout à l'heure, apparemment, un objet. Tous les mercredis, on dévoile un objet. Apparemment, on a un prototype d'un objet de ouf. Mais alors, il paraît que c'est vraiment hallucinant. On me l'a survendu. Voilà, tous les mercredis, on présente un objet, on vous en parle, etc. sur Internet. La semaine dernière, c'était un petit boîtier que vous branchiez sur les cigares, vous mettiez une fréquence, vous mettiez votre autoradio à la fréquence que vous avez affichée sur le petit boîtier et ça faisait un bruit de Ferrari dans les enceintes. C'était assez impressionnant, on l'avait fait aussi. Salut Guillaume, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bah, bon anniversaire, poteau. Le 8 juin, là, Guillaume et votre dédicace. Vous pouvez y aller, Guillaume, au début du message. Et vous l'envoyez au 611-12. Voilà, il y a les bonjours, tout simple. Ben, salut, bonjour à toi. Valentin, tu me manques. Salut Mathilde. JM, fais-toi bouffer par une girafe. JM Standard. Ça va, JM Standard? Salut, Guillaume, moi, ça va super. Pourquoi tu veux qu'il se fasse bouffer par une girafe? Sérieux, j'ai stagiaire. Ouais, ça va très bien, Guillaume. Salut, ça va la journée, ouais. Ouais, impeccable. Tout va bien. Bon, en pleine forme. Ça va, Amina du Standard? Oui, ça va. Salut, Guillaume. Salut, tout le monde. Salut à toi. Amina, tu es toute bouffée encore? Oui, et tu es de plus en plus en mode été, là. Ouais. Bah, écoute, j'essaie de mettre en condition. Non, mais en fait, c'est pas ça. En fait, le vrai problème, c'est qu'on a un énorme coup de chaud dans les bureaux d'énergie parce qu'il n'y a plus de clim. Et donc, Amina du Standard s'habille, mais genre en mode les Antilles, quoi. En fait, les gens, ils doivent pas comprendre. Il fait 22, elle est habillée comme c'est à la plage, quoi. Ça va ou quoi, Lucas? Tu m'entends, Lucas de Toulouse? Je t'entends. Ça va, mon Lucas? Ça va. Lucas. Lucas qui commence la soirée. Et j'ai trouvé un magnifique réveil pour Amina du Standard. Ah, tu l'as pas vu, la vidéo? Bah non. Ah, le début des problèmes. Et allez voir sur la page Facebook. Si vous voulez aller voir en deux minutes, Guillaume Play, P-L-E-Y. Ah, il est mignon. Sur la page Facebook. Je vous ai mis ça, vous avez rigolé, je pense que ça faisait deux secondes. Parce qu'en fait, c'est le réveil Dominique Strauss-Kahn. Ah non. Et en fait, il écarte le peignoir, il y a la bite qui sort. Et ça se voit vraiment. Allez mater en deux minutes, là. Guillaume Play, P-L-E-Y. Je sais pas combien vous êtes à avoir vu la vidéo déjà en une heure. Mais je crois que vous êtes hyper nombreux déjà à l'avoir vu. Vous êtes déjà 100 000 à l'avoir vu en une heure. Ouais. Bon, c'est gentil. Hein. Merci. Allez voir le réveil Dominique Strauss-Kahn, c'est deux secondes. C'est le réveil pour Amina du Standard. Merci, c'est il faut toucher le zizi pour arrêter la sonnerie le matin. Franchement, il est drôle, le réveil. Oui, il est drôle. C'est un beau cadeau. Franchement, vous allez rigoler. Allez voir en deux secondes. Et puis, Lucas, tu fais quoi dans la ville toulousain, là? Alors, je suis commercial en alternance. Je suis en école de commerce et je suis commercial aussi. D'accord. Donc, la moitié du temps, quoi. Tu fais quoi? Trois semaines, deux semaines? Tu fais quoi comme rythme? Je fais tous les lundis à l'école et après le reste en entreprise. Ah oui, un jour d'école, quatre jours de boulot. Ouais. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et alors, t'as vu qu'il y a un mec là en Irlande tout à l'heure, c'est quand même hallucinant. À 5 ans, il a ouvert un œuf Kinder. C'est une vraie histoire. Hein. À 5 ans, il a ouvert un œuf Kinder et dans l'œuf Kinder, à place de surprise, il y avait un morceau de méthamphétamine. Oh. Et alors, il l'a mangé. Mais comment c'est possible? À quel moment dans l'usine? C'est une blague de Kinder. Mais en plus, personne. Enfin, je sais pas, on est en Europe, on n'est pas dans Breaking Bad, non? Ouais, je crois pas. Attends, la méthamphétamine, mais qui prend ça? Bah, en Europe. Non, mais attends, franchement, c'est vrai que c'est quand même une drogue qui n'est pas répandue en Europe, quoi. Bah, je sais pas, ça arrivait comme ça. Et donc, le mec de 5 ans, il comprenait pas, il avait montré à papa le caillou orange. Ouais. Papa et, fait un malaise, et le papa, non mais papa, c'est, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est, moi je connaissais pas par exemple à quoi ça ressemble. Non, c'est chaud. Et il a dit attends, c'est bizarre, ça on va demander. Et il allait voir, effectivement, moi c'était bien ça. Voilà. C'était un morceau de méth en fait. Pour les embrouilles. Bon, et puis alors Lucas le Toulousain, alors que toi il t'est arrivé un énorme trou noir en soirée. J'avoue, je ne crois pas à ton histoire. Je vais le dire. Amina du Standard m'en a parlé tout à l'heure. Pour moi, je dis c'est pas possible. Elle m'a dit tellement de fois, non mais c'est sûr, le mec il a l'air sain, c'est sûr. Il s'est fait niquer, il va te raconter tout. Truc de fou, que du coup on a décidé de faire le sujet, mais bon, vous allez juger par vous-même. Est-ce que vous pensez que Lucas raconte une couille ou pas? En tout cas, t'es le bienvenu, mon Lucas. T'es commercial dans quelle société? Alors, je peux pas dire le nom, mais je suis commercial en bureautique en fait. En bureautique, ouais. Très bien. Et donc, voilà. Vas-y, raconte ce que tu veux dire. Alors, en fait, pour le nouvel an 2013-2014, j'étais avec deux amis à moi à Peniscola, et la soirée se passe bien, on était dans un bar à côté de l'hôtel. Et en fait, on reprend conscience après un gros trou noir dans un terrasse, dans un café. Et en fait, ce café n'était pas à Peniscola, mais il était à Lisbonne, à 1200 km de Peniscola. Et on n'était pas le 1er janvier le lendemain, mais le 3 janvier. J'ai pas compris. En fait, t'as fait un trou noir de deux jours. Ah, c'est chaud. Un peu plus, oui. Deux jours et demi. Oui. C'est pas possible. Ah ouais. Very bad trip. Tu peux pas travailler deux jours après en ayant tout oublié, non? En plus, tous. Alors, on a quelques flashs, mais le gros de ces trois jours, on s'en souvient pas. Depuis, en fait, on ne fête plus le nouvel an même. Ouais, franchement, j'ai un peu du mal à y croire. Deux jours, non, mais c'est même plus. Parce que tu peux même plus boire quand t'es dans le coma. C'est vraiment. Ouais, tu vas aux toilettes alors. T'avais le boxer rempli. Mais t'es vacu. Comment c'est possible? Explique-nous un peu. Donne-nous des détails. Ben, j'aimerais bien avoir aussi. En fait, on se pose des questions depuis. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. C'est vrai qu'après, en ayant fait les tests à l'hôpital, on avait pas mal de choses dans le sang. Je dirais pas quoi, mais on avait pas mal de choses dans le sang. Dis-nous, c'est vrai que on avait GHB, on avait pas mal d'autres drogues de prise, mais. C'est vrai? Ah oui, assez. Franchement, de ce que m'a dit le médecin, on avait eu la chance de peut-être pas avoir fait même un coma, mourir à cause une overdose. Une overdose. Attends, est-ce que le GHB, c'est la drogue du viol? Tu t'es fait violer le cul? Je sais pas, apparemment non, mais je sais pas. J'espère pas. Heureusement qu'on n'avait pas de caméra embarquée, je préfère pas savoir ce qui s'est passé à cette soirée. Putain, c'est ouf. Tu fais un test après. Et attends, et résultat, tu t'es réveillé vraiment deux jours après, t'as dû faire des résultats, mais tu t'es réveillé comment? Je sais pas, donne des détails, tu nous expliques rien. T'es pas très clair. C'est le soleil qui m'a tapé sur la tête et qui m'a réveillé en fait. Je suis réveillé vraiment assis à une table d'un café. Je devais attendre l'ouverture. Le barman est venu nous voir pour nous demander ce qu'il nous fallait en fait. Et en demandant un café, j'ai vu qu'il avait froncé les sourcils. On s'était trompé de langue. Et en fait, oui, on s'était vraiment trompé de langue quoi. Ouais. Et t'as atterri au Portugal. Ouais. Voilà. Ça c'est ouf. Mais vous y êtes allé comment? T'as des billets d'avion ou quelque chose? Alors j'ai pas de billet d'avion, je sais pas. Je pense qu'on a fait du stop vu qu'on a rien. Mais y a aucun mec qui te prend en stop comme ça. Attends, surtout des mecs drogués. Attends. Pour moi c'est un peu. Je sais pas. Tu t'es réveillé? Tu t'es pas fait voler des trucs? Tu t'es réveillé avec des trucs sur le corps? Alors moi j'avais un trou de tondeuse sur la tête. J'avais un cocard. J'avais deux doigts strappés. Et après moi j'avais mes papiers, enfin la majorité de mes papiers. J'ai toujours un câble d'alimentation de mon portable dans la poche arrière de mon pantalon. Ouais. Donc j'ai pu recharger mon téléphone. Par contre mes collègues ils avaient bon, y en a un il avait plus de cheveux. Il y en a un il avait une attelle à la cheville. Et après eux ils avaient plus de téléphone. Et ils manquaient pas mal de leurs papiers et cartes bleues. Non mais attends, je comprends pas. Non mais attends, c'est pas possible là, à quel moment, Non, comment c'est... Parce que là tu t'expliques et tout ça. Mais à un moment donné je veux dire, qui t'a rasé les cheveux quoi, tu vois? J'aimerais bien savoir. Pour moi celui qui a tendu mon pote c'est moi. Parce que c'est déjà arrivé à une soirée où là j'étais conscient que je l'ai déjà tendu la tête. Mais moi après chaud, moi je sais pas qui c'est qui a essayé parce que en fait j'y ai échappé de peu. Mais et tu prends des drogues en général ou pas? Non, enfin je fume 2-3 pétards de temps en temps quoi. Ouais. Mais, bah, non mais là il y a une différence. Et tu dis il y avait plein de drogues et tout, qu'est-ce qu'il y avait dans le sang à part du GHB là? J'avais un peu d'extra moi et un pote à moi il avait beaucoup de cocaïne dans l'urine. Non mais vous êtes des drogués en général, vous prenez souvent la drogue ou pas? Ah non du tout, non. Moi je touche pas aux drogues dures à part un ou deux pétards de temps en temps, mais sinon. Par contre il y a des mecs, t'as vu tout à l'heure sur Twitter, ils sont trois, ils ont fait croire qu'ils étaient retrouvés en Syrie. Suite à une soirée, ça a fait le buzz partout, etc. Ils ont fait croire qu'ils se sont réveillés en Syrie, que leur bateau, ils avaient un petit bateau, ça avait chaviré, machin. Et qu'ils se sont retrouvés sans faire exprès en Syrie, ils se sont pris en photo devant un bâtiment, mais en gros plan, et du coup ça a fait le buzz un peu, ils ont trollé les médias quoi. Ça saoule ma mère, elle m'a enlevé les écouteurs et du coup je peux pas vous écouter, merde. Bon courage. Ah, je t'embrasse mais tu m'entends pas du coup. Demain oral, bac de français, c'était ma bonne chance, putain, bon courage. Bon courage, bisous. Pour les oraux là, ceux qui ont des oraux là, c'est en ce moment en plus là. En deux semaines, pas un seul de mes messages lus, ça m'étonnerait ça. Dédicace à ma soeur Rose et Suzanne que j'aime. Question pour Julien Stagiaire, salut à toi. Salut. Dédicace au collège Saint-Sulpice à TV, mets-nous du Jules BG. Salut à toi, mais je prends une joule. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser à part. Je suis pas bien, je me laisse aller. Il sera là la semaine prochaine avec nous, Joule. Il vient que dans notre émission, les gars, la semaine prochaine. Là, c'est bon. Le rappeur marseillais, là. Faudra qu'on mette une photo sur Facebook, d'ailleurs, pour annoncer. Je prends la vie comme un tour. Je vous écoute depuis mon tracteur, début de la saison des foins, dédicace aux agriculteurs du 48. Comment allez-vous dans le studio? Juste une dédicace à ma puce Iliana. Je vous kiffe, continuez comme ça, moi je vous adore, bonne émission Guillaume, salut Alicia. Bisous. Salut à Vagin du Standard, à Mina du Standard. Salut à mes petits saucissons, je vous adore trop, dédicace à la petite patate, salut à toi. Salut. Bonsoir Arthur du 38, moi c'est le 9 juin à minuit mon anniversaire, c'est tout à l'heure à partir de minuit alors. T'inquiète, j'attends minuit, on te fera un bisou tout à l'heure. Vous êtes énorme, je vous kiffe, salut Romu. Salut, c'est l'auditeur, celui qui bosse à Europa Park, Rémi. Salut Rémi. Salut mec. Salut mon Rémi, le grand Rémi qu'on avait rencontré. Il y a un an. Salut Guillaume, tu m'as l'air fatigué. Ouais, je perds ma voix un peu. C'est vrai que je perds ma voix. Ouais. Dédicace à Delia, Laura, Jenna et au courage et tous les musulmans qui font le ramadan. Continuez, je vous adore. Dédicace à tous ceux qui révisent. Salut à tous les mecs qui révisent. Y a pas de problème. Dédicace à tout le monde. C'est dingue, une belle équipe à partir de 22h. Gros bisous les mecs. Merci. Allez, pourquoi vous parlez pas? Parce qu'on est en direct, nous, à partir de 22h. On peut pas. La meilleure team de la FM est là. Merci d'accompagner ceux qui travaillent la nuit. Cédric de Marmande. S'il veut me toucher le zizi pour me réveiller le matin, Amina du Standard, je suis pas contre. Ah, parce que j'ai trouvé un réveil pour Amina du Standard. C'est un mini DSK qui ouvre son baignoire. Il y a la bite qui sort. Ah, c'est on va parler des trous noirs. Est-ce que ça vous est arrivé pareil comme Lucas d'avoir des gros trous noirs? Bon, alors lui, c'est deux jours. Est-ce que vous avez déjà eu un trou noir? Est-ce que vous aviez trop bu? Vous avez pris une substance bizarre en soirée? Ou vous étiez trop fatigué? J'en sais rien. Est-ce que vous avez déjà connu un médicament? Un moment de trou noir avant de se faire Edric Iglesias? Salut Guillaume, je repasse à ton canular magnifique, le lion qui attaque l'équipe. Salut les gars. Salut. Et demain, je vous mettrai la vidéo sur YouTube, on l'a tournée hier. Ouais. Enfin, non, on l'a tournée tout à l'heure à minuit, enfin à 1h30 du matin. Et on l'a montée toute la journée, elle n'est pas tout à fait finie, on la mettra demain tranquille. Vous êtes des fous, je vous adore, j'ai une question. Il m'est arrivé la même chose. Ah bah alors, attends, on va t'appeler, très bien là. Ouais. Guillaume, et votre message au 612. Est-ce que vous avez déjà eu un trou noir? Julien Stagia, est-ce que tu as déjà eu un trou noir en soirée? Ouais, ça m'est déjà arrivé, c'était chez un pote, je m'étais mal comporté et il m'avait appelé le lendemain pour me dire ce que j'avais foutu en fait. T'avais fait quoi? Alors, j'avais mis un porno sur la grande télé, il y avait du monde et j'avais dragué une meuf qui était en couple. Ah oui. J'étais hyper chiant, je me comportais très mal et le lendemain il m'a dit bah. Mais t'avais pas bu là? Je m'en souvenais pas, je te jure. Ah, tu t'en souvenais alors pas? Alors que le porno je peux le faire en soirée, mais là je laissais longtemps. Genre la télécommande je l'avais caché pour pas que ça zappe. Ah oui, t'avais mis c'est rigolo en soirée. Ah, mais, ouais. C'est marrant ça. Ouais. Mais draguer la meuf en couple c'est moins bien pour les potes et tout. Ouais, ça il a mal pris apparemment. Ouais, c'est normal. Surtout si c'était sa meuf à lui. Non, heureusement. Merci de me faire déstresser avant de passer le permis demain. Eh ben, bon courage, vous avez le permis, le bac, etc. On se fait Drake Iglesias et on parle des trous noirs. Est-ce que vous avez déjà un trou noir? Amina du Standard, tu parleras de ton trou noir après. C'est-à-dire à la fois où t'as eu un perte de mémoire. On va en parler sur Énergie. Que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Con un beso, yo quiero acabar. ese sufrimiento que te hace llorar. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque soir. 22h-1h sur Énergie, c'est Guillaume Radio 2.0. Et demain, c'est le concert du lancement de l'Euro déjà. Putain, ça va vite. On est déjà le 8, donc demain le 9. En bas de la Tour Eiffel, on vous avait filé des places encore hier pour aller voir le concert. Il y aura David Guetta, il y aura Luan, il y aura Kenji, il y aura Soprano, il y aura Will.i.am, des Black Eyed Peas aussi là. Et ce sera demain soir. Ah, ils sont là, l'équipe. Salut Julien là. Salut. Je vous kiffe, je vous écoute tous les soirs. Moi, j'y crois pas à l'histoire du blackout du mec avant. Ah bon, on va en parler justement. Est-ce que vous avez déjà eu pareil un énorme trou noir? Vraiment, vous êtes réveillé le lendemain et vous avez oublié la soirée. JM du standard. Ouais, moi j'ai un problème, c'est que ça m'arrive souvent en fait ça. Les trous noirs. Ouais, les trous noirs ça m'arrive souvent. Ou t'oublies vraiment la soirée entière. Ouais, grave, ouais. Bah, c'est gros anniversaire ou les grosses soirées avec mes potes, quand on sort vraiment. Ben voilà, l'an dernier je suis parti une semaine en vacances. Ça veut dire quoi quand on sort vraiment? D'accord. Explique-moi l'histoire. C'est une occasion quoi, tu vois, l'anniversaire par exemple, si mon meilleur pote fait son anniversaire, voilà, on va pas regarder. Alors, on va pas regarder sur quoi? Surtout sur l'alcool, tu vois. Mais je veux que tu sois précis. Ouais, je sais, mais par exemple, si demain soir je sors, je vais faire attention, tu vois, parce que c'est pas anniversaire de mon meilleur pote ou quoi, pour les grandes occasions, je veux dire. Ouais, ouais. Là, j'y vais à fond et c'est vrai que le lendemain, je me souviens pas toute la soirée, quoi. Ouais. Chez mes potes, ils prennent des photos pour me rappeler et tout. Ah, c'est vrai, ah, ouais. Ouais, c'est rigolo. Et tu oublies complètement. Ouais, j'oublie, ouais. Et quel alcool où tu prends une drogue ou comment? Non, mais pas. Non, non. Mais attends, je pose la question naturellement. C'est ça le problème. Non, mais ouais, mais même moi, je sais pas pourquoi. Mais tu bois quoi comme alcool pour oublier? Tout ça, ou du pastis. Le rhum aussi, ça fait. Ah, le rhum, ouais. Trou noir. Ouais, c'est ça le problème. L'année dernière, quand je suis parti en vacances, on est parti pendant une semaine en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Camina du Standard? L'an dernière. Alors, non, mais alors, moi j'aime bien. C'est Camina du Standard. Et se fout de la gueule de tout le monde tout le temps. C'est pas grave. Par contre, quand on se moque d'elle, elle le prend mal. C'est une blague ou quoi? Il y a un acharnement Flo des Calons dans le couloir. Salut Guillaume, ça va bien? T'as vu comment aller, Amina du Standard? Je suis assez d'accord. Non, mais alors, on va réécouter tous les bugs d'Amina du Standard hier. Ah oui, il y en a eu. Moi, j'ai le droit de rien dire. Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. D'abord, Amina du Standard ne dit pas il y a des pop-corn par terre, mais elle dit. Déjà, je fais une fois au cinéma, il y a du popcorn par terre. Déjà, Ça, ça va encore, mais après, elle a essayé de dire proctologue. J'ai l'école peur. De proctologue, peut-être. C'est elle. Ah ouais. Et c'est elle qui va se moquer de toi, j'aime ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Parce que t'es allé chez quel médecin, Milieu Standard? L'école de proctologue, t'as dit. La fin de soirée. Hey, elle a fait quoi comme étude à Minas du Standard? L'école de proctologue, t'as dit. Ah ouais. D'accord. T'es pas fraîche. Hein. On va retrouver Beverly. Bonsoir, Beverly. Ah, oh, c'est qui, papa? Ça va ou quoi, Beverly? Enchanté, Beverly. Ça va et vous? Beverly qui est un garçon. Ah, salut, mec. Et je savais pas que c'était un prénom de garçon, ouais, Beverly. C'est mixte alors. J'étais déjà passé dans l'émission il y a un an et demi, deux ans. Mais tu t'appelais déjà Beverly? Bah j'espère. Ouais, je m'appelais déjà. Et on s'est rencontrés à Toulouse aussi. Ah énorme, ouais. Putain, c'est trop cool, on s'était rencontrés où à Toulouse? Quand t'avais fait sur la place, j'étais la venu. La place Saint-Georges, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Ah, on s'était vu, rencontré, on avait rencontré, ouais. On avait dit qu'on était sur la place, tous ceux qui voulaient venir. Il y a du monde, on a bien rigolé. Ouais, c'est il y a un an déjà. C'est sympa la place, ouais. À Toulouse là. Bah c'est cool en tout cas, merci Beverly hein, d'être venu et tout, c'est ouais. Cool. 23 ans. Merci à vous d'être venu à Toulouse surtout. Ouais, c'est sympa gros, merci. Rigole, on a bien rigolé à Toulouse et Toulousing. Et bah c'est marrant, c'est un Toulousain qui réagit à un Toulousain. Ah, ouais. Ouais. Bon, bah, bien, en fait, tu voulais pas dire ta ville, mais bon, tu viens de dire qu'on s'était rencontré à Toulouse. Donc, ouais, ouais. Voilà. On a bien compris que tu venais pas de Lille, hein, ou de Roubaix. Ouais, exactement. Et en tout cas, on a hâte de vous voir à Bastia le 25 juin aussi là, pour l'Energy Music Tour. Le 8 juillet, dans un mois pile, à Angers, à Trélazé, pour un énorme concert. On était 45 000. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Et le non, bah, vendredi, pas celui-là mais l'autre, le 17 juin, dans une semaine et deux jours, dans neuf jours, on sera à Rennes, à la Fnac de Rennes, le vendredi après-midi de 16h à 19h30, au centre commercial Columbia, c'est place du Columbia à Rennes. À Caen, on sera là, le samedi, le midi à 15h aussi à la Fnac. Et dimanche, on sera en direct de Rouen toute la soirée, de 20h à minuit, le 19 juin. Donc voilà, on va enchaîner trois jours à Rennes, Caen, Rouen, c'est le Bretagne-Normandie Tour. Ah, ça va être trop bien. Pour l'équipe, donc on a trop hâte de venir et tout. Bon, bah, et en tout cas, rebonjour Beverly, puis enchanté. Alors, tu fais quoi dans la vie, toi, Beverly, là? Je suis manager à McDo. Manager à McDo. Ah, lequel de McDo? Celui de mon village, donc je vais pas dire le nom. Ah oui, d'accord. Ah, mais en même temps, des Beverly qui sont manager à McDo, ne pas y en avoir 150. Ça me fait les mecs, ils ont des prénoms hyper originaux, mais qui disent leur vrai prénom, mais sans dire la ville. Ah ouais. Voilà, enchanté, et salut à tous les mecs qui bossent à McDo. Tous les managers. tous les mecs qui bossent dans les McDo partout là. Moi la même en Inde, je sais pas comment, je suis rentré en France. Non mais ça c'est ouf. Hein, mais tu prends l'avion quand même. Salut mon Fred. Après il y a des drogues de synthèse de fou. Hein. C'est possible qu'il y ait des trucs. T'hallucines. Ouais bah oui. Non il paraît qu'il y a des vraies histoires. Des blackouts. Et dans le, je pense qu'il y a des matières qu'on utilise pour faire parler les gens dans des guerres. Ah genre la police. Il y a des vraies drogues qui est dans les ouais, la vraie police qui utilise dans des guerres pour faire parler des sérums de vérité. Mais oui, c'est ça. Comme ça. Mais non mais tu sais que ça existe. Je dis pas que des bêtises. Mais du coup c'est pas très légal. De quoi c'est pas légal? De faire parler quelqu'un comme ça. Ah bah non mais tu sais, ça veut dire que en période de guerre, il y a plus de loi. Ah ouais, ouais. Je vois bien. Ouais. C'est le principe d'une guerre. Ah, c'est ça. C'est pas faux. Excusez-moi, monsieur, voulez-vous bien me dire le secret d'État? Non mais il y a pas d'avocat. Je sais de... si demain vous allez envahir notre pays. J'aimerais savoir. Non. C'est, ouais. Ouais, ça existe des sérums de vérité. C'est ça marrant, serait marrant de. Putain, ça marche pas vraiment. Non, mais, ça serait un truc. Note-le, Jim Sanda. Acheter du sérum de vérité. On va aller sur eBay. Avec des produits vietnamiens il y a 60 ans, c'est des trucs trop chelous là. Des boutons. Ah, putain, attendez, vous savez quoi, vous bougez pas 30 secondes, on va se raconter nos trous noirs. Guillaume, et votre message là, avec votre numéro de téléphone, comme ça je vous appelle tout de suite. Si vous voulez juste faire une dédicace, bon, on les lit à l'antenne, hein, c'est le but du jeu. On fait de la radio, bon, on la fait ensemble, hein, on est derrière le micro, mais on lit les messages que vous nous balancez. Guillaume et le message aussi 11-12. Balancez-nous vos blackouts, vos trous noirs en soirée, les soirées que vous avez oubliées, on en parle juste après sur Énergie. Okay. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Thibaut de Hill dans le Limousin. Ouais, c'est ça, ouais. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Eh oui. Chaque mois, tu touches 1375 € dès le mois prochain. Ça va arriver pour toi. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher 2750 €. Oh, c'est génial. Franchement, merci à toute l'équipe. Continuez comme ça. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Disney présente... Bonjour, Alice. Ah, Alice de l'autre côté du miroir. Retrouvez des personnages légendaires. Alice, tu es revenue. Chapelier ? Je vous connais. Pour une course contre le temps. Le temps est une personne, il vaut mieux ne pas l'avoir pour ennemi. Ce n'est pas du tout rassurant. Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anna Taouet, Sacha Baron Cohen. Jeune fille de l'autre côté du miroir. Produit par Tim Burton. Accrochez-vous bien. Actuellement au cinéma. Avec Énergie. Énergie et TF1 présentent le grand show d'ouverture de l'Euro au Champ de Mars. Sur scène. Demain, à la veille du premier match de l'Euro. Will.i.am, Christophe Maé, Louane, Florent Pagny, Soprano et Kenji Girac. Puis David Guetta prend la relève pour un concert exceptionnel pour danser toute la nuit. UEFA Euro 2016 à 20h55. Le grand show d'ouverture. Présenté par Alessandra Sublet à 22h55. Le grand show de David Guetta. Demain, en direct sur TF1 avec Énergie. Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpé dans le frigo? C'est de l'emmental râpé français extra fin entre mon lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc. T'en as pris 3 paquets? Bah, 2 achetés, 1 offert. Ah d'accord. C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'emmental râpé français extra fin entre mon de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformé en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants. J'adore ça le fromage râpé. C'est bon dans tout! Pour votre santé, évitez de grignoter. Et vous ? Oui, vous, derrière la radio. Vous faites quoi pour la journée mondiale des donneurs de sang ? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. Des vies. Venez, on a besoin de vous. Célébrons la vie, donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.net. Ceci est un message de l'Établissement français du sang. Unreal, votre série inédite, mardi à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Mardi à 20h55 sur Énergie 12. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a problem. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Ball, ball, fucking that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'll smash it. We'll come home. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a gallus, I'm in stanza forever. Yo, please, baby, don't leave. You got that booty booty boom. Séverin, Lucas Perrier, Rémi Dallary au collège Michel Servet dans le 42. Salut Mathieu Coste. Salut Mathieu Coste. Mathéo Coste. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Hier, j'ai pas dormi. Debout, le gars rêve de tourner dans un film américain. Sam, j'ai pas compris. Ah voilà. Oui, c'est l'histoire du trou noir. Ah, t'as ouais. Pas cru. Ah. Alors, on se racontait un peu nos histoires. Est-ce que vous avez déjà eu pareil un trou noir? Beverly, garçon, hein, qui avait appelé du 31. On dira pas où exactement. Dans parce sud. Que je le sais pas. avant de se faire Amir, tu m'entends Beverly toujours? Ouais, je t'entends. Bah, c'est sympa en tout cas, mon pote. Merci d'être toujours là et tout. C'est gentil. Hein. Bah, toujours... Merci à vous pour l'émission surtout. Toujours sympa. T'as entendu quand on a fait croire qu'on se faisait manger par un lion il y a deux jours ou pas? Ah non, j'ai pas écouté il y a deux jours. Ah là, dommage. Là. Ah t'aurais dû. Putain, ouais. Les gars, ça a fait un buzz énorme. Je vous mettrai la vidéo demain. J'ai fait croire, on avait fait avec des acteurs et tout. On a enregistré pendant une dizaine d'heures le dimanche pour vous faire croire qu'on se faisait manger en direct par un lion avec une sirène et tout ça. Je vous mettrai la vidéo là. Bon, en tout cas, Beverly, alors toi, qu'est-ce qui t'arrive là du coup, Beverly? Ben, du coup, moi donc, j'étais sur une soirée sur Toulouse, donc Place Saint-Pierre. Oui. Donc, soirée très alcoolisée. Oui. Et en fait, donc, je me vois partir pour rentrer chez mon pote. Et en fait, je me suis réveillé le lendemain donc, dans un appart que je connaissais pas. Et en fait, l'appart était juste en dessous de celui de mon pote. Attends, j'ai pas compris. Ton appart, voilà. Il était en dessous de l'appart de ton pote? Voilà, l'appart dans lequel je me suis réveillé. Ouais. C'était l'appart juste en dessous du pote chez qui je devais dormir. Mais c'était chez qui du coup? Mais je sais pas. Et en fait, quand je me suis réveillé le matin, en fait, il m'a trouvé en train de dormir en bas devant la porte. Non, c'est vrai? Ah merde. Ouais. C'est-à-dire, t'as ouvert la porte et qu'elle était ouverte la nuit? En fait, j'ai dû sonner chez mon pote, m'endormir. Et le mec, en fait, m'a ramassé parce qu'il m'a trouvé en train de dormir devant la porte. Il est sympa, moi je ramasse pas ouais, par ouais. Terre. Un mec, moi j'appelle les flics, enfin ouais. J'appelle le SAMU quoi. Ouais, oui, oui. Et voilà, il y a un mec qui dort, c'est bizarre. Ça peut être dangereux. Déjà, tu sais pas, s'imagine le mec qui fait un arrêt cardiaque dans son sommeil. Ouais. Et chez toi après. Et après, tu dis, bah, je l'ai mis là et puis il est mort, voilà. Il y a des empreintes dessus. Ah ouais, non, c'est clair, ouais. Il y a une semaine chez moi de mec. J'ai mis standard. Ouais. Chez moi, dans mon immeuble, il y en avait une qui dormait au premier étage. J'arrive. Un énorme mec qui bandait. Du coup, je suis chez Guillaume. J'ai mis les deux paluches. Attends, comment tu te retrouves avec un mec qui dort chez toi, Gilles Zanda? Normalement, c'est Julien Stagiaire. Jamais personne. Non, pas du tout. Dans mon immeuble, en fait, je suis rentré, je sais pas, il doit être minuit, une heure. C'était le vendredi soir, je crois. Et j'entendais en fait un mec ronfler. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas mon voisin qui ronfle aussi fort. Et en fait, il y avait un autre voisin qui descendait, qui était en train d'appeler justement la police pour informer qu'il y avait un mec qui dormait. Au premier étage, quoi. Ouais. C'est marrant comment d'une histoire simple, il met des mots et on comprend plus trop. J'ai compris un petit peu. Ouais, on a compris, il y a un mec qui a appelé un mec chelou. Ça, c'est le voisin qui était bourré. Et c'est qui le mec alors? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, le mec, il est rentré, il est venu normal, tranquille, quoi. Après, il y a deux codes. Attends, et Beverly, le mec, il t'a dit quoi le matin alors, du coup, quand tu t'es réveillé dans sa porte? Je me suis réveillé et en fait, il m'a expliqué, il m'a fait voilà, on est là, il m'a donné l'adresse, le numéro de l'appart, je t'ai trouvé en bas en train de dormir, du coup, je t'ai ramassé pour. Et puis, je t'ai baisé. T'imagines, t'as que te réveilles attaché dans une cave. Avec un fou, un peu l'animal Lecter et tout, qui te découpe en morceaux vivants. Et tout, qui te mange vivant. C'est déjà arrivé ça. Bah ouais, t'es pas mangé, mais. Non, mais tu vois pourquoi il faut pas se mettre des mines tout seul. Ouais. Non, mais quand tu bois, il faut être en groupe avec un mec qui boit pas, absolument. Ah, ouais, Sam. Non, mais en vrai, bien sûr. Et c'est comme les mecs qui prennent des champignons hallucinogènes, c'est toujours. Déjà, c'est illégal, attention. Oui, et avant toute chose, mais en plus, ceux qui le font, il faut jamais le faire si t'es deux à deux. Ouais, ou si t'es 3 à 3, il faut toujours un mec parce que c'est comme ça qu'il y a les morts. À chaque fois, c'est parce que tout le monde l'a fait en même temps. Un mec conscient. Et du coup, il y en a qui se prend pour une orange qui se pèle, l'autre il jette par la fenêtre, il se prend pour un avion. Il faut toujours un mec qui te rappelle et qui dit non, gars, t'es en délire et tout, mais c'est pas le cas. Voilà. C'est chaud les soirées. De toute façon, faut pas prendre de drogue en général, c'est interdit. Je suis obligé de le dire parce que évidemment. Sinon, je vais me prendre une amende. Pareil pour l'alcool, à consommer avec modération. Toujours. Et patati et patata. Et 5 fruits et légumes par jour. Et 5 fruits et légumes par jour. Tu vas la faire à chaque fois, la blague. Mais je change le truc un peu, je sais pas. Ouais, je vais trouver un autre truc. Attends, il y a d'autres slogans de l'État. Non, j'ai bougé. Sam, celui qui conduit, voilà. Ils font les mêmes. Hein, Des pâtes. Voilà, même en Inde. Alors attends, on va t'appeler gros. Voilà, déjà Beverly, donc trou noir énorme. Mais le mec, il était bizarre qui t'avait hébergé ou pas du coup? Non, franchement, super sympa. C'était un jeune qui avait à peu près mon âge. Donc. Sur le coup, je suis bien tombé, je pense. Moi, j'aurais peur que le mec il se réveille. Moi, j'aurais peur de me coucher qu'un mec que je connais pas dans mon. Imagine, il se réveille une heure après. Et après, il dépouille. Bah oui, il se barre avec ta PS4. Ouais, mais il y a forcément un risque. Ah, franchement, attends, tu sais, le mec, tu connais pas, il dort, tu sais même pas comment il parle. Tu sais pas, imagine, il se réveille, les yeux blancs ou rouges, c'est trop bizarre. Il a une arme. Genre comme dans un film. Ouais, bien sûr, attends. Même une meuf, on sait jamais. Et tu crois qu'il a profité pour mettre un petit dos dans le cul, mais en scred, il te l'a caressé. J'avais pas mal au cul, en tout cas. Parce que je suis stagiaire, il adore héberger des jeunes hommes. C'est faux. Il m'a dit. Ah non, jamais. Plus son petit, plus j'aime. Ah non, attends, je parle en taille. Non, même pas en taille, en rien. Les hommes petits, voilà. Ah non, les femmes petites, alors. Bien. Les petits hommes. Ils fantasment sur les petits hommes. Ouais, mais ça va pas dire ça ou quoi? Mais t'as le droit de fantasmer sur les petits. Il y a ma famille qui écoute, peut-être des anciens présidents. Et. Non, beaucoup plus petit. Qu'est-ce qui t'arrive, Flo Decado? Tu vas aller en prison ou quoi? T'arrives, le mec, il parle de lui-même. Je questionne pas du tout ce qu'il vient de dire. Pardon. Ça va pas, Flo Decado ou quoi? T'as qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, je suis désolé. Non, bah voilà, c'est pas grave. Prends un avocat, mec. Bah voilà, t'es licencié, Flo Decado. Rentre chez tes parents, salut à toi. Voilà. Faute grave, ça y est, ouais. Juste, le maître, l'avocat d'énergie vient d'arriver. Oui, bonsoir monsieur, j'aime entendre ce qu'a dit Flo Decado. Flo Decado, déjà il sert à rien dans l'émission. Les cadeaux, il s'est particulier, on comprend rien. Là, il dit une bêtise. En plus, il susnomme Nicolas Sarkozy parce que bon, on l'a reconnu, c'est un ami proche. Donc on va bien s'en en charger. Oula! J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Non, moi je vais parler des hommes bien plus petits, attention. Des hommes petits avec une grosse. Rien à voir. Cheveux. Non, moi je vais parler des hommes bien plus petits que ça, je parlais des hommes type deux fois plus petits. C'est des fous, je vous adore, j'ai une question pour. Alors attends, gros bisous sur le bout du nez de la gentille ministre standard, Maxime de Rouen, là. En même temps, dans cet état, t'es pas très clair, complètement éclaté. Ça m'est arrivé avec ce genre d'aventure. Dédicace à Brendan, mon bébé, je t'aime. Il s'est endormi devant Very Bad Trip, trop mordant. Salut Mito. Coucou les gars, je suis le gagnant de l'énigme de dimanche soir. Et j'ai pas très bien compris quand la PS4 est arrivée. Ah bah alors attends, salut Bruno. Bisous. Je suis hyper content d'avoir gagné. Qui vous kiffe. Gros bisous, mon Bruno. Bah alors attends, Minosa, tu vas le rappeler tout à l'heure. Oui. T'inquiète, il y a des envois de cadeaux et puis ça arrive dans ta poste à côté. Puis tu reçois un papier comme c'est un colissimo, hein, tout simplement. Tu reçois une petite lettre déjà. Ah oui, d'abord, t'as une petite lettre, mon poteau. C'est pour te dire que bravo, félicitations. Bisous. Alléluia, etc. Voilà. Dédicace à tous les agriculteurs. Salut Mathieu Ponce. Salut. T'es un chef, salut les gars. Au collège Immaculée Conception à Clisson. Salut mon Florentin. Là. Alors, on va. Est-ce Est-ce que le mec a des cicatrices sur lui? J'ai entendu des histoires comme ça, du trafic d'organes. Ouais, c'est ah, ouais. Ça. Lucas qui s'est réveillé deux jours après, tu t'es pas réveillé avec une cicatrice? Un rein en moins, au pire, t'imagines? Bah oui, c'est possible. Ouais, ouais. Un œil en moins. Ah, il m'entend plus. Tu m'entends, Lucas de Toulouse? Ah oui, oui, je t'entends, excuse-moi. Oui, tu t'es réveillé avec. Non, t'as pas. De... Ça serait possible. Ouais, bah oui. Et oui, parfois, j'ai eu un cocard, c'est tout. Quoi. C'est... Ah, quand ouais. Même. Peut-être que t'as un œil de verre, tu sais pas. Ouais, bah si, tu le vois, je pense. Tu fermes un œil et tu le vois. Attends, mais tu sais que moi, ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur. J'ai même besoin, t'as pas peur de te réveiller? Je sais pas, et qu'on t'ait volé. Ouais, bah en plus, il y a eu des histoires à Marseille il y a longtemps. De quoi? Il y a 15 ans de ça, de vol d'organes. Ils ont volé quoi? Ouais, bah ils ont kidnappé les gens, ils leur ont pris les organes. C'est pas vrai? Ouais, à côté. Les gens, ils les tuaient alors? Ouais, bah ouais. C'est pas vrai? Ouais. Bah au pire, t'es mort. Il y avait vraiment, à chaque fois, il y avait la description d'une camionnette et tout. Ouais. Oh là là. Le jeu, le truc, il fait trop flipper. Putain, ouais. Mais c'est qui va voler? Ouais, non, mais là, c'est mais en plus, vraiment... c'était à côté de chez moi, tu vois. Il y a de l'argent en jeu. Non, mais c'est le monde part en couille. C'est quoi leur problème? C'est bah, l'argent. Ouais, bah oui. De toute façon, avec tous les trafics, tous les trucs, ça vient à la base, c'est un seul truc, c'est l'argent. Hein. Et là, maintenant, en Inde, il y a un nouveau délire, ils dressent les singes pour aller voler l'argent dans les bijouteries. Là. Non. Et vous avez pas vu, là, il y a. On a vu une vidéo surveillance en Inde. T'as un singe, il arrive, il braque. Le mec, pendant que l'autre, il monte sur la caisse, il connaît le bouton en bas à droite de l'écran, ça ouvre la caisse, il prend le billet. Ouais. Et en fait, ils menacent de tirer quoi. Ils menacent de mort et tout. Non, mais attention, les singes, c'est très malin. Ouais. Et ils commencent à comprendre ça, les mecs. Et en fait, le singe, il peut pas aller en prison. Bah oui. Donc, ah ouais. Bah, du coup, puis ils disent, bah, pire, bah, si le singe meurt, je m'en fous quoi. Ouais. Et donc, ils envoient les singes maintenant faire des bracos. Oh mais des gros singes, attention, hein, des ouais. Singes, ça t'arrache la gueule. C'est la planète des singes. Mais c'est la planète des singes. Mais ils arrivent à 2 ou 3. Bah non, en fait, ils les déposent. Genre ouais. À 100 mètres, ils leur apprennent, je sais pas, ils les dressent quoi. Un taxi. Les gangs de singes. Les gangs de singes. Exactement. Ouais, c'est dingue. Et après, ils vont. Ils rentrent dans la bijouterie en mais fait. Après, et ben après il se bat. Butin, ben, non mais en fait ça monte sur les toits donc ouais, tu peux pas le rattraper. Ah et, ouais. Et ça sent ton. En fait ça a une odeur et ça sent le maître. Se faire braquer par un singe. Ah bah ouais, te faire braquer par un singe. T'imagines oh, merde. Vous avez vu, il y a deux mecs qui ont braqué une bijouterie, ouais. Je sais plus où là, à côté de Paris, j'ai mis son art. Ouais, je crois que c'était vers Paris, ouais. 14 et 16 ans. Ah ouais. Et ils ont forcé la vendeuse à leur faire une fellation. Et les mecs, ils avaient pas de cagoule. Il y avait une caméra de surveillance. Ah ouais, prison, c'est bon. Il y en a un des deux qui a réussi à repartir chez lui au Mali. À Villejuif, ouais. Parce que c'était des. Ils avaient pas de papier français, c'était des Maliens en plus. D'accord. Et donc ils arrivent, ils ont québra la pauvre nana, ils ont pris. Et donc 14 ans, le mec, il a fait 100 mètres, il s'est fait arrêter. Bah ouais. Et l'autre, suite de saison, il a réussi à partir dans un avion. Il a réussi à décoller l'avion avant qu'on l'arrête. Ouais, mais c'est bizarre ça. Je le suis. Et j'aime son art. Imagine, il fait ça à ta mère, tu le suis. Ah oui, mais après, va le retrouver au Mali. Mais c'est pas grave. Bah, tu sais pas dans quelle région du Mali il est. Ouais, hein. Tu fais un film. Il y a des régions au Mali qui sont un peu chaudes, là, le nord et tout. Gros bisous, les Maliens. Salut. Écoute, de distance, c'est pas le français, mais bon. Bon courage. Il y a une partie du Mali qui est quand même encore compliquée, là, sans. Mytho, le mec, le GHB, laisse pas de traces dans le sang. C'est le principe de cette drogue, ni traces, ni souvenirs. Ah mais il avait autre chose apparemment. Ouais. Il avait vraiment des traces de GHB, Lucas? Dans l'urine on peut l'avoir. Ouais, ah ouais, d'accord. Ouais. Putain, c'est ouf. Hein. T'as vu, c'est pour te dire. Hein. Ouais. Il y a des médecins qui écoutent. Non, mais là, t'as du monde, là, t'as de tout. Et sur 1 million de personnes, t'as forcément le spécialiste. Ah bah t'as oui. Même peut-être même des mecs qui l'ont utilisé à mauvais escient, le GHB. Malheureusement, ouais. Ah. Donc, Gérard, tu peux avoir des mecs qui te disent que c'est pas vrai. Au lycée Cormontaigne, à Metz, salut Thibault du 57. Salut, bisous. Et au collège de Liffre, Martin Luther King et de Ethan 5e5. Merci de me rendre heureux. Salut Alicia. Bah, tu rigoles, merci d'être là. Attends, mes chiens. Salut, dédicace à Flo des cadeaux, mon préféré Sarah du Haut-Rhin. Merci Sarah. Dédicace à mes collègues de SNCF à la Gare du Nord. Salut Marco aussi. Salut, ouais. Salut. Allez, on se fait Amir. On se fait J'ai cherché sur énergie Deoro, James B. Et juste après, on va retrouver l'un qui a pris. Il a essayé de la drogue dans un voyage en Inde. Il s'est réveillé 2 jours après. Ah merde. En France. Il s'est réveillé, rapatrié par l'hôpital et l'armée. Tout ça. On va en parler juste après. Guillaume, et votre message avec votre numéro de téléphone dedans, comme ça je vous appelle. On se raconte les trous noirs, les blackouts qu'on a eu en soirée sur énergie. Trop de mémoire, on s'en raconte maintenant là. Ok. L'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes là, qui dans mes là, dans mes bras. Comme une erreur de l'univers, j'ai jeté tellement de. 22h, 1h. Vous êtes à la maison. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Patron m'a logé désorienté, ça veut dire quoi? J'ai fini la cuisine professionnelle sur un plan de travail, j'ai pas compris gros. Oula. Salut Guillaume, mon seul trouvé noir, dans le trou noir, j'avais 18 ans, sorti de boîte de nuit jusqu'à mon lit. Demain c'est ma journée de 9h30 à 12h25 pour toute la journée, salut gars. Bisous. Et toi Guillaume, ouais, moi ça m'est arrivé juste une fois, j'avais déjà raconté en Belgique, je me suis pris une grosse cartouche au saut au club. Ah ouais. Je parle même de la boîte. Et c'est un chanteur, c'est Singila qui m'avait porté. Ah, c'était une soirée folle radio que j'avais réalisée. Ah, il m'avait porté sur ses épaules et je m'étais retrouvé chez mon ex-copine avec du vomi dans le lit le matin et dormais à côté du lit. Et je me suis réveillé, il y en avait partout et tout. Non, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Genre une épave. Mon dernier souvenir, c'est d'avoir bu du rhum au goulot. Le rhum, c'est la merde. Non, mais en fait, moi j'aime bien le rhum, et à partir du moment où je le bois au goulot, c'est terminé. La soirée est finie. Ouais. Ouais. En fait, c'est le moment où t'es un peu anesthésié, où t'es con. Où tu sens pas l'alcool. Non, c'est au moment où t'as plus la réflexion à dire non, c'est peut-être bête là ce que je suis en train de faire. Ouais. J'ai pas profité de la soirée. Non, c'est bon où t'es là, tu fais. Me laissez pas seul parce que je vais trop grand berger. Tôt ou tard, les loups seront mangés par le berger. La semaine prochaine, hein, Jules ouais, sera avec nous sur Énergie là. Seule émission qu'il a fait depuis 2 ans. A mon avis, il a pris du souffle du diable. Il y a un trou noir de 30 minutes à 1 mois. C'est quoi ce truc? Mais non. J'ai essayé quasi toutes les drogues qui existent. J'ai eu des sensations bizarres, mais jamais eu de trou noir. Sauf bourré une fois. Salut Glenn du 56. Salut. Et la chance. Moi, j'ai eu un trou noir il y a 1 an. J'ai pris une certaine chose. J'étais avec une fille. Elle a commencé à ne pas aller bien. On était dehors, alors on a voulu aller à l'intérieur. Et là, je me souviens plus de rien. Sauf que j'étais assis et j'ai pas la suite de ton message, gros. Merde. Moi, j'ai des mini trous noirs fréquemment pendant la journée. C'est trop chelou. Ça, c'est pas normal. Ouais. Hein. Moi, le plus gros trou noir que j'ai vu, c'est l'anus de Julien Stagiaire. Oh non. Remitons le mec. Salut Guillaume, dédicace à tous les chauffeurs JLF et à ma chérie de la part de Teddy du 59. J'ai essayé de me sucer dans le camion. Mais n'importe quoi. Tu m'entends Fred de Sainte. Pierron a retrouvé. C'est hyper nombreux à nous appeler. Nico, 18 ans. Ça va ou quoi, Fred? Ça va bien et vous? Tranquille. Salut. Tranquille. Salut. T'appelles du 17, c'est ça, Fred? Ouais, je suis pas dans le 17, je suis sur la route, mais ouais, je suis du 17. Ouais. Vas-y, bah y a pas de problème, dédicace. Hein. Salut à Aymeric le Diboussien aussi. Bisous. Enchanté, mon Fred. Déjà passé à l'antenne ou jamais? Non, jamais. Jamais? Oh putain, c'est son bon dépucelage. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, ça fait du bien, ça fait oh du bien. Oh là là, le coup de fusil. Ce soir, quoi, le premier, quoi. Vas-y, enchanté. Tu fais quoi dans la vie? C'est toi qui tiens la page Facebook, je mets etc. quand j'ai plus d'exemples. Grave. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, chauffeur, quoi, toi, tu es déjà là? Chauffeur routier. Chauffeur routier. Non, mais apparemment, il y a les frigos, il y a les bâchés, je sais pas quoi. Là, moi, je suis en frigo. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de rivalité entre les deux. Oui. Voilà. C'est un peu comme même Paris, quoi. Il y a toujours des rivalités entre les villes, on sait jamais pourquoi. Ouais, c'est ou les entre derbies. Les pays ou entre les métiers. Mais vous, quoi. Ouais, on a l'impression qu'on aime détester le voisin. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Ah ouais. Quand tu vois, je sais qu'il y a Ajaccio et Bastia qui se détestent au foot. Alors que c'est la même région. Vous êtes sur la même île, quoi. Mais les régions, souvent, c'est comme ça. Vous êtes sur la même putain d'île magnifique. Même Trappé et Lancourt, ils sont nombreux. Alors, Amina du Sandard, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais en général, on n'aime pas la ville d'à côté. Même dans la même ville, le quartier. Pourquoi, mais quoi. Oui. C'est pareil, alors que tes parents, ils seraient habités à la ville d'à côté, tu serais la ville d'à côté aussi, quoi. C'est le territoire. Ouais. Ah, ça n'a aucun. Oh, en vrai, ça n'a aucun sens. Bon, après, quand c'est dans le sport, c'est rigolo. Ouais. Mais les pays, l'euro là. Ah oui, dans l'euro. Et voilà, l'euro, c'est marrant. Ouais. Bon, on verra. Vendredi, premier match alors. France-Roumanie. Ouais. Et ben, on va suivre ça à partir de 21h. C'est un premier match. Hein. Au Stade de France vendredi. Non, on va gagner match de lancement. Après, il y a de la pression sur les. Ce serait vraiment la honte quand même. J'aime du standard. Comment tu sens l'euro là cette année? Avec l'équipe de France qu'on a. Ben moi je sais pas, j'ai un bon pressentiment. Après je sais pas si on gagnera, mais ouais, peut-être demi. Je me dis demi-finale. À demi-finale. Ouais. Ce soir, mais j'aimerais qu'on la gagne. JM du Standard le voyant. Ah, exactement. Ouais. JM du Standard, celui qui nous livre la vérité. Tout à fait. JM du Standard, il a amené sa boîte à trésors. Ouais. Il faut lui mettre une pièce. Et d'un coup, il pourra regarder dans sa boule de cristal. Exactement. Et vous dire la magie. D'ailleurs, je suis. Ah, mais attendez, excusez-moi, je suis pas tout seul en plus ce soir, excusez-moi, alors attendez. Ouais. Je croyais que j'étais tout seul, mais. Bon, en fait, je suis pas tout seul. Je suis ce soir avec l'émission Total Voyance. Je m'appelle Issa Chessu. Je suis le voyant qui lit dans le crâne des barbus. Issa Chessu. Je lis dans la news des gens tendus. Et je suis accompagné de mon cousin du sud, Bobo le Marabout. Oui, bonsoir, c'est Bobo le Marabout, présentement enchanté. Bobo le Marabout, comment vous voyez l'avenir de l'équipe de France au sein de cette Euro 2016? Écoutez, je la vois gagnante, car le chef de l'équipe de France est africain, il s'appelle Aboubacar Deschamps. Il est déjà avec une posture pour les médias, mais il est africain, une noiritude dans le cœur. Il est loin, gagnera, comme les lions indomptables camerounais, comme à la Coupe d'Afrique des Nations, voilà. Oh, vous voyez un magnifique euro pour l'équipe de France en 2016. Tout à fait. Je les vois gagner face au Ghana qui viendra s'inviter en euro. Non, nous parlons de l'euro. Vous avez confondu, Boubou le Marabout. Là, je ne confonds pas car le Ghana sera l'équipe surprise. Car la Roumanie sera disqualifiée et l'UEFA, Michel Platini, fera appel au Ghana. J'ai envie de dire Boubou le Marabout en Boubou de Boulogne Biancourt. Vous l'avez dit. J'ai envie de dire vous pétez des plombs, comme on dit chez vous. Je ne sais plus comment on dit. On fait une Serge Aulier. J'ai envie de dire que vous avez complètement pété les plombs. Est-ce que vous êtes fait marabouter à votre tour, Boubou le Marabout en Boubou de Boulogne-Billancourt? Tout à fait. C'est Amadou et Mariam, le jour des mariages, ils m'ont marabouté. Et alors, est-ce que vous avez déjà eu, vous, une soirée, Boubou le Marabout, un trou noir? Je trouve cette question un peu méprisante, mais effectivement, tous les soirs, j'ai des trous noirs. Parce qu'à l'alcool de Douala, nous avons la vodka Rala. Bonne vodka. La vodka Rala. Vous savez la vodka Lala? Oui. Où achète-t-on ces vodka Lala, Boubou le Marabout, en Boubou de Boulogne-Billancourt? À Carrefour Market de Yaoundé. Venez de l'emprunter. Merci, monsieur Carrefour. Ah, vous avez de la chance. Et vous pensez donc que nous allons gagner cette année l'équipe de France de football pour l'Euro 2016? Présentement au tir au but. Paul Pogba, un enfant de chez nous, va marquer le cinquième but. Voilà, voilà. Quel est votre joueur préféré, Boubou le Marabout en Boubou? Lilian Thuram, mais il est hélas retraité. Heureusement, Paul Pogba et Patrice Evra sont la relève. J'ai envie de dire merci beaucoup pour le message. Il y a une très bonne blague qui vient d'arriver que je ne peux pas lire sur le standard SMS. Ah là là, le 394. Voilà, salut les gars. Salut. Il a une drogue qui s'appelle le souffle du diable. Je connais pas du tout. Ah, ça a l'air de truc. Salut les gars. Là. Moi je suis en Corse et je ne pense pas qu'il ait essayé de tester les mecs déjà. Non, mais je sais qu'il y a toujours des rivalités entre sport. Voilà. Au foot, oui. Impossible qu'il ait essayé pratiquement toute la drogue. Il y en a même tellement qui sont novices, voire extrêmement dangereuses physiquement pour l'homme. La drogue croco, par exemple, qui serait mort en ayant goûté ne serait-ce qu'au quart. Merci pour les messages. Alors attends, il y avait Fred. Alors toi t'es parti en Inde, qu'est-ce que t'allais faire en Inde, Fred? Moi j'ai été faire un petit voyage. Énorme, trop bien. On a chance. T'es parti combien de temps en Inde, Fred? Je suis parti il y a un peu plus de 3 mois tout seul avec le sac à dos. Ah c'est vrai? Ah mais cette année? Ouais. Un road trip? Non, en 2011 je suis parti. Et comment ça se fait suite à un divorce, à une embrouille, à un changement de boulot? Ouais, c'était un peu tout ça quoi, tu vois, un peu envie de changement, déception amoureuse et puis un peu besoin de souffler sur certains trucs. Donc parti 3 mois comme ça, puis c'est un pays que j'avais envie de faire depuis des années, donc voilà quoi. Il paraît que c'est hyper beau l'Inde. Ouais. Ah ouais, c'est kiffant quoi, la culture. Il paraît que c'est choquant tellement que c'est pauvre. Ouais. J'ai des amis qui l'ont fait qui m'ont dit c'est un peu bouleversant même. Bah, ça dépayse. Non mais au-delà du dépaysement. Ouais, bah, déjà c'est beaucoup. Et il paraît que c'est assez impressionnant quand tu descends de l'avion et tout. Voilà. Ah, c'est super choquant, ouais. Franchement, même moi qui pourtant suis gavé, ouvert d'esprit et tout, quand t'arrives là-bas, ça fait un peu bizarre, ouais. Ouais. Et toi, t'as pris de la drogue en Inde? Qu'est-ce que t'allais prendre de la drogue en Inde? Faut être en fait, c'était à la fin, quoi, tu vois, c'était le jour de mon anniversaire, il me restait 3 jours de voyage. Attends, c'est quoi, il y a la pub? Attends, c'est quoi, excuse-moi, j'ai pas vu. À 22h52, il y a les écrans pubs, il y a une écran pub dans 7 secondes, on se retrouve juste après, d'accord? Il y a la pub pour le W8 avec les places de Guetta gagnées encore ce soir sur Énergie. Venez à Paris, assistez au grand show d'ouverture de l'Euro. Au Champ de Mars, le 9 juin, avec sur scène, en direct, sur Énergie et TF1. Dès que vous entendez le double hit Énergie, David Guetta, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister à ce show énorme au pied de la Tour Eiffel. Ah, trop bien. Énergie, numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Hey, vous? Oui, vous, derrière la radio. Vous faites quoi pour la journée mondiale des donneurs de sang? Je dis ça parce qu'en moins d'une heure, vous pouvez sauver une vie. des vies. Venez, on a besoin de vous. Célébrons la vie, donnons notre sang. Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.net. Ceci est un message de l'établissement français du sang. Énergie, it's music only, avec Koé et son nouveau One Man. Salut, c'est Koé sur Énergie. Retrouvez le tout nouveau spectacle de Koé le 16 juin au Feu de la Rampe, en avant-première exceptionnelle de sa tournée et avant son retour à la Cigale. Infos et réservations, énergie.fr et points de vente habituels. Bon, j'espère que vous allez venir, je compte sur vous. Koé en tournée, un événement Énergie. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Et pourquoi pas trouver l'amour? Accéder à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service en envoyant Célib, CELIB au 63602. 50 centimes plus prix du SMS et énergie. Unreal, votre série inédite, mardi à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Mardi à 20h55 sur Énergie 12. Du lundi au jeudi, c'est Guillaume Radio 2.0, de 22h à 1h, sur Energy. Allez, de retour. Sardine, attendez sans personne, elle se sentait délaissée. En restant seule, elle s'ennuyait, passe ses journées apeurées. Santé, surtout les routiers du 17. Salut Mickaël. Alors on se racontait avec Fred de Sainte justement là, qui a pris de la drogue en Inde. Alors qu'est-ce que c'est que comme drogue que t'as essayé de prendre en Inde? Bah au départ je pensais que c'était de l'héroïne. Ah tu pensais? Ouais. Ça ne surtout pas faire hein, les gars, attention. Ah hein, ouais. Ben non, mais alors par contre, ouais, alors par contre voilà, moi je tiens à dire voilà, c'est pas un exemple et tout, voilà, moi tu me demandais pourquoi j'étais parti en Inde tout à l'heure, voilà, j'étais parti pour couper ce que je faisais en France et tout, donc je suis parti là-bas 3 mois, nickel, 4 mois. Et puis bah là c'était le jour de mon anniversaire, à 3 jours de partir, j'allais rencontrer des mecs, je me suis dit allez, je vais me faire un petit plaisir et tout. Et en fait je me suis réveillé, enfin je me suis pseudo-réveillé 2 jours après dans la chambre d'hôtel parce qu'il y a le mec qui tapait parce qu'il me disait que j'avais dépassé mon temps quoi. Parce qu'en fait je devais partir la veille mais moi quand je me suis réveillé ben voilà je comprenais plus. Et là j'avais plus d'affaires, plus rien, on m'avait tout volé, ordinateur, papier, tous mes trucs et tout ça quoi. Et je me suis réveillé quoi, peut-être une heure ou deux quoi, puis après je suis reparti dans les vapes, du coup ils m'ont envoyé à l'ambassade de France, puis là ils m'ont fait prendre un avion, Bombay, Delhi France. Et arrivé en France, pareil, je sais pas trop comment c'est passé, c'est mon oncle qui m'a récupéré, qui m'a mis dans un train pour me ramener sur Sainte, quoi, parce que voilà, je m'en rappelle plus. Mais l'ambassade a appelé ton oncle? Non, l'ambassade elle a appelé de la famille, parce que j'avais encore des numéros sur moi, donc ils ont appelé de la famille pour savoir comment on faisait et tout, ils m'ont rapatrié. Et tu t'en rappelles pas, toi, tu dormais dans l'avion? Alors moi, franchement. C'est long pourtant. Ah mais moi je me rappelle pas, franchement pour être honnête avec vous, pourtant, comme on disait tout à l'heure, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils avaient essayé plein de choses, moi j'ai essayé énormément de choses. Je me rappelle de rien pendant peut-être 3-4 jours, je me rappelle de rien. Ah c'est ouf ça. Mais c'était quoi la drogue? Ils t'ont dit ou pas finalement? Ah non, je sais pas, non, moi j'ai jamais fait d'analyse, j'ai jamais cherché et tout. C'est vrai, mais attends, mais même quoi, parce que t'as dû être. C'est l'assurance qui a payé, non? C'est un rapatriement ce que t'as fait, c'est pas. Bah non, mais j'avais des billets d'avion, comme déjà je devais rentrer et tout. Il y a juste le billet d'avion pour Bombay Delhi, mais je pense que apparemment, parce que le numéro de téléphone que j'avais donné, c'était le numéro de la mère à mon fils, quoi. Et apparemment ils en avaient un peu marre de moi parce que je devais pas être trop en forme et je pense qu'ils en avaient un peu marre donc ils m'ont mis dans l'avion et j'en ai jamais entendu parler après quoi. Ah c'est vrai? Ah, c'est, putain, c'est ouf. Hein. Ouais. Là t'es content hein, quand t'es en Inde et que t'as plus de papier de trouver un Français à l'ambassade. Ouais. Bah ça sert à ça l'ambassade. Ouais. Putain quand t'es au bout du monde, moi ça m'est arrivé déjà en Thaïlande ou au Cambodge et tout et t'es dans un environnement un peu hostile, je veux dire, t'es à l'autre bout du monde. T'es pas à l'aise. Y a personne qui parle, si t'as plus d'argent, tu vis plus quoi. Ouais. Donc, même ta CB. Et là t'es content de trouver un mec qui te dit c'est l'ambassade française, de trouver un mec qui est comme toi, qui parle ta langue. Ouais, tu l'embrasses. Toi, putain, tu le sers dans tes bras quoi. Non mais c'est vrai, le mec à l'accueil, tu vois, putain, évidemment. Français. Ouais. Ah, quand tu te fais voler tes papiers et tout, ou alors quand il y a même des attentats ou quoi dans un autre pays, t'es content de les retrouver. Hein. Ça déjà, t'es content quand, tu reviens à toi et que t'es chez toi sur le canapé. Déjà, ça fait du bien, quoi. Parce que tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Franchement, mais ça doit faire. Ça va être sympa d'être comme boulot, je pense, diplomate. Ouais. Ouais. D'aller. Ah, tu voyages. Ah, ouais. Ça doit, franchement, c'est quand même un bon. Ça doit être, mais par contre, je crois que c'est super bien payé. Mais je sais pas les études qu'il faut faire. J'ai jamais vraiment. Genre compris, les nains, non, un truc comme ça. J'ai jamais compris vraiment le taf qu'il fallait faire pour. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne question. Hein. École, ouais. Ouais. Et effectivement, j'en sais rien. Ouais. Des belles maisons aussi. Et bah après c'est dans les ambassades qu'ils habitent. Ah, c'est stylé. Ou alors il y a les maisons de l'ambassadeur à côté, ouais. Et tout. Ah mais c'est pas dans les mauvais. Mais en général ils ont des plaques diplomatiques, ouais, et tout. Oui. Je sais pas trop. Est-ce que ça a un rapport avec les services secrets, les diplomates? Les plaques vertes, je crois. Et ouais, est-ce que c'est est-ce que faut être dans les services secrets pour être diplomate et vice versa? Je sais pas trop. C'est pas la politique aussi un peu. Est-ce que quelqu'un connaît un diplomate? Est-ce que vous pouvez nous dire là, s'il y en a qui écoute et qui est diplomate, juste pour savoir. Ouais. Comment on devient diplomate? C'est une bonne question, ça. C'est vrai que. En général c'est Sciences Po. Ah alors. Ah 1901. Tu connais un diplomate? Bah moi j'ai ma meilleure amie qui a Sciences Po. Et tu es un diplomate? SMS qui est un peu limite. Mais n'importe quoi. Qui n'a rien à voir avec la suite. Et elle travaille beaucoup avec les ambassades, du coup. Et je sais que c'est en général le biais le plus courant. Ah ouais? Sciences Po Paris, ouais. Sciences Po pour faire la politique. Oui, c'est ça. Flo des cadeaux. Moi, j'ai ma tante qui a bossé pour un diplomate. En fait, il avait un espèce de château. Ouais. Et elle était payée. Diplomate de quel pays? Je sais plus exactement. Ça fait très longtemps. Et en fait, elle c'est était. C'est la payée. Semi-info de Flo des cadeaux. Non, on le voyait pas souvent parce qu'en fait le boulot de ma tante c'était de rester dans sa propriété quand il était pas là pour l'entretenir. Ah oui d'accord. Donc, sympa, fait, c'est un jardinier quoi. Ouais en gros c'est ça. Et du coup bah on le voyait jamais quoi. C'est bien, c'est bien. Et comme ça tu profitais de la villa. Ouais, ouais il avait une très très grande propriété. Il travaillait plus du pays. Non, c'est dommage. C'était quelle zone du monde? Il travaillait pas non plus. Je crois que c'était les pays de l'Est. Pays de l'Est, ouais. D'accord, ouais. De toute façon, il y a tout qui part réglo quand t'es diplomate. Ouais. Quand tu dis je suis un diplomate africain, tu dis oula, le mec il doit ramener des trucs, c'est pas trop. Quand tu dis je suis diplomate de l'Est, tu dis oulala. Ouais, diplomate de l'Asie, tu sais pas trop de qu'est-ce qu'il peut te ramener. En fait, c'est l'Europe, aussi. C'est assez safe quand même. Ah, mais t'as plein d'avantages quand même, c'est cool. Ah non, mais c'est sûr. Bah, déjà, c'est celui bien. De pas le droit de se faire arrêter quand même, qui est hallucinant. Oui. Pas de PV. Pour les enfants aussi, hallucinant. Pour les enfants, bien sûr, l'autre jour, j'étais en moto, il y a un mec qui a fait mon entraînement, c'était une plaque diplomatique. C'était quatre noix dans une voiture, ils avaient un A sur la voiture. Oui, bah mon pote. Et c'était quatre mecs qui devaient avoir tout juste 18 ans, quoi. Ah ouais. La plaque, bah, c'est la plaque de. En fait, c'est la voiture de papa. Après, ils en profitent aussi. Et bah oui, mais c'est normal, bon, après, oui, c'est normal qu'ils aient. Ouais. Mais par contre, ça marche jusqu'à 21 ans, après, c'est terminé. Ah, t'as plus le droit? Oui, parce que. D'avoir la plaque diplomatique? Voilà, jusqu'à ses 21 ans, c'était bon, et maintenant, il peut plus. Ah ouais, putain, c'est. Mais c'est déjà bien. Aujourd'hui, c'est la journée officielle des meilleurs amis. Ah bah, très bien. Qui a déjà essayé la méthamphétamine comme dans Breaking Bad? Ah, franchement, c'est un mauvais truc à faire, ça. Ouais, je crois que c'est vraiment un truc qui te rend un peu larve. Ouais, ouais. T'as déjà essayé, toi, Fred, de Sainte, la méthamphétamine? Pas la méthamphétamine, parce qu'on a du mal à en trouver chez nous, mais des amphètes, plein de trucs. Ouais. T'avais envie, en fait. Pourquoi t'as voulu essayer suite à Breaking Bad? Ah, ben parce que j'ai essayé pas mal de choses durant ma vie, et voilà, j'ai fait pas mal la fête dans divers endroits de France, d'Europe et tout ça, et donc j'ai essayé pas mal de choses, quoi. Qu'est-ce que t'as essayé de pire? C'est vraiment le truc qui était le plus fort? Alors, ça, là, ce que je t'ai dit, je savais pas ce que c'est, et après, un autre truc s'appelle, le nom latin, c'est la salvia, la sauge. C'est une plante qu'on peut mettre. Ouais, c'est une plante, la sauge. Ouais. Et ça se cuisine, la sauge. Ouais, ça se cuisine, mais après, t'as une version aussi qui se fume, et ça, c'est pareil, c'est hyper costaud, hyper violent, quoi. Ça dure pas très longtemps, mais c'est très, très violent, pareil. Ça, quoi. C'est le truc que t'as fait le plus hardcore, la sauge. Ouais, parce que c'est vraiment violent et très, très vite, quoi. Après, autrement, ce qui est vraiment violent aussi, c'est LSD, quoi. Ouais, ah, le LSD, ouais. Pourtant, la sauge, ça fait pas trop gangster, quoi. Ouais, j'ai vu du tilleul, le mec. Ah, je me suis une race au ciel. Moi, j'ai fait une douté, Guillaume. J'étais retourné. C'est vrai que ça fait un peu plante de grand-mère, ouais, la voilà, sauge. Ouais. Il y a la mandragore. Non, on va pas donner tous les trucs. On va pas donner, cousin, parce que là, on va se prendre une lettre. On va donner toutes les plantes que tu trouves dans la nature qui se fument et tous les noms de champignons. Non, mais voilà, quoi. Ouais, ouais. Bah voilà, on va arrêter. Non, et attends, et t'as essayé le crack? Ah ouais, putain, mais toi, t'es... Mais qu'est-ce que t'as pas essayé, en fait? Ah ouais, non, mais c'est... Il a passé l'alcool, c'est le mec qui avait commencé par le contraire. Attends, t'as essayé le crack, mais c'est hyper chaud, le crack, non? Ouais, il paraît, ouais. Ah, c'est un dérivé de cocaïne qui est préparé pour le fumer. Et ouais, c'est assez violent et tout aussi, tout pareil. Comme et l'héroïne, t'as essayé, l'héroïne? Ah, l'héroïne, j'ai même essayé beaucoup, ouais. Ah ouais, putain, mais... Ah ouais, t'es chaud. Ouais. Mais l'héroïne, c'est quand on se pique et tout, là, c'est vraiment... Ouais. Là, c'est les vrais... Fais un garrot et tout. Ouais, pas forcément, quoi. Tu peux la sniffer aussi. Moi, maintenant, j'ai tout arrêté depuis que je suis rentré d'Inde, justement. Ça fait 4 ans, là, j'ai tout arrêté. Et voilà, quoi. Après, c'est voilà quoi. C'est, ça t'a servi de leçon un peu, genre l'Inde? Non, non, c'est pas ça. C'est que non, moi c'était moi je partais là-bas justement pour couper d'ici parce que ça faisait déjà un moment que j'y pensais et tout, parce que voilà, c'était une période de ma vie et puis que tu peux pas passer toute ta vie comme ça non plus. Si tu vas avoir une. Attends, mais genre ça t'a pas marqué sur le visage et tout de prendre de l'héroïne, ce qui paraît que ça quand même ça déforme quoi. Ah bah oui. Ah, un petit peu, ouais, il manque quelques dents, tout ça, c'est un peu, voilà. Ah ouais, tu perds les dents. Voilà, ah ouais, putain, les gars, vous êtes ouf, quoi. Putain, vous préférez prendre des drogues et perdre des chicots. J'ai essayé, toi, tu dois te brouiller l'héroïne. Ah non, j'étais sûr d'aller faire ça. Plus de cheveux, plus de chicots, le mec. J'ai jamais pris de l'héroïne. Il a pris la méthamphétamine. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. C'est possible, d'ailleurs. Et moi, j'ai encore tous mes cheveux, par contre. Ah ouais. Ah bah, tu vois, donc ça a rien. Il a dû prendre un truc plus fort que toi. Non, non, non. Ah ouais. C'est là, Guillaume, mon père est attaché de défense, représentant de l'armée française à Djibouti, était militaire au départ. Salut Man. Oui, c'est Sciences Po pour faire diplomate, pas que Sciences Po Paris, toutes les autres Sciences Po marchent. Moi, le seul trou noir que j'ai vu, c'est Mina du Standard. Il y a un fils diplomate qui a essayé de violer une nana, il a rien, je trouve ça pas normal. Non. Ah ouais, c'est clair. Ça, par contre, c'est relou. Ouais. Je suis traducteur, interprète et je travaille 5 ans à l'ambassade de France au Japon. Ah, et j'ai un master, il faut passer les concours administratifs, quoi. Ça, c'est marrant, quoi. C'est bien qu'on trouve habiter au Japon, c'est dingue. Ah ouais, tu voyages. C'est sympa d'habiter comme ça dans une autre culture aussi, et tout. Trop. Ça divertit quoi en fait. Ouais, il y a tout qui te change un peu. Si t'avais la possibilité d'habiter dans un pays, je sais dire que t'avais vraiment tu choisis et demain t'y es, qu'est-ce que t'aimerais faire? Brésil ou Australie. Là Brésil. Comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi ça me tente là. Les plages, le foot et l'Australie. Et pour les grosses gags. Non, je travaille les gros stubs. Après, je parle pas portugais. Les gros stubs de brésilien. Super. Non, quoi, brésilien ou quoi? Ou là, l'Australie. Ou l'Australie. Ouais, Brésil, ouais. Ça me tente bien. Ouais. Australie. Je sais pas pourquoi c'est un. C'est bien, et je sais, c'est qu'il a aucun argument. Non, mais en fait, l'Australie. Même dans ses envies, c'est pas pourquoi. Non, mais l'Australie, c'est un fantasme que je réaliserai sans doute jamais en fait. Bah, déjà, il faut arriver à le prononcer. Non, Australie, bah, pourquoi pas, c'est le trop surf loin. Ah, c'est non, je m'en fous du surf. Mais c'est trop loin en fait pour moi, tu vois, c'est à l'autre bout du monde. Pour les kangourous. Non, mais c'est le fait d'y aller une fois dans sa vie, tu vois. Là, on a fait Las Vegas, pour moi c'est bien déjà. Ouais. Et l'Australie, c'est l'autre côté. J'ai déjà quand même resté 12 heures à Las Vegas avant de repartir. Non, je restais 4 jours, 3 jours et demi. Salut Guillaume, la Mandragore et la Belladonna. Salut la Belladonna. Bien sûr que j'ai pas tout essayé, j'ai dit quasi, je rectifie. Les plus répandus, moi aussi, les héros, c'est dur d'arrêter, t'es accro comme l'alcool. Salut Glenn du 56. Salut, bisous. T'as eu du mal à arrêter avec l'héros, toi, Fred, l'héroïne? Ah, il m'entend plus. Tu m'entends plus, Fred? Pardon. Ouais, si, excuse-moi. Non, je disais l'héroïne, t'as eu du mal à arrêter aussi? Ouais, j'ai du mal. Moi, j'avais déjà la volonté pas mal d'arrêter, donc ça m'a pris. Moi, ça m'a pris 3 ans pour arrêter avec un traitement de substitution. Mais ouais, sinon, t'as pris du Subutex? Ouais, non, Subutex. Moi, j'étais à la méthadone, mais ça. Y a, moi, je connais des amis qui sont depuis une dizaine d'années et qui essayent d'arrêter. Après, c'est une question de volonté et tout. Et genre, en une fois, t'es vraiment. Il y a des reportages où ils disent que tu prends une fois. Comment? Moi, je me demande, parce que même si j'aime le couscous, genre, j'ai mangé du couscous une fois. C'est pas pareil que l'héroïne. C'est addictif, ça. Non, mais je donne un exemple à la con. Je goûte à. Tu sniffes la soupe. J'ai pas trouvé ça très agréable. Ouais. Ah, ça nique. Mais par exemple, je sais pas, je découvre un plaisir. Je découvre, je sais pas, le bœuf bourguignon. J'ai mangé un bœuf bourguignon, je vais me régaler. Mais je veux dire, je peux m'en passer. Même de la pâte d'amande, moi j'adore le chocolat à la pâte d'amande. Ah, mais c'est pas pareil, c'est pas une drogue. Non, mais c'est un vrai kiff devant la télé. Je me prends un petit carré de chocolat à pâte d'amande et tout, voilà, j'aime bien. Mais je veux dire, de là à me dire. Putain, donc je mange 12 carrés, je me tape la tête contre les murs. Je comprends pas. Ouais. Tant que je pense que tu as pas pris une drogue, dite vraiment de dépendance vraiment dure, comme l'héroïne ou même le sexe, ou le crack, ça ou quoi. Il y a. Je vais essayer à lui par exemple. Non, mais c'est vrai, un truc dans le fion tous les jours. Mais non, par contre, s'il a pas le cul en plus, faut qu'il mette des patchs. Oh, mais n'importe quoi. Ah, mais c'était une comparaison. Ouais, c'est une vraie question. Comment, qu'est-ce que ça te fait, Fred? Dès que tu prends en une fois l'héroïne, tu deviens accro? Non, ça c'est des conneries, mais après c'est si, parce que moi je connais des gens qui ont goûté et qui sont pas accros, mais c'est après si t'aimes le produit, que t'as des tendances à aimer ça et tout, oui, ça va très très vite après. Par contre, c'est sûr que c'est un des produits les plus addictifs et c'est un des produits les plus durs à séparer, quoi. Franchement, c'est vrai que l'héroïne, c'est quelque chose, parce que c'est aussi, il y a beaucoup de manque physique par rapport aux autres drogues. Les autres drogues, c'est surtout mental. Ça, c'est physique, quoi. Mais c'est quoi physique? Je comprends ce que ça veut dire. Ouais, un besoin physique. Un besoin de forme. Ah, mais j'ai compris. Merci, Amine. J'avais besoin. Tu me prends le même mot. T'as des douleurs, en fait. Ouais, t'as des douleurs, t'as des crampes. Ah, c'est psychologique, après. T'as chaud, froid, t'as des trucs comme ça, quoi. J'ai pas compris. T'as des crampes, etc., c'est ça? Ouais, tu peux avoir des crampes, tu peux avoir des chauds froids comme quand t'es, comme quand t'as un gros rhume que tu transpires à fond alors que t'as froid et puis voilà. Oh, quoi, ça te dérègle un peu le corps quoi. Voilà, mais bon, ça c'est quand tu commences à en prendre quand même déjà pas mal. Après, si t'en prends une ou deux fois, ça te fait pas ça quoi. C'est toujours pareil quoi. Faut vraiment, ouais. Faut vraiment en prendre depuis quelques temps pour voilà, pour vraiment être accro quoi. Ouais, il y en a un qui dit n'encouragez surtout pas les jeunes à prendre de l'héro. Moi j'en ai pris par exemple, c'est un sale délire vraiment physiquement, c'est la merde. Ah bah c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ah quoi. Bah ouais, ah ouais, nous dans ouais, l'équipe on se drogue pas alors. Je veux dire, et dans le milieu. On est sains nous. On est sains. Ah, vraiment, je pense c'est que c'est plus sain de tous. Hein, on les boit mecs, de l'eau, mange des fruits. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Mais bananes. J'ai l'impression que c'est moins à la mode maintenant. Les fruits. C'était un peu la génération du tu. J'ai l'impression que tout le monde est en train d'essayer d'arrêter de fumer. J'ai l'impression que c'est. Il y a une vraie. La clope, la blanche. Machin, faut faire du sport. Non, calme ton sexe. C'est Elsie dans certains cas. Quartier un peu bourgeois, bohème. Oui, mais c'est un peu plus la mode. C'est Elsie chez les bobos, mais... La vraie France, non, mais, d'Elsie. Non, mais bien sûr, excuse-moi, parce que Mina du Standard, Madame la Duchesse, mange des bagueules, mais enfin... mange des bagueules, Elsie, à l'avocat. Non, mais je plaisante, mais il y a une casse à la population qui est très Elsie, mais depuis toujours. Les trucs bio, ça fait en fait ça fait 30 ans que dans certains milieux un peu parisiens ça parle de ça ou dans les milieux un peu bourgeois machin. Maintenant t'as des pubs et tout ça, je veux dire c'est beaucoup plus généralisé, c'est cool de manger bio machin, tu vois des affiches toutes les 5 minutes, tu vois. J'ai pas l'impression que beaucoup plus qu'avant. J'ai l'impression que juste j'entends des amis de mes parents qui disent ouais j'ai arrêté avec toi, tu suis mis à la clope électronique, ouais. Ou j'ai arrêté ou. Bah, c'est pareil en final. Ou je mets au sport et tout, mais c'est pas tout le monde non plus, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins à la mode quoi. Mais pas partout quoi, parce que non. Voilà, Amina du Standard traîne qu'avec des véganes. Non, je suis une extrémiste végane. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Salut l'équipe dédicace à RTL, Lulu et Guigui la saucisse. Bon, ça doit être un de tes potes RTL. Salut. Ou alors c'était une manière de me faire dire RTL qui vous a fait rire. C'est le circuit de récompense du cerveau qui te rend addict. Ton cerveau trouve ça tellement bien, il a l'impression que c'est bon pour ton corps, qu'il te le demande tout le temps et tu te sens pas bien tant que tu n'en prends pas. Ah, okay. C'est de la merde. Circuit des demandes. Merci pour l'explication. On parlait des drogues. Bon, et merci mon Fred en tout cas. Merci de nous avoir raconté un peu ta vie et tout là en Inde. Ouais. Ouais, et, de rien. Et à surtout pas faire et tout ce que t'as fait. Hein. On répète ah, et non, tout. Non, à surtout pas faire quoi. Je passe une dédicace à Julien qui m'écoute quoi sur la route. Et les salut. Night, quoi. Salut les routiers de la night. Salut. Bon hyper nombreux. On fait un gros bisou les routiers. Big d'ailleurs. Up. Big up. Big up. Gardez la pêche comme ça. Hein. Ouais. Ça, merci gros. Je te repasse Amina au standard, ouais. D'accord. Ouais, ok. Je crois qu'on a des cadeaux. On va regarder ce qu'on a. Qu'est-ce que tu veux gratter toi, Fred? Rien de spécial. On a un virus, on a un moustique Zika si tu veux. Vous avez vu? Alors putain, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour. Et j'ai envie de dire que je l'attendais un petit peu. Et la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'on va avoir 50 fois plus de moustiques cet été que d'habitude. Pourquoi? À cause des inondations. Ah, mais oui, il y en a plein déjà là. Et là, il paraît que ça va être l'été avec le plus de moustiques. Oh non, ça va me gratter encore. Attends. Et moi, chez moi déjà là, j'en ai eu beaucoup. Ouais, il y en a plein. Je me suis mis des gifles et tout hier. J'étais dans mon canapé. Je te jure, bam, je mets une gifle et tout. Et je l'ai raté 3-4 fois. J'ai joué sur mon portable. Et ça faisait un peu de lumière. Et du coup, il venait vers moi. Il y a des produits. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de moustiques là? Oui, oui, oui. Et ben, dans toute la partie, dans toutes les zones où il y a eu des inondations, jusqu'à 5 km autour, il y a je sais plus combien, 30, 40, 50 fois plus de moustiques que d'habitude. C'est relou ça. Il paraît que ça va être une horreur cet été. Et ils l'ont annoncé là, le truc de santé là. Ouais, je vais les tuer les moustiques. Je suis dégoûté parce que ça c'est vraiment. Je pars en guerre. Ça c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. Ouais. Ça te gâche la vie. Et avec et je parle même pas des virus qu'on peut attraper, Zika et tous les trucs dans les autres pays. J'espère que ça va pas venir en Europe. Mais bon, j'ai bien peur que malheureusement on va pas y échapper. Bah après. Mais putain, relou quoi. Ouais, les moustiques c'est vraiment un truc qui est casse-couille, qui sert à rien. Ah quoi. Ouais. Moi je me marque. Mais c'est vraiment un truc à part à nourrir les araignées, ça sert à rien du tout quoi. Ouais. D'ailleurs moi quand j'ai des araignées chez moi l'été je les laisse vivre. Bah oui. Ah oui pour les emmerder. Ouais. Bah parce qu'elles te bouffent les trucs. Ah mais c'est pas beau une toile d'araignée. C'est pas très beau mais en vrai. Dans ton jardin, quand t'as une araignée quelque part qui fait une toile, laissez-la, ça va vous bouffer toutes les mouches, toutes les moustiques. Ça, je savais pas. Et si, moi j'avais même une copine araignée. Je te jure. Ta copine araignée. Attends, dans mes toilettes. En bas à droite, c'était à l'époque où j'habitais à Perpignan. En bas à droite, il y avait un tout petit trou dans le crépi blanc. C'est parce que ma maison dans le sud, c'est beaucoup de sortes de crépi de couleurs un peu terre ou bleu ou tout ça. Et en fait, il y avait une petite araignée. Et ben, je tuais un moustique tous les jours et je lui jetais devant. Et venait la chercher. Elle la prenait et rentrait dans le trou. Ah, jure. C'est mignon. Et tous les jours, c'était ma pote araignée. Puis un jour, elle a disparu. Alors, je sais pas si c'est pas mes parents qui l'ont tuée, mais. Ouais. Hein, c'était mon petit désir, quoi. Voilà, j'ai quand même une copine. C'est bien. Araignée, quoi. Le sexe est meilleur que l'héroïne. Salut, Bisagnès. Ah bah oui, grave. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser là-bas. Jules, la semaine prochaine, on l'aura. Ouais. Et on va faire l'énigme qui arrive dans deux minutes. J'ai des PS4, des télés, des tablettes Samsung Galaxy Tab A. J'ai des jeux Overwatch aussi pour ceux qui en veulent, mais on se fait l'énigme dans 30 secondes. On va se faire comme tous les mercredis, jeu du plan A3. J'aurais besoin d'une fille après qui va énerver son mec en lui faisant croire que, bah, qu'elle veut faire un plan A3 avec son ex et je me ferai passer pour l'ex. Moi aussi, putain, il y a des putains de moustiques partout qui me tournent autour depuis 20 minutes. Salut Alicia. Là. Salut. Salut Guillaume, t'as vu la Porsche à Bordeaux garée au bord de l'eau qui s'est fait glouglou dû à la mariotte? Ah non, j'ai pas vu. Ah merde, non. Non, par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'à Bordeaux, au garage, alors c'est, je vais pas dire le nom du garage, Maserati, mais il y a le, en fait il y a un des techniciens, des réparateurs, un des mécanos, ouais, qui a 18 ans et qui a fait la fête avec des potes, etc. Ils sont retournés au garage le samedi. Ah, les problèmes. Après la soirée à 3h du matin, et il a pris une Maserati d'un joueur de foot de Bordeaux. Ah, parce que du joueur de foot qui s'appelle Pablo. Ah ouais. Ils ont les moyens, ouais, un joueur de Bordeaux. Pablo, un Girondin. Ouais. Pas le plus connu. Ouais. Et donc voilà, il a une Maserati blanche. Ah ouais. Et bah il a fait un des dérapages jusqu'à qu'il se prenne un mur, voilà. Oh, ils le cherchent. Et bah ils l'ont arrêté direct, hein, ouais, parce qu'ils sont endormis au volant, ils ont été complètement bourrés. On va le faire, ça. Et donc lui, à mon avis, avant de retrouver du taf, le gars là, il est cramé à Bordeaux. Ah mais franchement, ah non, mais faut qu'il aille loin. Bah ouais, faut qu'il bosse ailleurs, c'est niqué là. Ouais, j'ai vu ça à Bordeaux, mais j'ai pas vu ton truc là. Salut, dans le sport, les gens veulent des corps parfaits. S'il y a des jeunes qui veulent tout de suite et ils prennent des stéroïdes. Salut Burgos du 5-3. Ah, mais c'est pas bon non plus. Ouais. Alors, oral, le bac blanc de français demain. Souhaite-moi bonne chance. Salut, bah bonne chance. Salut, gros, big up, bonne big up, big up. Salut Gab du 57. JM du standard est en forme ce soir. On pourrait croire qu'il a mangé du lion, si tu vois ce que je veux dire. J'ai c'est sûr, il a la gueule d'un mec qui aime la bite. Salut, ah non. Mec. Allez, pas vous bougez tout. Pas, on se retrouve juste après De Oro, on s'écoute Bailar. Et juste après, ça va Jordan l'apprenti? Ça va et toi? Alors, je crois que tu as l'objet. Ouais, je l'ai, la bête. Toutes les semaines, notre apprenti nous présente un objet. Ouais. Jordan l'apprenti, et là je crois que c'est l'objet, sincèrement, qui me fait le plus fantasmer que j'ai vu depuis longtemps. Ah ouais? Ah cool. Bah attends, et tu passes avec ça dans la rue, c'est un truc de fou. Ouais, non, bah, ouais, c'est un objet qui a l'air de t'embarrasser quand même. Ouais. Il est énorme, l'objet, je vous en parle juste après sur Energy. Allez, Guillaume, je confirme ce que tu viens de dire avec la Maserati blanche, c'est bien la voiture de Pablo, le joueur de foot des Girondins. Ouais, c'est ça, Bordeaux. Il fait quoi comme poste Ah, je sais pas, je le connais non, mais je sais pas. Eh ben, Google va t'aider, je suis un stagiaire. Ah, bah, ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Pablo qui joue à Bordeaux, la voiture a été retrouvée à Lormont, ouais. Ah ouais. Tu mettras quand la vidéo du canular du Lyon parce que j'étais en mission de reconnaissance ce soir-là, j'ai trop pas de chance. Ah merde. T'inquiète, gros, on a fait croire qu'on se faisait manger par un lion. On va la mettre demain, la vidéo, je suis un stagiaire. Ouais. Il est défenseur. Voilà, pour ceux qui suivent un peu le foot. Ouais. Alors, Jordan, notre apprenti. Ouais. Tous les jours, tous les mercredis, une fois par semaine, tu as un objet à nous montrer, etc. Avec, un objet un peu original. C'est marrant parce qu'on vous fait les vidéos chaque semaine, on vous a montré des vélos désarticulés. La semaine dernière, tu as montré un petit objet qui permettait de mettre dans la voiture un bruit de Ferrari dans les enceintes quand vous roulez avec les fréquences branchées à votre allume-cigare. Ouais, parce qu'on ne savait pas, mais en fait, les allume-cigares sont branchés à l'accélérateur. Et plus tu accélères, plus il y a d'électricité. C'est ouf, hein. Et du coup, quand tu accélères, ça fait monter le son et tout, c'est fou. C'est cool. Alors, je vais expliquer ce que tu as physiquement. Ouais. Dans la main droite, on dirait une moto. Ouais. C'est le plus gros objet que t'as fait rentrer. Ouais. Hein. Bah là après ça rentre plus. Combien ça pèse cet objet là? Franchement je sais pas, c'est pas bien lourd. Au moins 30 kilos au moins, non? Ouais ouais à peu près. T'arrives à le porter ouais. Ouais facile. Mais en forçant quand même un peu. Quoi. Ouais ouais. Donc 30 ou 40 kilos ouais, on va dire. Près, ouais. Donc on va dire que c'est comme un vélo, comme une moto plutôt. C'est ouais. ça la gueule d'une moto. C'est une moto ouais. Mais avec une seule roue. C'est ça. En fait, c'est une moto sur une roue. Ah, c'est dingue. On est dans le futur complètement. Ah ouais. Ouais, c'est trop. Je viens de vous mettre une photo sur ma page Facebook. Allez voir, on est 1 900 000 là, exactement. On est combien, Jim Sandard, exactement là? Ouais, je te dis ça tout de suite. Venez liker la page, les potos. Je vous mets là, allez voir la photo, je vais vous mettre l'objet de Jordan l'apprenti là. On est exactement 1 899 803 là. Allez, venez liker la page, il en manque 200 et on passe les 1 900 000 ce soir. Allez-y en deux minutes là, Guillaume Play, P-L-E-Y. Voilà, je vous ai mis la photo du. Comment ça s'appelle cet objet là? Ça, c'est s'appelle, c'est fait WeBoat qui le fait, c'est une marque. Et le nom de l'objet, c'est le Rover. Le Rover, R-O-V-E-R. R-O-V-E-R. Bah, très bien, bah, allez mater là si vous voulez aller voir en deux secondes. Guillaume Play, P-L-E-Y. De quoi j'ai le sonar? On dirait qu'il manque un truc en fait. Mais on dirait qu'il manque c'est qu'une roue. Mais c'est vrai que c'est limite assez dérangeant. Ouais, ouais c'est ça. C'est pas sécurisant. Parce que depuis tout petit, on n'a pas l'habitude de voir non, ça. C'est ouais, ça. C'est ça. Et en fait, c'est une sorte de roue, mais on dirait qu'il y en a deux, mais en fait, il n'y en a qu'une reliée. C'est une très grosse roue. C'est une très grosse roue. Et après, tu te mets dessus, si tu veux, je peux te faire une petite démo. Alors attends, pour expliquer le truc. C'est un truc qui va sortir, mais qui n'est pas encore sorti. C'est ça. Là, c'est le premier. Il y en a pas d'autres. C'est et le seul. C'est un putain de prototype. Ah ouais. On a dans le studio. Il y a même des câbles qui sortent et tout. C'est pas alors, en gros, ça fonctionne un peu comme un Segway. C'est ça. Mais sauf que là, il y a qu'une seule roue, les gars. Il y en a pas deux. Ah ouais. C'est même pas deux sur le max, il y a une seule roue. C'est dingue quand même. Ah ouais, c'est le futur. Je, non, mais franchement, moi, et tu sais quoi, plus tard, on va avoir des motos à une roue. Ouais, ouais, oui, oui. Non, mais dans 50 ans, et en fait, tu pourras pas tomber, ce sera comme un. Vous vous rappelez du jeu le Bilbo, je crois, non? C'était une sorte de. C'était une sorte de. Comment ça s'appelle? De mec avec un chapeau pointu sur une grosse boule. Quand on était petit, on le poussait, ça se remettait tout le temps droit, là. Même les voitures, ouais. C'est un clown, ouais. Le clown a une boule, là. Non, c'est pas ça, j'ai le sens. Je sais pas, je regarde, Guillaume. Attends. Ça me dit un truc, quoi. Attends, oui, non. Attends, tape clown sur boule. Attends. Clown sur une boule. Jeu. Attends, clown sur boule. Attends, non, putain, non, il y est pas. Je sais plus comment il s'appelle cet objet là. Si vous aviez ça quand vous étiez petit. Ouais, c'est connu, ouais. J'avais ça moi quand j'étais gamin. Flo des cadeaux, ouais. Tu vois ouais. ce que c'est, ouais. Ouais, c'est un culbuto. Ah, culbuto. Ah, ouais. Ah, putain, c'est ça, ouais. Merci. De rien. De rien. Merci beaucoup. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Ah putain, j'en ai eu trop, moi, des trous noirs. J'ai conduit ma voiture sans m'en rappeler. On se retrouvait à l'autre bout de la ville sans souvenir. Sinon, j'ai eu un passage par la casse crack et entre autres dépensé toutes mes thunes. Ouh là là. Dangereux. On va t'appeler, mais c'est surtout pas ça. Guillaume et votre message aussi, 612. En tout cas, t'as un Rover, donc aujourd'hui. JM du standard, il a déjà fait rentrer plus gros hall du 64. Non. J'ai éclaté un coussin d'air sur mon camion. Attends, on va en parler dans deux minutes, mais d'abord, Jordan l'apprenti. Donc cet objet-là, ça va à combien? Ça va être vendu bientôt? Ouais, ça arrive dans une semaine ou deux là. Et putain. Ça va jusqu'à 35 km/h. Non, mais c'est ouf. C'est ouf, ouais. Et quand tu le pousses, ça fait un peu peur. T'as essayé ou pas? Ouais, je me suis mangé trois fois. T'es tombé? Ouais. Ah, c'est pas vrai? Si, si. Parce que celui-là, vraiment, c'est un prototype. Il m'a dit, faut pas trop rouler avec. Tu peux montrer. Il marche pas vraiment, quoi. Il fonctionne, mais il n'est pas au max de ce qui sera dans une semaine ou deux. Et alors, 35 km/h? Ouais. Et en termes de chargement, genre, ça se charge combien de temps? Quelques heures, et tu peux faire 50 km avec. Ah ouais, on pourra bientôt aller bosser avec ça. C'est dingue. Ouais, moi je pourrais, ouais. Attends, mais est-ce que 35. Tu l'as vu, Amina du standard marcher? Oui, oui, oui. Ah, parce qu'elle est en train de filmer pour vous mettre sur YouTube. Regarde. En fait, je l'ai essayé même tout à l'heure. Mmh. Et ah, tu l'as essayé couloir, ouais, mètres, ouais. Et alors? J'ai adoré, vraiment. C'est vrai? Grave. Oh là là. Putain, dans les couleurs d'énergie. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Bon, vous savez quoi? On s'envoie 30 secondes de pub, on essaye après, on se fait aussi l'énigme. Il y a des PS4, des télés, des tablettes, je vous offre ça dans 2 minutes sur Energy, bougez pas. Okay. Vous voulez les dernières places pour le grand show d'ouverture de l'Euro 2016? Demain soir, au pied de la Tour Eiffel.

Radio 2.0. On se fait l'énigme, je vous offre des cadeaux, on se fera le jeu du plan à 3. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. On fait tout ça sur Énergie dans deux minutes. D'abord, il y avait Jordan l'apprenti dans le studio. Ouais. Et tu montres un objet par semaine. Ouais. Et là, ce soir, c'est un rover. Donc, un rover, c'est une moto à une roue. C'est ça. Qui n'est pas sortie, je précise. Il y en a qui me disent, j'ai déjà vu. Non, tu n'as jamais vu. Il y en a qu'un. Le prototype, le seul. Il est là. Ouais. Donc, si je le cache, je suis dans la merde. Ou alors, c'est celui que t'as vu dans la rue. Ah, peut-être. Avec le créateur et tout, mais. Ou que t'as vu Jordan l'apprenti dans les couloirs, mais. On a réussi à voir le prototype. La première moto à une roue du monde, elle s'appelle un Rover, R-O-V-E-R. Ça sera en vente, ça, combien ça coûte après, quand ça va sortir dans une semaine? Ça, ça va coûter 1500 euros. Ah ouais? En vrai, c'est pas très cher pour une moto. C'est un truc de déplacement. Non, mais attends, quand tu regardes un Segway, ça coûte 6000 euros. Ah ouais? Des gros Segway, hein. Ah oui, c'est cher. Je parle pas des petits. Les overboards. Les overboards, tu vois, je te parle des gros Segway, de la marque Segway, machin, c'est 6 ou 7000 balles. Donc en fait, c'est pas tellement cher, parce que là, ça a l'air aussi robuste qu'un Segway, quoi. Ouais, non, ça tient. Je suis tombé, il a rien, je te dis. Et bah, heureusement, parce que le prototype. On a arrêté dans la merde. Ouais, j'avoue, ouais. Attends, et donc, alors ça marche, il y a un phare et tout, ouais. Ouais. Mais ça va être homologué pour la route ou pas, non? Pour l'instant, je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de rouler sur la route ou sur le passage piéton? Il m'a dit, pour l'instant, c'est limite, on sait pas, on a le droit de faire pour l'instant. Ça existe pas, quoi, ouais, voilà. Pour l'instant, bah, ils ont rien fait, quoi. Il m'a dit, ils sont occupés avec les inondations et tout, donc ils sont pas occupés de ça. Ouais, mais à mon avis, tu passes devant les flics, ils t'arrêtent quand même. Ouais. Déjà, juste pour savoir ce que c'est. Ouais, pour essayer. Et sur la route et tout, tu tombes, t'as pas d'assurance et tout, c'est compliqué. Mais après, pour un délire, même pour aller dans la rue ou si tu buzzes dans ta rue un peu plus loin. Pas trop loin. Par contre, t'as pas de béquille, comment ça tient? Si, il y a une béquille devant en fait. Ah ouais, parce qu'en fait c'est comme une moto à une roue. Là. Ah ouais, juste devant, tu la déplies en fait et après tu peux le poser. Et alors, vas-y, et tu peux essayer dans le couloir ou pas là? Ouais, grave, grave. Vas-y, attends. Je vais venir à côté de toi. Je viens à côté. Fais gaffe, hein, quand même, tombe pas. Attends, je la démarre. Vas-y, démarre, hein, ça donne. Voilà. Le rover. Ah ouais, ça roule, fais gaffe. Ah ouais, ça roule, bah oui, je le démarre. Attends, mais non, mais t'accélères pas là, comment t'accélères? En fait, en la penchant, tu vois. Ah ouais, oh putain. Comme un Segway. Attends, je vais essayer. Te fais pas mal. Attends, c'est énorme. Je vais essayer après. Attends, vas-y, avance. On va voir Jordan l'apprenti d'abord si ça fonctionne ou pas. Tiens, vas-y, Aminal Sandin, vas-y, va voir. Et putain, c'est ouf. Et ça va à 35 km/h. Ouais, max. Putain, c'est ouf, hein, dans le couloir. Attention, attends. A voir, attends, je pose mon casque, hein, deux secondes, je prends l'autre. Histoire de juste de regarder, vas-y pour voir. Il va démarrer là. Putain, oh là là. Ah oui, attends. Ça a l'air d'être déjà compliqué à monter dessus. Hein. La tête qu'il a. Oh là là. Attends, il galère le mec. Ah, c'est énorme. Vas-y, avance. Ah ouais, non, ah ouais. Oh là là. Ah ouais, drôle. Oh là là, et c'est ouf. C'est trop bien, j'ai envie d'en c'est faire. C'est génial. Ah ouais, et par contre, il est pas très à l'aise, hein, Jordan l'apprenti dans le truc là. Attends, une moto à une. Et tu peux faire marcher arrière. Ah ouais, attention, il n'y a pas le pétrole. Tu te casses pas la gueule là, tu vas venir dans le studio. Et c'est impressionnant. Et alors, la marque c'est Webot, W-E-E-B-O-T, c'est ça? C'est ça, ouais. Webot, putain, c'est. Même le bruit, il n'y a pas trop de bruit. C'est chaud pour tourner. Ah ouais. Et ouais, comment tu tournes, Jordan l'apprenti là? Faut se pencher un peu, faut jouer un peu. Ah ouais. Ouais, t'as pas l'air. T'es pas encore sûr. Pour l'instant, c'est comme un Segway. Attends, vas-y, amène-le moi, je vais essayer pour voir. Faut se pencher en avant, ouais. En fait, tu te. Ouais, comme un Segway. Ouais, comme un Segway, ouais. Oh, mais attends. Il se tombe pareil, après. Il a l'air tellement patient de lui, Jordan l'apprenti. Attends, prête-le-moi deux secondes, je vais essayer. Ouais, pour et là, il faut recharger, t'as dit combien de temps là à peu près? Quelques heures. Attends, mais ça, c'est un truc à tomber en direct. Fais attention là. T'as klaxon. On filme au pire. Ouais, oh putain, il y a un klaxon. Oh putain, c'est ouf. Ah, ça marche bien. Ah ouais, direct. Ah, Guillaume, il est parti trop loin. Ah, Guillaume, on a perdu Guillaume, merde. Il allait où? Là, on a... Attends, non, ça va, il était pas de prototype. Hein. On a eu peur. Guillaume, il est parti en moto électrique sur une roue. C'est le nouvel objet de Jordan l'apprenti. C'est énorme, franchement. Ah. En plus, il arrive, il tombe pas. Guillaume, il arrive, il tombe pas. Il fait des allers-retours devant. Il arrive à faire le demi-tour et tout. Il est en train de rentrer dans le studio avec Guillaume. Il a arrêté là. Ah ouais, c'est bon, il est pas tombé? Il a failli tomber. Non, ça va. En fait, il faut pas mettre ses pieds, sur le quatre-pieds. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un réflexe que t'as après. Peut-être pas le prototype. C'est bon, tranquille. Mais non, il gère, ça va. Voilà, c'est bon, Guillaume, il arrive à faire en fait. Ouais. Voilà, c'est bon, on a pas cassé le prototype. Voilà. On a pas cassé. Ah ouais. La gueule du klaxon. Ça fait un peu, bah, j'allais dire, ça fait prototype. Bah, c'est normal. Hein. Bah ouais, c'est normal. C'est un prototype. Ouais. C'est quand même rigolo. Franchement, c'est la classe. L'image. Stylé en plus, ouais. Et vous savez quoi? Venez sur mon Instagram, là. On est 503 000. Je vous mets une petite vidéo, Jordan l'apprenti, en deux secondes pour vous montrer. Je vous le mets sur Twitter. Je vous mets. Voilà, venez liker sur Facebook aussi. Je vais vous montrer. Avec plaisir, un siège. Ça existe au Canada depuis longtemps. Ils appellent ça un overbike. Salut à toi. Ah, salut. Ça fait un an que ça existe. J'en ai un chez moi, environ 2000 euros. Salut les mecs. Oui, mais là, c'est vraiment. Alors, ce modèle-là, il est vraiment tout neuf. Hein. Ouais, il n'existe pas. Voilà, donc c'est pas possible que vous l'ayez vu, etc. Ouais. C'est sportif. Et Guillaume, quand tu fais là, on dirait une vraie meuf abusée, t'en fais trop. Ah non, non, non, attends, attends, franchement, ça fait peur. Non, mais c'est comme quand tu montes sur un cheval de l'extérieur, c'est pas ouais, impressionnant. Très, mais... très vite, ouais. Attends, est-ce qu'il y a besoin du BSR pour le conduire? Bah non, parce que c'est pas homologué. Non, non, ouais. En fin de compte, salut Guillaume, comment tu fais là, Mordin? Putain, il galère pour animer quand t'es pas là, JM Mordin, Louis Girard. Ouais, mais en plus, tu peux commenter donc. Il en a fait un petit peu trop, j'entendais, il se forçait à rire, il essayait de combler en rigolant. Ah, mais c'est bien, il essaye. Ah, attends, sais, ouais. Attends, j'aime son. Faudrait qu'on fasse un jour. Ah ouais, on a dit qu'on le ferait un jour. De quoi? Bah, qu'on essaierait une demi-heure à l'antenne. De quoi? Qu'on essaierait une demi-heure à l'antenne. Ah non, t'as jamais dit ça. Ah, il a rêvé. Une demi-heure? Ouais. Ah bah alors, j'ai dû oublier. Ouais. Ça, c'est... J'ai le sang, il me dit ses rêves. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mes... Une moto avec une roue, c'est un peu comme un homme avec une couille. C'est chaud, c'est Jimmy Dieppe. Non, mais franchement, c'est marrant. Mais alors, déjà qu'une moto, c'est pas très stable à certains moments. Ah, mais alors, c'est casse-gueule, là, attends. Eh ben, merci beaucoup, Jordan Apprenti. Bah, avec plaisir. Et donc, quand on peut faire 50 km, ouais, vraiment. Ouais. Putain, bah, c'est beaucoup. Quand on aura les vrais, vrais objets, tu pourras faire vraiment les 35 km/h. Ça sera un peu plus stable et tout. Ouais, là, c'est normal. Là, c'est le prototype. Il arrive dans une semaine ou deux. Bah, on essayera avec le vrai. Ouais. Je ferai un petit test dans la rue, on essayera. Ah, merci Jordan l'apprenti. Merci à toi. Merci beaucoup. On se fait l'énigme avec Emile. Tu m'entends Emile, 15 ans aujourd'hui en plus. Qui, papa? Salut. Vous allez bien? Qui, papa? Vous allez bien? Enchanté Emile. Vous allez bien? Vous allez bien? Ça va ou quoi gros? Eh, bon anniversaire Emile aujourd'hui là. Allez. Bon anniv. Eh, le 8 juin là. Les Gémeaux. De Gré-d'Oiseau t'appelles, c'est ça? T'es en Belgique toi? Ouais, c'est ça. Vas-y, bon, enchanté, poteau. Merci. Merci d'appeler, en tout cas. Et puis, bon anniversaire encore une fois. T'as eu des cadeaux un peu aujourd'hui? T'as été gâté? Oui. Ouais, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de choses de supporters pour l'euro. Ouais, t'as eu quoi? Des vêtements pour l'euro. Ah, pour l'euro? Ah, pour la Belgique? Ouais. Énorme. J'ai vu qu'il y avait les cars de Belges qui étaient arrivés tout à l'heure sous la Tour Eiffel. Ah ouais? Ils sont à Bordeaux, l'équipe de Belgique. Ils ont fait. Non, mais sous la Tour Eiffel, il y a une vidéo qui a tourné un petit peu. J'ai habité 2 ans et demi en Belgique, donc sur mon Facebook, j'ai beaucoup de copains belges. Et ils disaient, ça y est, les Belges sont débarqués en France et tout. Et, Diable rouge. En fait, ils se sont tous assis par terre, ils se sont tous levés en criant. Ah ouais? Bout, quoi. Ah, ils sont chauds. Ils ont fait les holas et tout, c'est marrant quoi. Et lundi soir. Eh ben écoute, cool alors, Emile, t'as eu quoi d'autre pour la NIF? Des BD, c'est tout. Ah, t'es quoi comme BD? Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, ouais, non. Ah, c'est bien. Ah putain, c'est la vraie vie, les BD. Ah, ouais. Tu connais Gaston Lagaffe un peu? T'as lu des Gaston Lagaffe? Bah oui. Putain, c'est les énorme. Trop bien. Ah oui, le classique, quoi. Gaston Lagaffe, il y a les Tuniques Bleues. Ouais, okay. Ouais, ah ouais, putain, t'es vraiment BD, les toi. Spirou aussi. Ah oui, Spirou, ouais. Attends, Spirou et Fantasio. Ouais, il y avait le petit Spirou aussi. Après. Dans Gaston Lagaffe, comment il s'appelle? Il y avait Moiselle Jeanne. Moiselle Jeanne. C'était pas Mademoiselle, c'est Moiselle Jeanne. Ah ouais. Putain, Gaston, il était un peu mou. Et il y avait, aussi, comment il s'appelle? Il y avait Fantasio à mon dans le Spirou bureau. Spirou et Fantasio. Et il y avait Prunelle, c'était son patron. Ah. Prunelle Lebrun, ouais. Ouais. Et voilà, Prunelle et Fantasio, c'était les deux patrons de Gaston qui comprenaient jamais rien. sur quel site peut-on trouver le truc pour faire le bruit d'une Ferrari qui se branche sur l'allume cigare? Ah, je vous mettrai la vidéo sur la semaine sur YouTube, mais c'était l'objet de la semaine dernière. Et je crois qu'on avait, c'était sur un site genre cadeau, machin. Mais je vous mettrai le lien sur ma page YouTube, les mecs, sans problème. Et allez voir la vidéo, déjà, je vous le mets sur Facebook. On est combien, JM du Standard? Sur Facebook, on est 1 800 000. Ah, je sais que vous êtes en plein examen en plus, là, toute la soirée, etc. Venez liker la page, on se retrouve dessus. On est 1 899 895. Ouais, c'est ça. Merci. Allez, encore 105 les mecs. Et on arrive à 1 900 000. Tous ensemble, et quoi. Voilà, tous ensemble, venez liker la page. On se retrouve si vous êtes en voiture, si vous êtes en camion, si vous découvrez l'émission ce soir. Voilà, vous venez liker la page, c'est Guillaume Play, PLEY, en 2 secondes. Sans problème. Et effectivement, c'est un truc de fou. Il y a une Porsche qui a été emmenée par la marée à Bordeaux. Ah ouais, et qui s'est retrouvée complètement dans l'eau de la mer. Donc il a perdu la Porsche. Le mec, il n'est pas très très malin, il s'est avancé sur le sable. Oh non. Et il s'est retrouvé dans l'eau quoi. Voilà, je vous mets la photo de la Porsche aussi, il s'est retrouvé Le gâchis. Voilà, moi c'était le 2 juin mon anniversaire, 44 ans, 44 rides, 44 de QI, 44 dans. Salut Lounette. Salut. Salut Guillaume, c'est comme JM du Standard, il est rover à toutes les positions. Ah non, non. Mais on l'aime bien. Salut Hol du 64. Salut mon pote. Bon, en tout cas Emile, tu vas lâcher l'énigme, c'est ça gros? Ouais, c'est ça. Allez, très bien. On va faire tourner la roue des indices. On va voir combien tu vas donner de phrases. Entre 1 et 10. Entre 1 et 10, ça va s'arrêter. On va savoir ça. Et les cadeaux, il y a des PS4 et des tablettes et des télés. Voilà, il y a plein de trucs. Tablettes, télé, PS4. Et le cadeau, c'est. Attends. 8. 8 phrases. Ah, c'est bien, oui. 8 phrases pour l'énigme de soir. Vous envoyez maintenant Guillaume un espace et la bonne réponse avec votre numéro au 6-11-12. Guillaume un espace, la réponse avec votre numéro au 6-11-12. Emile, on t'écoute quand tu veux. Certaines sont fatales, il y en a au foyer, les sages travaillent à l'hôpital, une journée lui est consacrée. En être libéré n'est pas si facile. Si on y rajoute le mot actuel, c'est un magazine. Attends, donne pas tout. Attends, on va essayer de trouver au fur et à mesure avant d'écouter une nouveauté. On s'écoutera le nouveau Major Lazer. Il s'appelle Boom. Boom. Ça va être morceau tout l'été. C'est marrant comment c'est arrivé. Je sais pas d'où ce style musical un peu. Il y a un an à peu près. Ouais, je sais pas trop. Major Lazer, Clinon. C'est un peu exclamé petit à petit, ouais. C'est vrai qu'il y a eu une période où ça. On se fera con, The Sixties Girl. Est-ce que ça serait une mère la réponse, Émile? Non. Vous envoyez Guillaume et la bonne réponse au 612. Hein. Salut les mecs. Salut, c'est comme. Alors, tu lis tous mes messages, j'hallucine. Bah ouais, c'est comme si t'envoyais un message à un pote, il les lit tous. Hein. Normal, ouais. Bah, nous, c'est pareil, c'est sur mon écran d'ordinateur, c'est tout. Mais ouais, vous envoyez Guillaume au début du message et vous l'envoyez au 612 et ça arrive comme un message de pote, les gars. On est ensemble, les gars. Vous savez pas si vous allez continuer, Guillaume, pour une nouvelle saison. En tout cas, vous me faites bien ramarrer. Salut, gros. Salut. Non, c'est pas encore. On sera l'année prochaine, effectivement. Mais on espère rester là, évidemment. Et alors, c'est pas une mère, hein, t'as dit la réponse, Émile. Ouais, certaines sont fatales. Il y en a au foyer. Les sages travaillent à l'hôpital. Une journée lui est consacrée. En être une libérée n'est pas si facile. Si l'on y ajoute le mot actuel, c'est un magazine. Voilà, pour l'instant, il reste deux phrases à nous donner. Mais pour l'instant, on a celle-là. Certaines sont fatales. On va faire un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Donc, essayez de trouver quand même le plus rapidement possible. Parce qu'hier, par exemple, quand le numéro qu'on tire au sort ne répond pas, on appelle le premier qui est arrivé. Donc, c'est bien d'être dans les premières. Certaines sont fatales. Il y en a au foyer, les 1 au foyer. Est-ce que ce serait les sages travailleurs? Est-ce que c'est les filles? Non, du tout. C'est pas les filles fatales. Certaines sont fatales. Il y en a au foyer. Les sages travaillent à l'hôpital. Une journée lui est consacrée. En être une libérée n'est pas si facile. Si l'on y ajoute le mot actuel, c'est un magazine. Qui suis-je? Guillaume et le mot avec votre numéro de téléphone dedans au 6-11-12. Voilà, essayez de trouver la bonne réponse et je vous les file maintenant. Petit cadeau qui tombe, les PS4, les énormes télés ou les tablettes Samsung Galaxy Tab A. Il y a plusieurs possibilités de trucs à gagner. Certaines sont fatales, il y en a au foyer. Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est la septième phrase? Celles de chambre font le ménage. Celles de chambre font le ménage. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? Dr. Quinn, on est une médecin. Ah bah oui, Dr. Quinn, un médecin. C'est facile, les gars. Le mot, réfléchissez bien. Guillaume et ce mot-là, au 612. Certaines sont fatales, les 1-1 fatales. Il y en a au foyer, les 1-1. Qu'est-ce que fait dans la vie ta mère? Bah, les 1-1 au foyer. Les sages travaillent à l'hôpital, les 1-1 femmes. Réfléchissez bien ce que ça peut être. Guillaume et le mot, au 612. Une journée lui est consacrée. Est-ce que c'est les femmes? Oui. Eh bah, ben, il vient d'arriver. Parce que je vais trop grand berger. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Le mot est par contre celui qui m'a envoyé femme, il n'y avait pas le numéro, les mecs. Ah ouais. Donc on va faire un tirage au sort. Amina du standard. Oui. Si tu peux prendre un numéro au hasard qui a envoyé femme. Avec le logiciel. Voilà, Guillaume et femme avec votre numéro au 612. Si vous avez envoyé femme, Amina du standard est en train de taper avec ses petits doigts. Ouais. Ses petits doigts pleins de verrues. Non, mais c'est un exemple, c'est pas grave. Oui, t'as réussi à enlever ta verrue. Bah, elle est partie, ouais. Il a une énorme verrue. Il reste verrue que la peau morte, en fait. Comment tu l'as enlevé alors? Avec du produit. Je suis allé chez le pharmacien, il m'a filé un produit. En deux semaines, c'est parti. Ah ouais, un produit qui pue un peu là. Ah, dégueulasse. Ça pue, hein. Ça sent un peu le vernis à ongles. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Du coup, un dans le bus. J'en ai mis dans le bus un jour, les mecs, ils m'étaient chelou, tu vois. Ah, tu les mets dans le bus? Ça pue le vernis, ouais. Parce qu'il aimait bien se l'ouvrir et saigner. Je sais, c'était sa passion. Bah, au bout d'un moment, ça me saoulait. Il l'a montré à tout le monde, il faisait le mec qui se blessait. C'est un peu mon trophée de guerre. Il prenait une serviette en papier, il s'enroulait le doigt au lieu de mettre un pansement. Bah, j'avais pas de sparadrap, oui. La logique de l'homme. Ah, désolé, oui. Bon courage, hein, c'est des virus, c'est vrai que c'est chiant, sur les doigts là. Ça pique et tout. Allez, Guillaume, et donc vous envoyez femme avec votre numéro au 612. J'appuie sur le bouton, Emile. C'est toi qui réponds, c'est toi qui lui parles, d'accord? Ça va. Tu demandes son prénom, son âge, sa ville, son métier, d'où il vient, et tu fais tourner la roue quand tu veux, d'accord? Ça va. Et moi, j'interviendrai que après que la roue soit tournée. Parfait. Allô? Ouais, allô? Ouais. C'est qui? Enfin, tu t'appelles comment? Je m'appelle Gauthier. Et tu viens d'où? Je suis de Haute-Loire, de Bruyères. Bah, tu sais que t'as gagné l'énigme, hein? Ah Oh, mortel. Allez, on fait tourner la roue des cadeaux. Une tablette Samsung Galaxy Tab A. Oh merde, attends, ça a raccroché. Ah. Attends, il y a eu un truc là. Il y a un truc qui s'est passé là. Bon, attends, c'est pas. On va rappeler. Il y a marqué l'opérateur a raccroché, mais c'est-à-dire que nous on a raccroché. Hein. Écoute, moi j'avais les mains en l'air, on peut regarder. Flo des cadeaux, si c'est toi qui as merdé. Ah non, j'ai la souris qui est sur la liste. Je sais pas, sa soirée à Flo des cadeaux. Non. Comme ça on détend en blond tout de suite. Allô. Messagerie Orange, bonjour. Tu vois, merde. Il était sur la route. Ouais, j'ai l'impression. Comment il s'appelle, Gauthier de Haute-Loire. Ouais. Dans le 43. Gauthier de Haute-Loire, t'as gagné une tablette Samsung. Bravo Gauthier. Ah mon Gauthier. Bravo. On va te rappeler. C'est pour vous prouver que c'est pas préparé, les gars. Il est 23h42, nous sommes en direct. Je précise tout ce qui se passe en direct. Ouais, Gauthier. Gauthier. Ouais. Ouais, c'est Guillaume d'Énergie. Ça va, gros? Salut, mec. Salut. Tu m'entends? Eh, hey, tu veux pas t'arrêter deux secondes? Tu viens de gagner 500 boules. Ça vaut bien. C'est qui le papa? Gros, arrête-toi deux secondes que je puisse te parler. C'est quoi. C'est fait. Hey, bon. T'es en voiture ou t'es en camion, toi, Gauthier? Je suis en camion, moi. Ah ouais, t'es routier, alors bah dédicace. Ouais, Gauthier. Big up. Et t'es de Haute-Loire, c'est ça, dans quelle ville? Je suis du Brignan. Du Brignan, ah bah salut. Le 4-3. Dans le 4-3? Oui. C'est ça. Eh bah salut à tout le 4-3, alors vas-y, merci mon pote. Et Gauthier, t'as quel âge, toi, Gauthier? Bah, j'ai 26 ans. Et bah je t'envoie la tablette Samsung Galaxy Tab A demain, d'accord? Bien joué. Impeccable. Okay. Et beau cadeau, gros. Bravo. Ah ouais, franchement. Ok, je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Tu veux faire une petite dédicace pendant que t'es sur la route? Dédicace à tous les routiers. Et puis continuez comme ça, vous êtes génial. Ah bah merci beaucoup. Génial. Bah c'est merci. Gentil, hein, gros. Depuis combien de temps tu connais l'émission? Ça fait 4 ans que je vous connais. Et ça fait 3 semaines que je vous écoute tous les soirs. C'est vrai? Ah, c'est ouf. Ouais. Comment ça se fait? Et bah avant, je pouvais pas, ça capte pas la radio chez moi. C'est vrai, bah putain. Eh ben écoute, c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Bravo. Et sinon il y a énergie.fr. Ouais, hein. Bah oui. Et tu connaissais sur YouTube? Ah aussi, ouais, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ça c'est vrai, eh ben c'est gentil, man. Attends, j'ai pas compris, t'as découvert ça il y a 4 ans ou il y a 3 semaines? Non, je connais l'émission depuis 4 ans, mais je vous écoute depuis 3 semaines. Là. D'accord, bah c'est d'accord. Gentil, écoute. Ah c'est beau. Et t'as connu comment il y a 4 ans alors? Par hasard, remontant de vacances. D'accord, ah ouais, en voiture. Ah bah ouais, t'étais tombé par hasard. Ah bah c'est super gentil, mec, en tout cas. Et t'as vu que ça marche pour de vrai, hein, l'énigme, hein, c'est pas de la couille. Ah hein. Ouais. T'avais déjà gagné un objet comme ça sur des radios ou des télés? Pas du tout, c'est la première fois. Ah bah voilà. Bah, ouais, tu l'auto, quoi, t'es célibataire, t'es en couple, t'es quoi toi? Non, je suis en couple. Bah tu vas pouvoir l'appeler pour lui dire putain, c'est un truc de fou. Ah, je viens de passer sur énergie. C'est grave. Je viens de gagner. Ça. Ah bah c'est pas grave, tu la réveilles. Ouais, bah oui, attends. Ouais, 23h44, t'es content. Il est pas tard. Hein. Eh, vous habitez ensemble ou pas, Alex, toi? Ouais, on habite ensemble. Ouais, putain, c'est trop bien. Bah écoute, bravo. Combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire 2 ans, mois de septembre. Ah ouais, putain, cool. Vous avez des enfants et tout déjà ou pas encore? Non. Ah, pas encore. Deux le mariage, ans, après. Ouais, 2 ans, c'est quand même rapide pour un négoce. Ouais, tu la connais à peine. Ou alors tu les as eu direct, quoi. Ouais, c'est possible, là. En 9 mois, en vrai. Ça peut un an. Attends, 9 mois de voir un enfant. Ça peut très bien se passer. Eh ben, merci. Attends, c'est Gauthier ton prénom, c'est ça? Ouais, c'est ça. 4-3, Gauthier. Eh bon, Gauthier. Je te repasse à Minax au standard, on va t'envoyer un cadeau, d'accord? Ça on t'envoie la tablette. À bientôt en tout cas, mec. Et merci beaucoup d'être là avec toi. Eh ben merci. Allez, continue. Pas trop dur le taf. T'es où là? T'es dans quelle ville là? Là je suis à Plouvenat. Dans le 07. Dans le 07. Ah oui. Et tu vas jusqu'où ce soir? Vitrolles. Ah ouais. Putain, tu fais des grosses routes. Oh. Là, Marseille, Vitrolles. Dans le 13. Ouais, putain. Ouais. Et tu fais ça tous les jours? Tous les jours, aller-retour. Oui. J'ai envie de dire, c'est le principe du routier. Voilà, c'est un taxi pareil. Ah là là, c'est vrai, tu dois rouler grave quoi. Tu transportes quoi toi? Je transporte des pneus. Des pneus, eh ben salut à toi mec. Et bon courage hein, pour le taf. On embrasse tous les routiers qui écoutent là. Ouais. Bonne route. Je sais que vous êtes en masse les mecs. Allez, à bisous et à bientôt mon pote. Hein. Salut Gauthier. Hein. Ciao. Salut. Ciao. Émile, tu veux faire une dédicace? Ouais, je veux faire une dédicace à ma soeur, Margot, à Montaigne, Alix et Harold. Eh ben dédicace alors. Dédicace et à tous les potos. T'as eu le temps de prévenir des copains et tous les potos que tu passais là? Ouais. Tous les collègues de taf. Bah, ou oui, les collègues du bahut. Vas-y, bah dédicace en tout cas. T'as des examens cette année ou pas? Ouais, je commence vendredi. Oh là là, c'est chiant. C'est les derniers week-end. Jours, c'est les derniers jours ouais, de repos là. C'est relou. Ouais. Ouais, semaine prochaine, il y aura Joule dans l'émission. Mais laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Il y aura Joule et le bac. Tout à les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, tu pas bien, je me laisse aller. T'aimes bien de Joule toi ou pas, Emile? J'écoute pas, je fais juste la musique Wesh alors, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Ah. Qu'est-ce que t'écoutes toi alors? Je suis plutôt des musiques des années 80. Ah ouais, d'accord. Ah, ouais. Ah genre Balavoine, tout ça. Genre, t'écoutes quoi? Emily. Queen. Ah ouais. Attends, ça c'est 2000. Attends, moi c'est Benny Bill. le beat de petit. C'est qui? Ah, mais genre t'écoutes ce genre de musique là? Non, ça c'est 90 plutôt. Ouais. Ah, 2000 ça. Il en manque 77 et puis on est à 1 900 000 sur la page Facebook. Ah. Allez, venez liker la page, les gars, en deux minutes. Là. Guillaume Play, PLEY, on se retrouve, on passe les 1 900 000 ce soir. Oh, les vieux trucs. Oh là là, Facebook. C'est dingue comment c'est de la merde. Bah oui, c'est. Non mais comment c'était déjà de la merde et personne ne s'en rendait compte il y a deux ans. C'était pour buzzer un peu. Parce que je sais déjà, lui, il a réveillé, il dansait là-dessus. Ah, ouais. Bah ouais, j'aimais bien. Il fera sa demande en mariage sur ce morceau-là. Ah, ouais. S'il te plaît. Alors là. Et même pour rire, je fais pas ça quand même. Ah, c'est années 80 ça. Ah ouais, ok. Ouais, c'est années 80. Axel Bauer. Ce genre de truc-là, t'aimes bien toi, Emile? Ouais, ouais, ça va. Axel Bauer, c'est ça, putain, mais comment tu connais? Ouais, à l'autre, attends, je vais te dire, tu sais pas comment ça s'appelle, un château fort. Ah, bah tu vois, chacun ses connaissances. Tu connais pas le nom des animaux. J'apporte des connaissances sur la musique. Ouais, mais bon, tu vas plus savoir à faire. Radio musicale. Tu vas plus savoir à faire. Ouais, mais le problème, c'est que t'as une vie normalement en dehors de. Ouais. Ah, Asia. Ouais. J'aime bien qu'on ait Asia. Allez, plus que 68 et on est 1 million 9 sur la page Facebook. Allez, allez, Guillaume Play, PLEY, les gars. Hey, je sais bien, vous êtes 1 million, écoutez, prenez 2 minutes, venez liker notre page, comme ça on est content, on passe à 1 million 9. Et plus on est nombreux, plus on peut faire passer les messages ensemble, les gars. Plus on restera longtemps là. Guillaume Play, PLEY, venez liker notre page, on arrive à 1 million 9 ce soir. Attends, Y a. Anastasia. Attends, y'a. Oh putain! Je voulais que tu passes ma note. Les dimanches, Alphonse Brown. La puissance du port du Havre. Son nom, c'est Alphonse Brown. La culture de la métrave. Allez, plus que 55 sur la page Facebook. Ah. Ah. M'excité à l'époque cette musique. Ah, oui. Ah ouais, putain. Ouais, m'excité dans ce clip là. Ouais, Alizé. Bah ouais, j'avais 15 ans, j'avais 15 ans. Ouais. Ça veut pas dire qu'elle est pas excitante dans le clip. Hein. Dans le chant là. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, ouais. Ouais. Elle est plus 49 en rien. Ah, c'est vieux ça. Ah ouais. Ah ouais. Vas-y, vous rappelez de ça, non. Attends. Ne rêve pas, ouais. Allez, 47 et on passe 1 million 9. Guillaume Play, PLEY, venez liker la page, c'est 2 secondes. 42 et on passe 1 million 9. Allez-y en 2 minutes. Et puis après, c'est route vers les 2 millions. 2 millions. Voilà, plus que 41. Allez-y, Guillaume Play, avec un P comme Patrick, PLEY. Venez liker la page, on se retrouve dessus. Et juste après, je du plan à 3, on va énerver quelqu'un là. Oh putain. Putain, c'est vieux. Ouais, ça ouais. Allez, 32 et on est à 1 million 9. Oh là là. Fort nos blonds. Ah ouais, ah ouais, putain. Allez, 26 et on est à 1 million 9. Ah, on va y arriver. C'est le classe au Guillaume Play, PLEY, allez-y les gars. Au collège, ouais. Maman. notre page les gars sur Facebook, là, Guillaume Play, PLEY, 20 piles. Putain, c'était trop bien. Laisse-moi être seul. Oh là là. I'm in Miami, bitch. Ça c'est fou, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Christina Aguilera. Elle était forte à cette époque, quand même. Ouais, elle est trop belle. En plus, elle chante bien, elle, quand même. Ouais, elle est plus que 13 et on a 1,9 million. Ah. Guillaume Play, PLEY. Elle est plus que 8 et on est à 1,9 million. Allez-y, likez la page. Guillaume Play, PLEY. Je fais refresh. Dès qu'on est à 1,9 million, on fait jouer du plan à 3. Plus que 6. C'est vieux. Ça y est, on a 1,9 million. Merci les copains, putain je vous aime. Hey, on est en route vers les 2 millions, 2 millions. Hey, 2 millions c'est vraiment ouf. Ah ouais. Ouais. Ah franchement. C'est vrai que ça tourne, à nous. Soit pour une question de parler de musique à vous. Partout, dans les boîtes comme dans les halls. Putain, l'ancienne ça. C'est vrai que ça tourne, et partout. Soit pour une question de parler de musique à vous. Partout, dans les boîtes comme dans les halls. Et putain, et j'ai hâte de passer les 2 millions. Ah ouais. Je pense que pour les 2 millions, on va vraiment préparer une énorme surprise. Ah alors, ouais. 1 million, j'avais fait une soirée chez moi, j'avais invité 12 d'entre vous au hasard à venir faire une soirée chez moi. On avait rediffusé sur YouTube. Ouais. On avait battu le record du live de YouTube. Ouais, c'est trop bien. C'est tous les vieux CD là. Ah, ça c'est vieux, ça c'est vieux. Ah ouais, Sophie Elise Baxter, pas bien joué. Putain, ça c'est vieux aussi ça. Ouais, wasn't me. Saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It wasn't me. She even caught me on camera. It wasn't me. She saw the marks on my shoulder. It wasn't me. Heard the words that I told her. It wasn't me. Heard the screams getting louder. I believe I can fly. Attends, Amine, dis ton arrêt, mais je suis en train de chanter. Après, c'est bon. They see me rolling. Il faudra faire des soirées spéciales. Ah ouais, ouais. T'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéroté, ça paname. T'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Je des numérotés, c'est un maté. M'en sache que nos verres, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au but d'oser. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Je des numérotés, c'est un maté. Dans le rap, tu crées produit, je suis chauffeur-livreur. Beaucoup de fleurs à mon enterrement, entouré de chiffreurs, négro. Et vraiment une grosse surprise. Fais tourner la page Facebook, tout le monde, à vos potes et tout. Comme ça, dès qu'on est 2 millions, on fait un énorme truc. J'ai déjà l'idée, hein, mais ça, vous le connaissez, c'est énorme à chaque fois. On va pas faire la moitié des trucs. On a fait un pari avec un tweet, on est parti à Las Vegas. Ah ouais, ah ouais. c'est vrai. Donc la prochaine fois, ça va être vraiment très très gros pour les 2 millions. Merci, mon Émile, en tout cas. Et je te repasse Amina au standard. Oui. On va t'envoyer un truc à la maison aussi, d'accord? Ah, merci. Ok, bah de rien, mon pote. Merci à toi d'être là et tout. Les examens vendredi, on est là, gros. On est ensemble. Je t'embrasse, mon poteau. Merci beaucoup. Bonne chance. Vous êtes génial. Merci, mon pote. Bisous. Génial. Bisous. Merci. Bisous. Bisous. Salut. Ciao. Ciao. Allez, on va se faire le jeu du plan A3. Maintenant, j'ai besoin d'une fille qui va énerver son mec. Donc, j'ai besoin d'une fille en couple. On va lui faire croire que vous voulez bien faire un plan A3. Genre, si vous êtes déjà demandé ou quoi, vous dites écoute, j'ai envie de faire un plan à 3, d'accord, mais avec un autre mec. Et moi, je me fais passer pour l'autre mec au téléphone, on fait croire qu'on est ensemble, ça va bien l'énerver. Donc, j'ai besoin d'une fille, vous m'envoyez Guillaume et je, J-E-U, Guillaume, un espace, je, avec votre numéro au 6 11 12 et je vous appelle maintenant sur Énergie là. Ok. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. High up, I was taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow. À la maison, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, sur Énergie, de retour en direct avec Virginie. Tu m'entends, Virginie, en 95? Oui, je t'entends. Eh ben, bonsoir, Virginie. Salut. Salut, eh ben, Virginie. Salut. Bah, c'est qui le papa? C'est qui le papa? Non, si, non, non, si. Bon, enchanté, Virginie. Qui passe un petit coup de fil sous le temps. Vous allez bien? On va se faire le jeu avec toi. On va se faire le jeu du plan A3. Tous les jours, on a un énorme jeu. Et le mercredi, c'est le jeu du plan A3. Tu vas faire croire à ton mec que tu veux faire un plan A3 avec ton ex. Je vais me faire passer pour ton ex qui s'appelait Sylvain. Beau gosse, apparemment, grand bras aux yeux bleus. On appelle ton mec qui s'appelle Antoine, qui est magasinier. Et ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, c'est ça, hein? Ah, c'est énorme. Oui, ça va faire 7 ans. Putain, énorme. Ah, bravo. Eh ben, très bien. Eh ben, on l'appelle. Et tu l'as déjà parlé de plan A3 à l'époque, hein, c'est ça, hein? Oui, oui. Avec un autre mec et ça l'avait pas trop chauffé, forcément. Un peu normal. Non. Voilà. Donc là, tu vas lui dire écoute, je suis avec lui, je suis hyper chaude. Voilà, attends, j'aimerais bien qu'on fasse un plan A3 rapidement. Je suis allé chez mon ex et tout. Donc là, ça va l'énerver, apparemment, tu m'as dit. Oui. Enfin, t'as dit Amina Dessin sur la feuille et tout. Donc très bien. Bon, on l'appelle maintenant, on va voir, d'accord? Ok. Allez, vas-y, t'inquiète. Et je suis avec toi, ma gueule. Tu l'énerves au début. Dès qu'il est énervé, boum, j'arrive en uppercut derrière et je le chauffe. Bonne chance. Ok, okay. Allez, vas-y, vas-y. On fait le libéro et dès que ça répond, voilà, ça sonne. Dès que ça répond, minutes, ça, une. Ok. Allô? Mon cœur? Oui. Ça va? Bah, et toi? Oui. Je t'appelle parce que là, on avait déjà parlé avant. Et en fin de compte, ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un pour faire un plan à trois. Quoi ? C'est quoi ce délire ? Mais le truc, c'est que c'est un autre mec. Comment ça, c'est un autre mec ? Tu racontes quoi, là ? Et c'est mon ex. Comment ça, ton ex ? Sylvain. Non, mais c'est quoi ce délire, là ? Tu fais quoi ? Bah, tu m'avais demandé de trouver une personne. Mais je t'ai rien demandé du tout, là, qu'est-ce que tu fais ? Non, mais t'es sérieuse, là ? Bah, tu m'as demandé de trouver, j'ai cherché. Bah, je t'ai rien demandé du tout, arrête de tes conneries, là, t'es en train de faire quoi, là ? Ah, c'est bon, ouais. Bah, t'arrives quoi, toi ? Bah, allez, qu'est-ce que ça vient ? Mais c'est quoi ce délire, là ? Mais c'est quoi, ça ? Ouais, je suis avec lui, là, c'est pour ça, c'était pour savoir si tu voulais. Comment ça, t'es avec lui ? On vient de te chercher. C'est quoi ce délire ? Mais viens me chercher, je vais le défoncer, là, c'est quoi ce pute ? C'est moi qui l'encule. Mais vas-y, mais toi, ta mère, elle aurait dû t'avaler, espèce d'enculé, là. Moi qui suis ta meuf, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais vas-y, mais t'arrives quoi, toi ? Je vais te retrouver, mon gars, je vais te saigner, là. J'ai niqué ta meuf avant toi, bâtard. Elle est, t'es où? Parce que là, je suis en train de péter un câble. T'es où? Bah là, je suis chez lui. Il est venu me chercher en voiture. T'es chez lui, là. Tu fais quoi, là? Vas-y, caresse-moi tranquille. Mais t'es en train de péter un câble. Tu m'as demandé de trouver. Mais t'as rien demandé du tout, là. Mais qu'est-ce que tu fais, là? C'est bon, râle pas, tranquille. J'ai déjà niqué. Ça fait rien, tranquille. Mais toi, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je vais te prendre. Mais sérieux, là, espèce de bâtard, là. Mais je vais le trouver, je vais l'étrangler, ce mec. C'est moi, je vais te prendre du ticket. Mais je vais t'enculer, espèce de bâtard. Mais ta mère va pas reconnaître le coup. Mais t'es où, espèce de bâtard? Mais ferme ta gueule, là, bâtard. Ferme ta gueule. Passe-la-moi. Ta gueule. Je te dis ta gueule. Ferme ta gueule. Je vais te dire que tu fermes ta gueule. Passe-moi ta gueule. Mais sérieux, mais bâtard, mais ferme ta gueule, putain! Elle a dit je voulais être ton témoin, apparemment! Ouais, ton témoin, fils de pute, va, tu vas te. Attends, pourquoi t'es tranquille, quoi? J'ai été témoin de ton mariage, t'es pas content, gros! Non, mais va te faire enculer! C'est moi qui t'amènerai l'alliance! Niquer, toi. Mais tu porteras rien du tout, espèce de bâtard! Passe-la-moi, t'es où? Attends, tranquille, je te dis là! Vas-y, passe-moi ton bolos, là! Mais ferme ta gueule, mais putain, je voulais éclater, là! Je vais porter les alliances sur la teuf, tu viendras me les enlever comme ça, là, à l'église. Bah là, arrête, ferme ta gueule, toi. Avec la bouche. T'es où, là? Maltringue, va. Mais pas le crâne de quoi? Je vais t'enculer, toi. Mais sérieux, je vais te saigner, mon pote. Tiens, reste pas. Ta mère, elle va pas te reconnaître, mais. Virginie? Ferme ta gueule, putain, mais ferme ta gueule. Virginie? Oui. Mets ta bouche ici. Ah oui. T'es sérieuse, hein? Mais tu fais quoi? Tu fais quoi, là? Bah là, je suis en train de. Fais un petit bisou sur mon téton, là. Mais je vais te saigner ton téton, ferme ta gueule, toi. C'est fou comment c'est sensible un téton avec du gloss. Mais ça, il est en train de me rendre dingue, là. T'as envie d'être tranquille avec ma femme, tu vas nous casser les couilles, là. Quelle femme, mais ferme ta gueule, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, ferme ta gueule, c'est pas toi qui va arriver, là. Viens me toucher la bite. Putain, mais. Il a raccroché, merde. Oh là là. Il a tapé sur un truc, j'ai peur qu'il ait cassé son portable. Ouais, il est chaud, là. Non, c'est bon. Allez, ça sonne. Oh, bah, le tringue. Pourquoi tu raccroches? Mais tu me saoules, là. T'as pas de couilles ou quoi? Mais viens en face, mon gars. Faut que je te claque le nez ou quoi? Mais je veux le shooter, lui. Je veux le shooter. T'es où, là, mais? Tu peux faire quoi, là? T'as un délire, là. C'est un délire. Faut faire chaperonne par devant ou par derrière, ta nana? Mais putain, mais ferme-la. Tu fais quoi là? On a un mois du mariage, t'es en train de faire la conne là. Mais attends, ça n'a rien à voir avec le mariage, c'est juste un petit plaisir sexuel tranquille vite fait là. On n'a pas encore niqué, hein, elle m'a juste branlé vite fait. Elle m'a juste branlé la couille vite fait là. Mais rien du tout, toi t'as pas de couilles, je fais donc tu l'es, t'aurais des couilles, viens le dire en face. Elle m'a tiré sur la couille gauche, puis sur la couille droite, puis sur la couille. Un peu comme une horloge, elle m'a remonté quoi. Mais je vais le saigner, je te jure, je l'attrape, je le saigne. Mais c'est fou comme un bisou sur les couilles, c'est agréable hein, quand même. Mais putain, mais. Putain, je vais lancer, je te jure, je prends tes affaires, je le jette par la fenêtre. Mais c'est quoi, ça pourrait me faire rire que tu jettes ton. Hey, Antoine, jette ton téléphone par la fenêtre, ça pourrait me faire marrer, comme ça tu niquerais ton tel en plus. Ouais, mon iPhone 6, ouais, tu crois que je vais balancer mon iPhone 6. Comme ça, je nique ta meuf et tu niques ton tel. Je te jure, je prends ta tablette, je prends tes affaires, là, je les jette par la fenêtre. Hey, c'est quoi? Hey, Antoine, mets un gros coup de boule dans le mur, vas-y, s'il te plaît, pour rigoler, pour que je me marre un peu. Mais c'est dans ta tête que je vais te mettre un coup de boule, toi, je vais te saigner, mec. Abruti, va. T'es un abruti, je te dis. Mais ferme ta gueule, putain! Bon, tu sais quoi, je te propose qu'on parte sur de bonne base. Allez, on arrête! Allez, Et on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, gros, on fait la paix. Quelle paix, quelle paix, quelle paix. On fait la paix. Y a pas de paix, mon gars. Bah si, le paix, là, écoute bien. Le paix. Ah mais sérieux, mais il est en train de me rendre dingue, là. Mais viens, viens. Viens, je te dis, on se trouve et puis on s'organise une petite rencontre vite fait, quoi. Pas de soucis, viens tout de suite, là, mon gars, viens tout de suite. Je vais t'enchaîner, viens tout de suite, là. Viens. Attends, tu t'énerves comme ça, tu me parles mal alors qu'en fait on pourrait être copains, je suis sûr. Mais copain de quoi? Mais tu vas me sucer la bite avant d'être mon pote, toi. Non, mais t'es un malade, là. T'es énervé comme ça, là, je vois pas pourquoi. Mais t'es un malade, toi. T'es en train de bousiller une vie. Mais bah non, je bousille la tienne, j'en ai rien à branler, moi. Ouais. Après, je vais pas me marier avec elle, moi, Virginie, je la trouve pas très... C'est notre fille, espèce de bâtard. Non, mais attends, Virginie, moi, je la trouve pas belle, je vais te dire un truc, hein, c'est vite fait, toi, tranquille, quoi. Mais ferme ta gueule, toi, ce bout, elle est pas belle, mais ferme ta gueule, toi, je vais te baiser. Tu vas voir si t'es pas belle, toi. Attends, tranquille. En plus, Virginie va se marier avec moi, elle m'a dit, là. Mais bien sûr, allez, arrête. Bah, je te le dis, elle a envie de se marier. C'est normal, c'est normal, gros. T'es en train de me rendre dingue, je te jure, t'es en train de me rendre dingue. Attends. Mais t'es un bâtard, mais t'es... Mais non, mais elle a envie de se marier avec moi, mais moi j'en veux pas. Moi c'est pour mais moi, arrête, c'est. Mais arrête! Et mérite un petit shoot vite fait, toi, tranquille. T'as un problème, t'as un pourquoi problème j'ai... cerveau là. Pourquoi j'ai un problème? Mais t'as un problème! Bah j'ai le droit de pas avoir envie de. C'est bon, moi je te prends, toi et ton frère Maxime, je sais pas quoi là. Quoi? Mais vas-y, mais je m'en bats les couilles de mon frère. Moi je vais t'attraper, je vais te saigner tout seul. Y'a pas de. Je prends cousin ou quoi que ce soit. Je prends ton frère en leuleux tout seul, rien à branler moi. Mais viens tout seul, mais viens! Tu vois, je suis devenu bille depuis l'autre fois, là. Viens, si t'as des couilles, viens! Bah attends, mais je suis là! Bah dis-moi ton. Eh, hey, j'arrive, donne-moi ton adresse et j'arrive, Baltringue! Viens, viens, mais viens à Charles! Viens à Charles, viens à Sergi, viens à Argenteuil, il m'en bat les couilles! Viens! Ah bah j'y suis, là, à Argenteuil, justement, du coup! Bah t'as Argenteuil, mon cul, ouais! Mais j'habite à Argenteuil maintenant, bah qu'est-ce qu'il y a, là, tranquille ou quoi? T'habites à Argenteuil, mais viens, je bosse à Argenteuil, viens, on se donne rendez-vous! Y'a pas de soucis, on va faire un tête à tête. Je vais mettre un petit coup de fouet, Virginie, mets-toi à quatre pattes! Mais, ah oui. Mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Passe-la moi. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Bah j'ai mis un coup de fouet. Oh là là, je te repasse. Mais Virginie, il veut te parler, il me saoule, vas-y prends-le. Ah, je vais lui rentrer le fouet dans le cul, lui, à ce bâtard. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je te l'ai dit, j'avais envie d'un plan à trois, je l'ai trouvé, maintenant je t'attends quoi. Ça t'amuse? Ça t'amuse? Mais non. Tu pars dans un délire, mais arrête là. C'est pas un délire, je l'attrape, c'est une envie. Je te jure, je l'attrape, je le saigne. Il m'en bat les couilles. Mais t'énerves pas comme ça. Mais de quoi, je m'énerve pas? Mais t'es marrant, toi. Je ferais ça, tu me dirais quoi? Mais t'es pas bien. Ah, je suis sûr que tu vas aimer un petit doigt dans le cul vite fait. Là. Mais toi, je vais t'enculer mon pénis, toi. Ah, tu vas tellement saigner. Je vais te faire bien fini. Non, mais arrête, je te dis, hey, vite fait, bien fait, un petit doigt dans le fion, tu verras, c'est pas si désagréable. Mais sérieux, je vais te mettre ma bite. Et au pire, vous vous mariez dans un mois et la lune de miel, on l'a fait à trois, toi. Oh putain, mais sérieux, il est en train de me rendre dingue! Attends, ça sera la, ça sera les trois lignes de miel et un couffin! Mais je te jure, tu rentres pas là! Je te jure que ça va chier tes affaires! Attends, mais. Attends! Dépêche-toi à rentrer là! Qu'est-ce que t'as que. Ferme ta gueule, toi! Qu'est-ce que t'as que. Tu rentres tout de suite! Tu viens de casser quoi? Tu as vraiment ton chien ou quoi? Tu rentres tout de suite, Gigi! Maintenant, c'est moi qui vais régler les trucs! Tu vas venir face à moi! Tu vas jouer le bonhomme! Viens mon gars. Et moi ce que j'aimerais faire c'est que tu mettes un petit santon qui me représente sur la pièce montée de ton mariage. Mais sérieux, j'espère que tu vas. Va prier mon pote parce que je crois que tes jours ils vont arriver vite là. Ah bah attends, tu vas quand même pas me tuer alors que tu te maries, ça serait dommage quand même. Je vais l'éclater. Et au pire, tu sais quoi, et on prépare une troisième petite alliance et comme ça on se marie une sorte de mariage à trois, toi tranquille. Mais putain, mais t'es un PD toi, va te marier mon gars. Bah on se fait un trouple, vite fait, bien fait. Mais attends, pourquoi tu me rejettes? Mais putain, mais va te faire enculer. Moi tu sais ce qui m'exciterait, c'est que tu sois nu avec un petit habillé et que tu me fasses un steak frites ce soir. Oh putain, mais je vais l'enculer, je te jure, je vais te chercher de la biafine parce que ça va te faire. Même un sexe, va se finir. Et j'espère que j'aurai ma. J'espère que j'aurai ma place à la table des mariés quand même. C'est quoi le délire là? Entre c'est vous quoi, deux. Délire, là, putain. Je vais tout péter dans la baraque. Virginie, qu'est-ce que tu viens de casser il y a deux minutes là? Je sais pas, j'ai lancé les verres, je m'en bats les couilles. Je lance tout dans la baraque là. Ah bah attends, tranquille, hein. Abîme pas trop parce que je vais venir habiter chez toi donc garde les objets quoi. Viens habiter, viens mon gars, tu vas là. Viens. Ça serait quand même, alors par contre, si tu peux ne touche pas. Tu vas même pas marcher sur le paillasson, bienvenue tellement que je vais t'enculer direct mon gars. Attends, mais tu sais quoi, c'est en train de m'exciter ce truc là. Putain, t'es en train de m'exciter gros. Oh putain, je vais tout péter dans la barre, je te jure, je te pète tout. Mais non, mais moi je te dis, si tu m'encules direct, moi ça me plaît. Je vais tout péter. Et tu sais que même une claque ça peut m'exciter, c'est ça qui est ouf. Mais ferme ta gueule toi. Mais non mais tu peux pas dire non homme fontaine je ne boirai pas de ta semence si j'ai pas goûté. Toi c'est là ça n'a aucun sens, il faut d'abord goûter et après juger gros. te jure, je vais le défoncer. Il est où là? C'est quoi, tu plantes des coups? Et attends, attends, avant de faire du bricolage. Attends, avant de faire du bricolage. Je t'en passe ta gonzesse là. Oh Virginie! Oui mon cœur. Arrête de me sucer l'orteil, elle va lui parler, Baltringue là. Oui. Mais ferme ta gueule, putain, mais je te jure, je pète tout. Ta télé, ta console, tout, tout. Tu rentres. Mais t'énerves pas comme ça. On va discuter tous les deux. Tu rentres maintenant, tu viens. Mais je peux pas, là, je suis occupée. Il a pas les couilles de péter la télé, ce Baltringue. Non, je rigole. Eh, hey, Virginie, dis-lui on est, Antoine. Dis-lui on est, dis-lui on est. Attends, il va dire on est, Antoine. Non, dis-lui Antoine. Antoine, dis-lui on est d'abord. Mon cœur. Quoi? Dis-lui. On est sur Énergie. Première émission de France le soir. Bienvenue chez vous. Guillaume Radio 2.0. 22h, 1h sur Énergie. Putain de merde, hey, c'était limite là. Antoine. Ouais, j'ai chaud. Antoine, ouais. Tu t'es fait niquer sur Énergie, gros. Ouais, c'est un jeu. C'est Guillaume là, je te dérange pas, Antoine. Non, non, j'étais sur mon jeu là, j'étais tranquille. Ah, t'étais tranquille, oh, putain, là, t'avais rien demandé à personne et nous on arrive, on t'emmerde. Hein. T'as fait désolé. C'est mon jeu, en plus les potes qui sont en train de se regarder, ils ne voient plus bouger quoi. Mais hey, attends, j'ai pas compris ce que t'as dit. Ouais, pareil. Ah, j'étais sur ma console, j'étais avec les potes là, ils comprenaient pas pourquoi je m'énervais au micro. Ah, non, putain, oui. Bon, tout va bien, gros. Ouais. D'accord, c'était une blague, Virginie, elle est pas avec, avec ton ex et tout, je suis pas Sylvain, d'accord. Je suis Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0, gros, d'accord. D'accord, ok. Bon, tout va bien, je vais te repasser le standard, tranquille, on va t'envoyer un petit cadeau pour se faire pardonner, d'accord. Ok, ça marche. Ok, tu veux faire. Ouais. Hey, tu pourrais lui dire que tu l'aimes, Virginie, quand même. Mais oui, je t'aime, mon cœur, et non. Je suis fier de devenir ta femme. Bon, heureusement. Eh, par contre, Virginie, tu nous l'avais pas dit que t'allais être mariée pour une cachotière. Ouais, c'était un secret. Ah, tu nous l'avais pas dit juste avant, mais ça nous a donné une bonne base pour rigoler là. Ah ouais, bon, je te repasse le standard, je t'embrasse, Antoine, à bientôt. Hein. Bisous. Merci, et donc, tout va bien, gros, tu peux souffler, tu peux jouer. Tu jouais à quoi là ce soir? Là, j'étais sur Arc, je vais aller sur Rainbow. Sur quoi? Rainbow. Rainbow, ok, y'a pas de problème. Vas-y, bah, joue bien à Rainbow, gros. Vas-y, j'y joue aussi. À bientôt, Antoine. Salut, bonne soirée. Bien, bah, ciao. Et Virginie, tu veux faire une dédicace du 95? Bah ouais, un gros bisou à tout le 95 qui me reconnaîtront. Et puis voilà, quoi, j'espère que le mariage va bien se passer pour moi. Ah bah y a pas de raison, ouais. Ouais, tranquille. Bon, et je te fais un gros bisou, ma chérie aussi. Bah, gros bisou, tu raccroches pas. À bientôt. Okay, avec plaisir, gros bisou. Ciao, Virginie du 22 ans là qui a tout défoncé dans le 95. On a bien énervé son mec. Tous les mercredis on fait le jeu du plan à 3. On se retrouve sur Énergie de façon en direct hein, jusqu'à 1h du matin, 10h du soir, 1h du matin. C'est Guillaume Radio 2.0. On se fera Ginza juste après sur Énergie. Et on se fera James Bay aussi tout à l'heure avec Let It Go sur Énergie. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les mains qui m'agabondent. J'ai mérité dans les mains qui m'agabondent. J'ai tout gâché. Qu'est-ce qu'il y a chez M du standard? Non, j'ai une petite idée, Guillaume. Ah, voilà. Une idée de quoi? Ah, je peux dire un projet secret. Ouais. Il vient d'avoir, il m'a dit un projet secret. Ouais, voilà. Il vient m'en voir, il me dit Guillaume, j'ai une secret. J'ai encore une idée tordue. Ah, oula. Très bien. Écoute, voilà. On se fait Charlie Puce avec Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, un des plus gros hits du moment. On se fera Enrique Iglesias, Duel Corazon après, et puis Mike Posner, Chainsmoker. On se fait tous les plus gros hits sur Energy. Kungs, De Oro, Bailar. S'il y a un autre morceau qui vous fait plaisir, les mecs, vous me le dites. Hein. Moi, je suis là pour les passer. Je suis là pour faire de la radio avec vous. Moi, je sers à rien. Je suis derrière le micro, mais c'est vous qui la faites, l'émission. C'est vous qui faites l'énigme. C'est vous qui donnez l'énigme. C'est vous qui appelez l'un d'entre vous pour offrir le cadeau. C'est votre émission, les mecs. Charlie Puth, Mike Posner et puis James B. Ce que vous avez choisi à écouter après sur Énergie là. Et après, on parle de cucu surtout. J'ai vu les messages. Il n'y a pas de problème. On est chaud, les gars. Ok. Tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. heaven tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. Dans la narine, Guillaume Radio 2.0 de 22h à 1h sur Énergie. Et après, on se fera ce morceau, il est vachement bien. Ça, c'est le nouveau Ina. C'est fou, hein? Ouais. Ah ouais? On dirait un homme qui chante, mais je pense que c'est un featuring. Ah oui, ouais. C'est Ina la chanteuse. Elle est roumaine. Elle a peut-être changé de sexe, elle. Elle m'excite tellement. Il y avait une... Attends, c'était pas Ina, c'était une autre, là. Elle avait une autre aussi. Oui. Oh là là, une grande blonde. Oh ah là oui, là. Oh là là. Stan, Alexandra Stan. C'était mon fantasme. Ouais. Ah, je la trouvais vraiment. Alexandra Stan, c'est ça, ouais? Ah oui. Oh là là. Non, mais alors, elle avait fait Azap. Oh là là. Ça s'appelait la chanson, elle était trop bien. Et ah ouais, c'est elle, putain. Je la trouve sublime, quoi. Ah ouais, non, non. Franchement, elle est tellement sexe en ouais, vrai. Ouais, ouais. C'est un truc de fou, quoi. Ah ouais. Elle pue le cul. Ah ouais, t'es jolie, ouais. Elle a vraiment la tête un peu. un peu à faire des films de boules, tu vois. Bah après, ouais. Vous trouvez pas qu'Alexandra Stan est un peu. Non, mais attends. Elle fait penser à une actrice en fait qui s'appelait comment? Virginie Caprice, non? Ah oui. Il y a pas une actrice, je ah ouais, ouais, une blonde. Un peu, ouais. Elle a arrêté. Mais... Ouais, elle a arrêté. Non, non, mais elle a... alors peut-être que je confonds avec une autre personne. Non, mais elle ressemble. Ouais, on est d'accord, Flo des cadeaux. Oui. Un Flo des cadeaux qui est la Bible du cul. Ouais. La Bible du porno. Attends, il y avait. On va parler de Fionfion. Et juste avant de parler de Fionfion, il y avait un dernier rappel. Christopher qui en a appelé 25 ans de Pontarlier dans le 25, dans le Doubs. Ouais, à Franche-Comté. Salut à toi, mon pote. Salut. Soso. A la base, mon prénom c'est Thomas, mon m'appelle Soso. Et je viens de Séville, la capitale de Gaspatch. Et j'adore manger du maroilles, parce que j'ai une cousine qui vient du nord de la France. Oh, Patricio! Eh, Bilout, oui, je suis là. Non, mais non, putain! Je suis espagnol du nord. Non, mais attends, mais. T'es dans le cliché là. Ah, ouais, c'est bien Michel Echti, ils le font aussi. Ah, putain! C'est vrai. Si, si, bah, malheureusement, si. C'est un peu c'est rigolo. Ouais. Non, bienvenue Echti, un film, il est fou. Danny Boone, il est Echti, il dit ça. Et ah là là. Bon, ça va quoi, Christopher? Tu fais quoi dans la vie, gros? Moi, je suis agent de sécurité, dédicace à tous les agents de sécurité. Big up, big up, big up. Salut, mec, et t'étais déjà passé à la radio ou jamais, toi? Ouais, ouais, déjà, déjà. C'est vrai, ah bah vas-y, c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup de repasser. Alors, ouais, bienvenue. Meilleure merci. Émission de France. Hein. Ah, si, merde, ah, c'est gentil. Si. Hein. Merci, merci beaucoup à tout le monde d'être là et tout. Ça nous fait trop plaisir. On est 1,9 million hein, sur la page Facebook. Et prenez-le, faites-le tourner. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à 2 millions le plus vite possible. On est 1 900 056, voilà. C'est énorme, merci. Donc voilà, c'est énorme, 1 900 000, en vrai, c'est un truc de fou. Ah ouais. Hein. Faites le tourner comme ça, les gars, on arrive. Salut Patricia, qui est, je suis mandant, je suis au taf, c'est gentil. Hein. Quand tu fais Boubou le marabout, tu m'as fait penser à lui si un jour t'as le temps d'écouter. Ah bah j'allais voir Patricia, merci pour ton message. Christopher, tu vas nous raconter, t'as vu 2 trous noirs dans ta vie. Oula. Ouais. On va se raconter ça. Est-ce que vous avez déjà vu des trous noirs? Vous avez déjà eu des trous noirs aussi en soirée? Tout ça. Et après, on parle de Fionfion avec Alice, 18 ans, strasbourgeoise. Tu m'entends, Alice? Oui, je vous entends. Eh oui, bon, Alice, bouge pas, c'est à toi l'antenne, après on parle de cul. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Thibaut de Hill dans le Limousin? Ouais, c'est ça, ouais. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie! Eh oui! Chaque mois, tu touches 1375 euros dès le mois prochain. Ça va arriver pour toi. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher 2750 euros. Oh, c'est génial. Franchement, merci à toute l'équipe, continuez comme ça. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Énergie et TF1 présente le grand show d'ouverture de l'Euro au Champ de Mars. Sur scène, ce soir, à la veille du premier match de l'Euro, Will.i.am, Christophe Maé, Louane, Florent Pagny, Soprano et Kenji Girac. Puis David Guetta prend la relève pour un concert exceptionnel pour danser toute la nuit. UEFA Euro 2016 à 20h55, le grand show d'ouverture. Présenté par Alessandra Sublet à 22h55. Le grand show de David Guetta. Ce soir, en direct sur TF1, avec Énergie. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, say le soir. Bienvenue chez vous. Guillaume Radio 2.0. 22h, 1h. Allez, 22h à 1h, c'est bon, on connaît l'horaire. Okay. On va pas passer jingle trois fois. Il y avait Alice qui avait appelé, puis Christopher. Vous êtes là tous les deux, là? Oui, on est là. Bon, ils se connaissent pas du tout, hein. C'est deux appels différents de deux téléphones. Il y en a une qui appelle de Strasbourg, l'autre qui appelle de Pontarlier dans le 25, dans le Doubs. Ah, c'est pas très loin. Et, Christopher, toi, t'as 25 ans, tu travailles dans quoi? Tu m'as dit juste avant la pub. Agent de sécurité. Agent de sécu. Je suis intervenant rondier. Et donc, en gros, t'avais eu deux trous noirs dans ta vie, tu voulais les raconter. On se parlait des trous noirs en début d'émission. C'était quoi ton histoire de trous noirs? Alors, moi, le premier trou noir, en fait, c'est à l'âge de 16 ans. Ouais. J'ai tapé une bagnole avec un scooter. Ouais. Et même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à me souvenir. Et pourtant, j'ai payé des tests parce qu'en fait, c'est en conduisant que ma vue est devenue toute noire. D'accord, ouais. Donc j'ai tapé la bagnole. Aujourd'hui, j'ai payé des tests, tout le bordel. On n'a jamais su pourquoi j'ai eu ce trou noir. Mais à cause de quoi? Genre, t'avais pas bu d'alcool? T'avais pas. Non, j'avais rien bu, rien fumé. Et ouais. J'ai tapé la bagnole comme ça. Mais en fait, il paraît que tu peux avoir un trou noir quand. En fait, quand ta mémoire elle est vraiment très récente, tu vois, par exemple un accident comme ça, tu te rappelles pas des 20 secondes avant parce que ton cerveau il a pas le temps d'imprimer en gros. Genre tu bugs. C'est bizarre un peu le cerveau quand même. On est mal foutu des fois. Attends. Et alors, et donc Amina du standard, tu t'es déjà fait tamponner, tu t'en avais oublié. C'est-à-dire, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir, je sais pas, un accident malheureusement de voiture, de taper sur le périph et d'oublier le choc? Non, non, non. Je me suis toujours rappelé parce que j'ai jamais eu de gros accidents. Une fois, t'avais été prise en sandwich, tu t'avais raconté. Ouais, ça, j'ai renversé un mec en moto. Enfin, j'ai eu plein d'accidents de voiture, malheureusement. Mais comment? Mais alors, t'avais renversé un mec en moto, c'était quoi l'histoire? Mais c'est une histoire de merde. C'était ta faute? Ouais. T'avais fait quoi? Bah, en fait, j'étais au feu et il y avait interdiction de faire demi-tour, mais j'étais en retard, donc j'ai quand même voulu faire demi-tour. Mais moi je suis motard en plus. T'imagines, j'aime du standard. Ah, je l'insulte. Ah non, mais c'est pas que moi je vais pas que l'insulter. Elle me coupe la route. Ça peut rendre fou un motard. Le mec, franchement, il lui manquait une casse de base. En fait, il était à l'arrière, il commençait à m'embrouiller, on se doublait, tout ça, on se chauffait un peu sur la route. Il est passé devant moi. Pourquoi t'as toujours des embrouilles sur la route? Moi je roule tout le temps, j'ai jamais d'embrouille avec des gens que je double. Avec personne. Et le mec, finalement, il se fout devant moi et il voulait pas avancer. Et bref, il a pilé finalement et je l'ai un peu poussé. Donc du coup, la moto est tombée, le mec avec. Voilà. Ouais, donc tu l'as pas un peu poussé. Ah, tu l'as renversé, non, quoi. Putain, mais t'es une guerrière, quoi. Parce que Amina, elle est trompeuse. Parce que, avec son petit air de Sainte-Nitouche, là, tu dis à la pauvre nanette, machin, en fait, t'es caché dans son jeu. Mais non, pas du tout. J'ai carrément pas fait exprès. Je m'en voulais beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas tapé à 50 km/h. Je l'ai poussé, genre, à 15 km/h, tu vois. Mais il est tombé quand même. Oui, voilà, pour tomber, il faut quand même taper fort. Parce qu'il a voulu retenir la moto, en fait, et avec le poids, il est tombé par terre. D'accord. Et bref, et maintenant, on est devenus potes, finalement. C'est pas vrai. Moi, je te jure, on s'est revus genre 3-4 jours plus tard pour faire le constat. Non mais il m'a présenté sa femme et tout la semaine d'après et tout et on s'envoie un message. Attends, mais il est tombé, il t'a dit quoi quand il est tombé? Il s'est parlé en disant on devient amis. Quand il s'est relevé, il m'a insulté, il a fait des photos, il a cherché des témoins. Il était vraiment chaud, c'est le mec. Normal, hein. Normal. C'est clair. Il est pour 8000 balles de réparation, donc pas content, quoi. La moto? Moto toute neuve, a été changée, vraiment. Donc t'as pas rentré à 15 km/h, Amina, pour casser 8000 balles de moto. Je te jure qu'elle est tombée par terre, elle était toute neuve. Une moto qui tombe par terre, t'en as pas pour 8000 balles de réparation? Bah si, parce que ça commençait à fuir, il y avait de l'huile et tout sur la route après. Mais t'as dû taper fort dans le moteur derrière. Non, je te promets que j'ai tapé à 15. Ah bah c'est beaucoup déjà. Ouais, à 15. Attends, quand t'es à l'arrêt, tu peux taper à 1 km/h. Comme dans la tuge de. Non, mais je l'ai pas fait exprès. Et là, donc, bah si, t'as fait exprès, non? N'a jamais de la vie, ça prend, quoi. Non, vraiment pas. Et là, et donc, t'as dû payer? Bah non, c'est l'assurance. Ouais. Moi, je paye ma franchise. Mais du coup, t'as dû avoir un malus énorme sur ton assurance, non, à force là? Force, non, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Ça, c'était la première année, j'avais 6 mois de permis. Après, entre temps, ça a été mieux. Et après, t'as eu un accident, t'as été prise en sandwich. Voilà, après, on m'a éclaté ma voiture sur le périph. Ouais. Ouais, Amina Sandar s'est fait prendre en sandwich sur le périph. Oui, classe, bon. Ouais. Et donc, Amina, t'as jamais eu un trou noir en étant prise en sandwich? Non, pas pour des accidents, mais des trous noirs de soirée, oui, c'est autre chose. Ouais. Pas de sandwich. En soirée, je sais déjà, t'avais dit. Ouais, moi, j'avais déjà rêvé un trou noir. En soirée? En soirée plusieurs fois, et puis une fois aussi en faisant du foot, en fait. Je suis tombé, y a un mec qui m'a taclé par derrière et je suis tombé ma tête contre sa tête, et du coup j'ai eu un trou noir pendant 24 heures. Attends, en faisant du foot? Ouais. Footballeur. Excuse-moi, pardon. Ah bah. Ballon d'or. Ah bah non, on a tous fait du foot. C'est la première fois qu'on t'entend faire du sport. C'est ça le premier choc. C'était pour ça que t'as eu un trou d'or. Le mec qui s'est mis à courir 10 mètres, t'es tombé dans les pommes. Le mec qui a pas compris ce qu'il avait le corps. On va te laisser le gros chêne, s'il te plaît. Salut, le gros chêne. Salut, big up, big up. Attends, et donc Flo Descrano, donc tu t'es étalé? On m'a mis un coup de boule à un mec en sautant pour une tête. Non, c'est lui qui m'a taclé par derrière et je suis tombé ma tête contre sa tête. Et puis la taille de la tête de fou. J'aurais voulu être là. Il peut casser le but. C'est pas vrai. Non, et donc j'ai eu une amnésie pendant 24 heures. Ah ouais, quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. À cause du fou. Une amnésie pendant 24 heures. Ouais. Mais quoi, t'es tombé à mes pommes? Bah, je suis tombé trou noir. Moi, je m'en rappelle pas. Tout le monde m'a raconté. Mais il paraît que je me suis relevé direct, que je demandais l'heure à tout le monde toutes les 5 secondes. Et donc au bout d'un moment, ils ont vu qu'il y avait un truc qui allait pas, ils ont appelé les médecins. Et ma mère est venue me chercher, je me suis mis à pleurer. Je demandais. Et tu l'as reconnu, ta mère? Non, pas au début, mais après je me suis mis à pleurer. Bref, j'étais en plein délire. C'est vrai? Ouais, et le lendemain, je me suis réveillé, j'étais dans mon lit chez moi. Putain, c'est ouf ça. Putain, mais tu l'as jamais raconté cette histoire. T'es un peu bizarre quand même, toi aussi. Hein. Ouais, c'est pas de ma faute. T'es un artiste aussi, toi. Ouais. C'est pas de ma faute. Le mec, il fait une tête au foot, il demande l'heure à tout le monde, ça veut rien dire. Attends, mais t'as mis une grosse tête? J'ai pas mis une tête, on m'a taclé et je suis tombé en arrière, la tête contre le mec qui me taclait. Ah ouais. T'es à l'aise dans le foot, quoi. Parce que là, vous avez l'impression d'écouter Dragon Ball Z, mais en vrai, c'était pas du tout ça. En vrai, il s'est fait sweeper derrière. Bah oui, je me suis fait tacler salement et je suis tombé sur sa tête. Putain, c'est fou ça. Attends, j'aime du standard. ça t'est déjà arrivé ou pas toi aussi Au foot, non. Non, d'avoir un trou noir, vraiment. Ouais, moi souvent. Tu sais, avec l'alcool en général. Amina, du standard, toi. Bah, il y a pas très longtemps, ouais, ça m'est arrivé malheureusement. Et j'étais en soirée et franchement, il me semble pas avoir bu tant que ça, mais apparemment si. Et le lendemain, j'ai un bon pote qui m'a dit qu'apparemment j'avais. Il avait rentré deux doigts dans mon trou. Moi, j'arrive à rentrer plein de trucs dans mon trou noir, Guillaume. T'imagines même pas ce que je rentre. Ouais, ouais. Mais je veux pas en parler sur l'énergie, sinon je vais déblatérer. Non, mais je raconte plus rien. Alors attends, et donc, tout le monde l'a vu, mon trou noir. Mais arrête, personne. Tu vas à Ibiza, tout le monde l'a vu. Bah, je suis jamais allé. J'ai fait saisonnière à Ibiza. Non, j'ai pas fait saisonnière, il y a vraiment à Ibiza, non. J'ai fait une saison à Elancourt. Non, non, et non, arrête. C'est le maire qui a vu le trou noir en plus. En plus, là-bas, non. Il y a une statue. Attends, il y a une statue de mon trou noir. Oh, oui, évidemment. Sur le rempoué. Voilà, grâce aux impôts de la ville. Je sais pas si combien ça coûte, Guillaume. Je vais passer à la radio. Salut, gros. Salut. Et alors, et donc, vas-y, ton trou noir. Mais de quelle taille ton trou noir, genre? Non, mais c'est franchement pas élégant. Mais non, mais que quelle taille? Une journée, deux journées? Bah oui. Non, non, c'était pas. Mais non, mais en fait, c'est juste longueur, que j'ai totalement. J'ai totalement oublié. Il veut savoir la taille du trou noir. C'est drôle, ça. J'ai une standard. C'est bon. T'avais été sale, toi. Mais non. En fait, la blague, elle est faite. T'as besoin d'en rajouter. Voilà, le mec, c'est la couche d'une télé en trop. Voilà. Attends. Donc, Camille, ça, tu parlais de la profondeur de ton trou noir. Non, absolument pas. Mais la profondeur, genre, est-ce que c'était quelque amnésie ou vraiment une grosse amnésie? Non, c'était une. Non, mais. Oh, bon, bref, on parlait d'amnésie, machin, de blackout. Et donc, du coup, c'était. De blackout à Guillaume, enfin. J'ai fait une école, tu sais ce que j'ai fait, Guillaume? Oui, il y en avait plein. Oh non, attendez, hier, elle nous a fait un petit bug. Ouais. Tu sais ce que j'ai fait comme école, Guillaume? Une école de proctologue, t'as dit. Merci. Une école de proctologue, t'as dit. Pas de problème. J'avais la bouche pleine, Guillaume. Faut pas que tu me parles, faut que tu me préviennes avant que je finisse. Attends, et non, vas-y, Amina du standard. C'est vrai que je finisse de parler, en articulé. Ah oui, d'accord. Et donc, vas-y, raconte-nous, Amina du standard. Bon, donc c'était en soirée, comme je t'ai dit, donc j'avais un peu beaucoup bu. Et finalement, au bout d'un moment, il y a un truc que je me rappelle plus dans la soirée, c'est mon pote qui m'a raconté ça le lendemain. Ouais. Il semblerait que j'ai embrassé une meuf plusieurs fois. Ah ouais. Ah. Enfin, qu'elle m'a embrassé. D'accord, ouais. Voilà, ouais. C'était il y a pas longtemps. D'accord. Ah, c'est il y a pas longtemps, ouais. Bon, c'est pas non plus. La meuf, elle a l'impression de raconter un truc que tout le monde va être à ses lèvres. C'est bon. Bah, ouais, c'est non, pas... mais c'est quand même bizarre. Elle te raconte ça hyper fière. Tu sais, je la connais, Amina du standard. Genre en mode, je vais citer tout le monde, Guillaume. Le blackout. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe. Je suis pas bien, je me laisse aller. Prochaine, il y aura Joule avec nous sur Énergie. Et semaine prochaine, vendredi à Rennes, samedi à Caen, dimanche à Rouen, vendredi, samedi, dimanche, Normandie, Bretagne, Tour la semaine prochaine, Joule jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et alors, enchaîne. Ah, ça va être génial. Ah, putain, c'est énorme la semaine prochaine aussi. J'en bois des sons pour la mort. Allez, donnez le cadeau, j'ai gagné. Oui. Allez, bon, en tout cas, on parlait des trous noirs. Et puis Alice, va pas parler de trous noirs avec toi, Strasbourgeoise. 18 ans, 67. Alors, toi, t'as fait un kiss cam. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique un peu. Alors, un kiss cam, en fait, c'est on se filme, on va vers un inconnu et on l'embrasse. Et ma meilleure amie, elle a fait ça avec un mec qu'on connaissait pas du tout. Et on était à la piscine, elle a embrassé ce mec. Le mec, il était tombé sur le cul, quoi. Il a pas compris ce qui se passait. Et il a réussi à retrouver son Facebook à ma meilleure amie, du coup, quelques jours après. Et aujourd'hui, elles sont mariées. C'est vrai? Sérieux, ça a marché? Attends, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire que tu vas et tu lui dis, est-ce que je peux t'embrasser? Et tu te fais, en fait, une sorte de selfie vidéo avec lui. C'est un jeu, quoi. Bah, non, tu lui demandes même pas. Hein. Tu t'y vas et tu lui demandes même pas. Hein. Plus fort, tu l'embrasses? Oula, attention. Ouais, voilà. Ah, moi, il y a une meuf qui arrive qui se filme, je dis casse-toi. Ouais, parce que le mec, je veux dire, et parlons d'abord un peu. Ouais, une seconde, hein, je suis pas un mec facile. Ah bon? Bah ouais. Non, mais tu vois, je veux savoir un peu qui c'est, si la meuf, elle a l'air normale, si elle a l'air normalement. Ouais, si elle est chelou, tu vois, non mais. Mais ça, c'est en théorie, en pratique, quand t'es en vacances ou quoi, machin, t'es là avec ton mojito, il y a une meuf qui vient qui t'embrasse, tu dis pas non. Non, si elle filme, non. Ouais. Moi, j'aurais trop peur que ça se retrouve sur Twitter après. Oui, bon, voilà, mais après. Et non, moi, j'aurais. Non, mais jamais de la vie, moi, j'y vais. Bah, tu casses ta caméra. T'y vas ou pas, toi? Bah, franchement, il y a moyen. Il y a un mec beau gosse qui a une caméra, ouais. Ouais, ça peut me faire rigoler. Ouais, franchement, un bisou, ça va. C'est et pas après, je te suce, Guillaume. Ah, oui, et après, il me filme, on se met sur les équipes. Voilà, on se met rêve, sur Brazzer, Guillaume. Maman va être fière. Ça sera la pipe cam. La blocam, Guillaume. Après la kiss cam. Non, mais attends. Non, mais franchement, Mina, t'aurais pas peur de te retrouver sur internet filmé, Mina. Je m'en fiche d'un smack, ça va. Attends, pas... bah moi, non, attends, c'est pas un smack, tu roules une belle, Alice, là, non, c'est ça? Pardon? Alice? Ouais, tu roules une belle, toi, ou c'est juste un smack? Ah non, mais c'était pas moi. Hein. Ah, mais c'est qui alors? Ta meilleure amie, c'est ça? Ouais, ma meilleure amie, c'est Guise. Mais elle le fait toute seule ou toi tu le faisais pas? Ah non, moi je filmais et elle allait toute seule. Hein. Ah ouais, putain, non, mais moi j'aurais trop peur que. Non, laisse tomber. Après, c'est marrant, moi j'ai fait une vidéo où j'ai embrassé les filles, ça fait un bad buzz, et par contre, il y en a qui font ça, les filles, ça dérange personne. Parce que c'est l'inverse, dans l'autre sens. Alors, grave. Et le mec, il était bizarre ou pas, là, ou il était beau gosse? Non, ça va, il était beau gosse et tout, mais surtout que c'était pas le seul avec qui elle l'a fait, quoi, au même moment. Donc, elle est jolie, ta meilleure amie, ou c'est un peu un tromblon, en vrai? Ah non, elle est super belle. C'est vrai? Ouais, une grande blonde. Ouais, peut-être qu'une grande blonde qui vient me voir avec une. Ah, ouais, tu vois, finalement. Ouais, une belle bouche. Ouais, peut-être. Ouais, il y a Adriana Carambeu qui arrive, qui vient m'embrasser. Ouais, je lui dis, bon, allez, mets-le sur Twitter. JM du Standard, est-ce que t'as déjà eu un rapport avec une inconnue? Ouais, ça m'est arrivé. Un vrai rapport avec une inconnue, vraiment. Moi, je me suis fait sucer par une fille qui j'avais raconté. Ah ouais, tu connaissais pas le prénom. Mon délire Facebook, j'avais donné rendez-vous à une fille pour me faire sucer par une inconnue. Attends, ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, c'est classe. C'est chic. Ah ouais, attends, non, c'est pas chic. Ah si, t'as raison. C'est chic dans le sens. Mais c'est extraordinaire. Et je préfère l'avoir fait maintenant et me dire, je l'ai fait, c'était un kiff. Et puis, c'est pas un manque de respect, il avait envie aussi. C'était son fantasme de sucer un inconnu, voilà. Bon. C'est bien ça. Mais après, une inconnue, c'est une fille que, voilà, par exemple, j'ai rencontrée en boîte et le soir même, je couche avec. Ouais. Mais après, vraiment, au moins, parler, je veux pas aller vers une fille. Non, vraiment, direct, moi, je te parle. Voilà, dans le train, je me suis fait sucer le pouce direct. Ta fille me connaissait pas, mais pour la même, je me suis fait sucer le pouce en dans les yeux. Non, mais c'est chaud, rapport, ça, c'est bon, ça. Direct, quoi. Ah non, je suis trop timide pour ça. Se bat direct, ouais. Hein. Je te jure, j'arrive pas à parler. C'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est compliqué. Je fais le beau comme ça, tu vois, mais sinon, c'est dur. Flo, des cadeaux, qu'est-ce qu'il y a? Une fille t'a sucé le pouce dans le. Moi, je l'ai raconté, ça s'appelait Anne Fleur. Anne Fleur, et c'était à Reims, et m'a attrapé la main. J'étais face à elle dans le train, c'est véridique l'histoire. Et tu la connaissais? On a parlé 20 secondes, je l'avais jamais rencontrée. Et c'est assise face à moi, plutôt mignonne, j'étais en couple depuis 5 ans. Et je l'avais raconté, elle a parlé, m'a dit, t'habites à Reims, etc. À un moment, elle m'a attrapé la main, elle s'est mise à me sucer le pouce. Elle était que moi, je la vis, enfin, je la trouve bizarre. Hein. Non, en plus, elle était assez jolie. Ouais, mais une fille qui te prend la main dans le train, qui te suce le pouce. En fait, elle puait le cul et tout, d'accord. Et je lui ai reparlé depuis, elle est mariée et tout, truc de ouf. Elle m'a rajouté sur Facebook il y a pas longtemps et elle a entendu l'émission par hasard, m'a reconnu. C'est sensuel le pouce. Non, mais attends, c'était très excitant, j'ai des grands corps. Ah ouais, pouce. En vrai, attends. Bah les doigts. Pouce, Putain, c'est bien. Amina du Standard, t'as déjà sucé l'orteil d'un contrôleur? Non. L'orteil. Le bout de chaussette, c'est. Est-ce que c'était déjà arrivé, Amina du Standard, te retrouver, j'en sais rien, avoir un rapport avec un inconnu, à part dans une gondole à Venise, comme tu l'avais raconté une fois? Oui, c'était pas vraiment un inconnu. On se connaissait un petit peu, du coup, depuis quelques heures, mais on se connaissait quand même. Oh là là. Non, mais ça va. Non, non, mais sinon, jamais. Oh la semi-Sainte-Nitouche. Ouais, mais c'est différent. Je donne un petit détail sordide. Non, mais attends. Je me lâche, Guillaume. Mais non, mais ça va, pour une fois, c'est pas non plus la mort. J'ai mis ma culotte de grand-mère. Mais n'importe quoi, faut qu'on trouve. Avec marqué Vive à Venise. N'importe quoi. En le. Mais ça va pas. T'as fait une le dans la gondole ou pas, non? Non. Ça bouge pas une gondole quand on fait l'amour dedans? Mais elle est attachée, donc ça va. Ça bascule. Moi, Guillaume. Mais pas du tout. Alors, vas-y, raconte. Non, bah voilà, c'était la seule fois, ouais, à Venise pendant le carnaval. Mais sinon, non, la plupart du temps, ça m'est déjà arrivé, oui, de faire un bisou en boîte ou quoi, je vais pas mentir, mais pas plus. Ouais, ah ouais, rien. Avec des inconnus, non. Non, jamais sucé une couille d'un mec. Non, ni sa couille, ni son genou. Non, mais ça aurait pu. Il y en a plein qui ont sucé dans une boîte. Oui, il y en a plein, c'est vrai. Tu fais des mecs, c'est vrai, mais attends. Bah, moi, j'ai une copine, elle fait que ça. C'est vrai? C'est une spécialité. Elle suce les mecs? Ouais, vraiment, ouais. Ah. Je sais pas pourquoi elle kiffe les toilettes et des boîtes. Elle est jolie? Ouais, elle est très jolie même. Et c'est un peu son fantasme. Bah ouais, mais elle kiffe. En fait, ce qu'elle fait après, c'est que juste après, elle disparaît de la boîte. En fait, elle rentre chez elle direct après, ou elle va dans une autre soirée et elle se casse. Et disparaît de la. Moi, je la piste à la fille. Mais elle suce le mec jusqu'au bout, non? Ouais, aussi. Et l'aval? Ouais, bah je crois. C'est rien, c'est déjà arrivé. Et après, elle va dans une autre boîte, sucer un autre mec. Attends, non, mais c'est vrai? Non, je te promets que c'est vrai. Et qui se ressemble, ça sent. C'est vrai, à tes copines, ils aiment bien sucer les mecs, tu vois. J'ai une copine qui fait ça, mais pas toutes. C'est fou, mais vous sortez à deux en boîte ou sortez à plus? Ça dépend, parfois plusieurs. J'ai des copines hyper différentes. Putain, c'est marrant. Putain, mais t'as que des copines un peu catins. Est-ce que jamais tu racontes une histoire, c'est sordide. Il y en a qui sont un peu chaudes. Ouais, juste t'échire, déjà sucer un mec en boîte. Oh, je pose l'équité entre les sexes. Ouais, enfin bon, c'est pas pareil. Je vais poser la question à Minaza, je te pose la question. Ah, mais je suis pas le seul garçon dans l'équipe. Voilà, pas de sexisme ici. Non, mais je suis d'accord, mais bon. Donc, est-ce que t'as pépon un mec en boîte? Je n'ai pépon personne. En boîte ou. En boîte branlée, mais pas je la connaissais. Mais le record que j'ai fait, c'est genre, on a fait des préliminaires avec une fille, je lui ai mis des doigts, tout ça, on était un peu calé vers les toilettes, et là il y a sa pote qui vient la chercher. pour dire de partir. J'ai pas compris. Ah oui, oui, d'accord. C'est t'allais tout. La chauffer. C'est mon truc que je la connaissais pas. J'ai déjà fait sucer en boîte. Je réfléchis, Guillaume, et je crois que ça m'est arrivé enfin, à côté de la boîte, quoi. C'était. Oh, c'était bien un peu à l'écart. C'était où dans la pinède. Non, c'était en Espagne. C'était payant hein. Non, mais non, je paye pas, j'ai jamais et payé. Alors et c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. C'est après, bien. Ouais, j'ai souvent, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand la fille est vraiment chaude, bah, de faire les préliminaires avec elle. Genre, tu lui cales des doigts dans la boîte, quoi. T'as les doigts sales. Les doigts, ils sentent le gibet, c'est ça, quoi. Elle va voir si elle te chope. Avec tes mains pleines de wings là. Ah, c'est quoi de wings. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché. Mais vous êtes là, elle se rentre les wings de KFC. La bucket de l'équipe de France. Non, non. Ils font la pub. N'importe quoi. Elle fait sa pub à elle. À part de clients courts. Ah, ouais, qui fait ça? Il y a une énorme KFC là-bas. Oui, d'accord, c'est pas une raison de se mettre là. Attends, j'ai le standard, donc toi, t'as essayé les doigts, c'est vrai? Ouais, mais souvent, franchement. Ça, c'est tellement crado les doigts. Le doigt, qu'est-ce que tu veux faire? Quand la fille est chaude, si toi, t'es un peu chaud aussi, ben voilà. Tu vas chez toi comme tout le monde. Non, non, mais il n'attend pas. Ouais, c'est pas grave, si elle est pressée, si voilà. Désolé, pas le temps. Ah, oui, plein de fois. Et alors, et donc, t'as jamais niqué en boîte, non? Je crois pas, ouais, non. Ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être un peu plus compliqué. Ouais bah oui là c'est compliqué. Bah, c'est plein, par contre quand tu veux lui mettre des doigts ça va c'est simple tu vois tu te mets tu te tournes face à un mur et c'est parti quoi. Ouais ouais. Ça mitraille quoi. Salut Guillaume, elle est stylée ta photo de profil, moi je suis black, si j'avais été blanc j'aurais fait la même coupe de cheveux que toi sans racisme. Mais pourquoi vous dites toujours je suis pas raciste, ça a rien à voir les mecs. Et attends avec plaisir hein, tu peux venir faire la même coupe de cheveux que moi, c'est pas du racisme mec. Moi aussi je voudrais la même coupe que toi. J'arrive pas. Moi aussi je veux la même coupe que toi mais j'arrive pas, c'est pas grave. Et non après tu sais, moi j'ai les potes sans Renoir qui se défrisent les cheveux. Avec, comment ça s'appelle? Il y a un produit. C'est une sorte de. Bah, par exemple, Pokora, il fait ça, je pense. C'est, avant, il est pas avait, Renoir. Bah, avant, il avait les cheveux un peu à la Justin Timberlake, regardez bien. Ah non, mais je crois qu'il a fait un lissage brésilien, Pokora. Un lissage brésilien, bien pense, sûr. Ouais. Ah ouais, il a des cheveux un peu. Ouais, ça, j'ai déjà fait une sorte de lissage brésilien, c'est une sorte de produit. Comme quand tu te décolores les cheveux, il te laisse pendant une heure et après tes cheveux lissent. Moi, c'est ce qu'il me fait de temps en temps. Ça dépend. Ça avant, j'avais les cheveux beaucoup plus frisés, quoi. Et, ouais. Et il fait ça. Et par exemple, Justin Timberlake, à l'époque, il avait des spaghettis dans les cheveux, des nouilles chinoises. Ouais. Et les cheveux vraiment très frisés. Et maintenant, il a les cheveux super raides. Ouais. C'est de la kératine. Et c'est parce qu'il a. C'est quoi, Mina Sandra? C'est de la kératine qu'il y a dans les lissages brésiliens. Je fais de la chimie, Guy. Ouais, mais il y a ça aussi dans mon lisseur à cheveux. Ah oui. Il y a un soin à la kératine. Oh, bah t'as un lisseur. C'est des mythos. Ah bah bien sûr, ouais, bien sûr. Parce que moi je peux me coiffer, je sais, excuse-moi. Putain, le jour où je m'achète un lisseur, moi. De moi. Ah, c'est un rêve, je crois. Non, mais attends. C'est non, mon mais, rêve, j'ai un lisseur. Non, mais c'est vrai que c'est un peu féminin. Mais il y a beaucoup de mecs en fait. Mais je peux m'en servir en vrai. Tous les mecs en vrai, personne ne l'assume, mais tous les mecs sont spéciaux. Bien sûr. Je le dirais aussi. Non, Flo des cadeaux, lui, je coffre. Non, c'est autre chose. C'est un autre cas à part. Laissez-moi tranquille. Salut Guillaume, allez, c'est ta photo. Bah, c'est gentil en tout cas, mon pote. Hein. Merci à toi, j'ai pas ton prénom, mais je t'embrasse. On est 1 million 9, hein, ça y est, sur la page Facebook. Ça y est, ouais. Venez la liker, comme ça on arrive à 2 millions. Dès qu'il y a 2 millions, j'ai une énorme surprise qu'on va mettre sur Énergie. Peut-être un nouveau court-métrage, peut-être autre chose qu'il y en a qui me proposent. Ouais. Peut-être un film. Voilà, peut-être un, une. Un vrai lion, du coup. Peut-être une annonce d'un long métrage, peut-être une annonce d'un court-métrage, peut-être une annonce un concert, que Flo des cadeaux va se coiffer. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Salut Guillaume, moi j'ai réussi à me mettre entièrement la main dans mon cul. Salut François de Bobigny. Ah, c'est un fist. L'auto-fisting. Bah, c'est peut-être vrai. Hein. Salut Amina. Oui, c'est sûr. C'est elle le trou noir dans la série où quand il passe à travers, ils disparaissent. Non, c'est sa meuf, le trou noir. Oh, Amina du Sandal. Non, je n'accepte pas ça, Amina du Sandal. Ah bon, on accepte qu'on m'insulte en plus. Non, c'est pas de l'insulte. Il t'a vu, l'avait vu dans une série américaine. J'ai vu ça aussi dans la mini-série. Amina, il va falloir que nous allions au restaurant tous les deux dès que je viens sur Paris. Julien qui dit ça par SMS. Ça, c'est sympa. J'ai eu un choc frontal avec une voiture en scooter. Fracture ouverte du fémur. Ah forcément, t'es traumatisme perdant, crânien, il perd de connaissance, mais j'ai quand même pu prévenir tout le monde alors que je me souviens pas. Salut Ramon. Ouais, c'est ouf. Salut Ramon. Moi, en camp de vacances, je me suis fourré une flûte. Salut. Ah non, c'est pas un American Pie ça. Ah oui. Ouais, il a marqué après American Pie. Stage d'été, ouais. Salut Guillaume, merci pour ce soir. J'ai les résultats de partiel demain, ils vont me redonner le sourire. Salut Eugénie. Gros bisous Eugénie. Salut. Bisous, bisous. On se racontait tout ça, mais alors, est-ce que vous avez déjà eu des rapports avec une inconnue ou un inconnu? Guillaume et votre message au 612. Où est-ce que les filles, ça vous est arrivé d'un coup de je sais pas, de coucher avec un homme, de sucer un mec que vous connaissez pas juste pour le délire, inconnu. De sucer à deux copines, ah un mec en boîte, oh ou quoi, j'en sais pas pour le délire. Ah ouais. Vous étiez en Espagne en vacances, vous avez 18 ans, vous avez dit tiens, je vais sucer avec ma copine, un beau français. Mec. Ouais. Avec Amina, au bout de 5 minutes, t'es un ami. Avec ses copines, elle te respecte. La bite, j'ai pas compris non plus. Ouais. Sur quel site il faut aller pour écouter Extra Lens? Mais toi, tu me poses plus sur la question. À la même heure. Oh gros, oh, c'est. On te dira demain. Sur l'appli Énergie. Ouais. Un mec est déjà venu près de moi. Il m'a montré 250 euros pour me sucer. Oh là là. J'ai dit oui et ça suce mieux qu'une femme. Salut, un routier fidèle. Ah, t'as essayé? T'as, t'as accepté. Eh, c'est dingue. Hein. 250 t'as euros. T'as accepté de te faire. J'ai un stagiaire, il y a un mec qui vient. Ah non. Il te dit hey, je te suce dans les toilettes pour 250 euros. Ah non. Tu vas ou pas? Non, c'est pas assez. Non, c'est vrai. Non, je déconne. Non, non, non. C'est... Non, non. 250 euros, j'avais de la vie. Non, 10 000 euros, 20 000. Non, 100... non. 100... Attends, attends, attends. Non. 100 000 euros. C'est-à-dire allez. Qu'on peut, on peut 100 te. Euros. 100 000 euros, tu me mets. Ouais. Ouais. Nous a, franchement, on donne ouais. 20 000 euros en cash. Un mec un peu beau gosse. Ça marche, c'est 250, tu sais, 20 000. Genre un Baptiste Biconi, un beau gosse. Je veux que toi. Attends, oh. il te donne 10 000 euros. Ouais. Ryan Gosling. T'as rien à faire, tu t'achètes une moto demain ou une voiture et tout. Il te dit, ouais, je te suce 10 minutes. Il va dire oui. Les yeux. Attends, franchement, en cash, en billet de 500. En billet de 500, franchement. Billet de 500. Ouais. Ouais, je vais être là, moi, sérieux. Je paye 500 euros pour la place. En billet de 500. Me laissez. Franchement. Ah, je sais pas, franchement, je sais pas. Faut qu'il mette la capote déjà, c'est sûr. Oh. Ah donc il entend. Et après bien, oui. Attends, j'ai pas dit non, j'ai pas dit. Ah, c'est ouvert, maintenant tu m'abandonnes. C'est truc, c'est marrant. Mais c'est pas assez, c'est pas assez. Ah. Un peu plus quand même. 25 000, 50 000. 12 000 il lâche. Non, non, non. Flo des non, cadeaux. Non. Franchement, en vrai, le mec il te met des billets de 100, il te les déroule comme s'il dit allez, je te suis 30 secondes, une minute. Ah. Et je te laisse 10 000 euros en cash dans une valise. Bah oui, s'il veut. C'est vrai, ouais. Bah même gratos, non. Ferme les yeux pendant. Dis-moi de salaire. Mais tu sens là. Il a dit qu'il ferme les yeux, mais tu sens que c'est un homme. Oui, mais pendant une minute, je ferme les yeux, je prends sur moi, je prends 10 000 euros. Ouais, c'est clair. Ouais, mais ah ouais, ouais, je suis d'accord. Non, mais t'as raison. Standard. Ouais. Franchement, une nana qui te dit je te fais un cuni, je te fais 5 000 boules. Franchement, pourquoi c'est moins cher pour moi déjà? Bah, parce que tu vois moins. Non, mais je rigole, j'en sais rien. Non, mais c'est moins dérangeant une vie avec une fille. Oui. Non, franchement. Pour la plupart des nanas, non? Non. Pour 5 000 euros, un petit cuni vite fait, non? Non, mais je suis totalement contre ces trucs-là. Donc non. Ouais, 10 000 euros. Non, mais je suis contre le fait de payer quelqu'un. 5 000, je suis contre, 10 000, je suis pour. Un mec, une meuf, qui tu veux, c'est pareil, on paye pas pour du sexe. Enfin, pas moi en tout cas. T'as besoin de combien, JM, mort derrière? Ah bah, dis ton prix. Sur un parking d'autoroute, c'était extra. Salut le routier fidèle. Ah, putain, bah, Guillaume, je kiffe ton émission. Salut les gars, j'ai eu un trou noir au travail. Eric, je me suis réveillé chez les pompiers. Salut mon Eric. Bisous. Amina, pour un bichoco, et salut d'un vieux. Alors, Alice de Strasbourg, est-ce que vous avez déjà eu des rapports avec un inconnu? Guillaume, et votre message aussi, 612. On se fait Imani, la Don't Miss a Shy. James Bay qui arrivera juste après aussi. Mike Posner, I took a pill in Ibiza. On se fait tout ça sur énergie. Guillaume et votre message aussi, son dossier, venir délire avec nous. Venez nous raconter un rapport avec un inconnu. Je compte sur vous. C'est vous qui apportez la couille à l'édifice, les mecs, et après on se fait le jeu des hôtels. Ok. Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my stead, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. So shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. au jeudi, c'est Guillaume Radio 2.0. De 22h à 1h sur Énergie. À l'antenne sur Énergie, on est là. Amina, je suis volontaire pour te faire un cuni jusqu'à ce que tu atteignes l'orgasme au plaisir. Marco de 35. Bisous. En boîte, une meuf m'a sucé, puis deux de ses potes se sont ramenés. On a fait un plan à 4. Ouais, genre. Ah, sérieux là ? Impossible. J'ai essayé de équiper les mecs pour le sucer. Non, pas du tout. J'ai eu un accident de quad, trou noir, plus traumatisé, plus traumatisme crânien. Baptiste du 14 des transports Transcal. Salut à Francky des transports Malherbe. Salut les gars. Salut. Bisous. Avec le directeur martiniquais des animations d'un hôtel de vacances en Espagne. Salut man. Salut. J'ai roulé dans la nuit avec ma voiture. J'ai croisé une inconnue qui m'a demandé du feu. Elle est montée, on a baisé. Putain, ça, c'est pas ouf. T'as de la chance. Hein. À chaque fois, un mec me baise, je ne le connais pas, je suis pas déçu, Eric de Menton. Genre, Amina et tout ce qu'elle fait gratis, elle dirait non à 5000 boules. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Amina, elle se fait lécher l'oignon par deux sesterces et un couscous merguez sur ce morito. Salut Mike. Ouais, salut. Deux sesterces, c'est le truc d'Astérix. L'Astérix, ouais. J'ai sodomisé, passe pas inquiet. Salut Patrick de Marseille, salut Man. Salut. Mon plus gros fantasme en France serait de faire l'amour avec Clara, demande à l'équipe quel est leur plus grand fantasme. Avec Clara qui? Clara Morgan. Ouais. Moi j'ai baisé de la mère de la meuf que je draguais au Pacha en Espagne. Wow. C'est une Colombienne, appelle-moi. Ah ouais, ouais, c'est bien ça. Je fais souvent des plans cul avec des inconnus. Je vais sur Grindr ou Hornet. Je chope un mec mignon, on se voit, on boit un verre, puis on couche ensemble. Salut l'anonymous. Salut, ouais. Ça, c'est les gays, hein, Grindr, ouais, Grindr et Hornet. Ouais. Hornet. Hornet, c'est comme la moto Hornet. Je connaissais pas le. Ouais, pareil. Tu connais déjà l'application Hornet? Non, non, pourquoi? Ah ouais. Non, non, je suis oui, non, non, t'inquiète pas, non, non. J'ai eu des rapports avec un inconnu. Salut, on va t'appeler. Avec un inconnu, passe-partout. Ok, t'as compris. Allez, les bleus, Dylan de Strasbourg. Salut. Alors, attends, il y avait Julien, et puis après, on fait le jeu des hôtels. Tu m'entends, Julien? Je sais pas si là. Tu m'entends, Julien? Allô? Ça va ou quoi, Julien? Salut, mec. Ça va, ça va. Enchanté, hein. Julien, qui appelle de, qui appelle d'où, Julien? De à côté de Metz. D'accord, ok, bon, enchanté. Salut. T'as 29 ans, toi, c'est ça, Julien? C'est ça. Qu'est-ce que tu viens raconter, pote? Eh ben, ouais, moi, je me suis fait chauffer au boulot par une nana. Ouais. En fait, je suis chef de cuisine et dans le restaurant où je travaillais avant, on était en cuisine ouverte, donc ouais, complètement ouverte sur la salle. Ouais. Et en venant payer, il y a une nénette qui est venue et qui a discuté avec moi, machin. Et puis voilà, elle m'a dit, bah écoute, dès que t'as fini le service, elle m'a dit, je suis garé un peu plus loin. Elle m'a dit, si ça t'intéresse, on y va et puis on se fait un petit plan dans la voiture. C'est comme ça. Ah, beau gosse, bien. Ouais, voilà, comme ça. C'était la première fois que ça m'est arrivé. J'espère que ce sera pas la dernière parce que ma foi, c'était assez sympa quand même. Mais ouais, voilà, c'était une petite soirée au resto. C'était deux trois nanas qui étaient venues pour faire un anniversaire. Et puis voilà quoi, du coup elle était un peu, elle avait envie quoi. Ouais, du coup elle était un peu éméchée et tout. Et puis voilà, c'était fini dans sa voiture, à côté du parc, enfin à côté du restaurant sur le parking. Ouais, c'était sympa quoi. Putain, c'est quand même génial hein, le sexe comme ça. Ah ouais. Ah là là. Ça fait rêver, ah là là. Ah ouais. Les deux ils ont rêvé en même temps. Ils ont fait un. Ouais. Ah, ça te tombe dessus. Moi je bave là. C'est quand même fantastique. Ouais. Putain, non mais c'est vrai que c'est un gros kiff. Hein. Pour les chiens, Amina, c'est elle qui te donne 5000 boules, mordin. Je me suis fait sucer en boîte par une blonde mature et depuis on baise de temps en temps. Je connais toujours pas son prénom, j'ai juste son numéro de téléphone. C'est un manque de respect. Ah, moi ça m'est déjà arrivé. Tu la revois. Non, volontairement de pas connaître le prénom d'une meuf et tout, ça m'est déjà arrivé. C'est encore plus excitant. Tu sais pas comment elle s'appelle. Tu l'appelles comment? Tu baises avec et bah tu l'appelles quoi. Tu dis, tiens, c'est. Ouais. C'est trop excitant. Ah, j'adore. Attends, ou alors moi ce qui m'excite le plus, c'est de vous voir quelqu'un que je nique. Quand je vous vois une fille, ça m'excite. Ça fait un peu ouais. Et ça fait un peu 50 millions de relation. Non, au contraire. Ah, y a un côté soumission, non? Ah non, un côté dominateur ouais, aussi. Pas hein. Pour elle du coup. Vous allez vous mettre à quatre pattes, etc. Ah non, tu rigoles. C'est dans les deux. Ah ouais. Ça doit être bon. Ah ouais, c'est dans les deux. J'ai fait un trou noir les deux premières minutes, cinq premières minutes après une crise d'épilepsie. Là, on va t'appeler là. J'ai peut-être une histoire à raconter à propos d'une inconnue avec qui j'ai couché. Bah voilà, Guillaume, et votre message aussi 612. On va se faire le jeu des hôtels. On va appeler un hôtel. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ah ouais. Le jeu le mercredi. C'est très simple. On fait le jeu du replay. Je vais appeler un hôtel. Je vais répéter tout ce qu'il dit plus ce que j'ai à dire. Par exemple, j'appelle, ça sonne, là, il y a l'hôtel qui répond. Hôtel Ibis, bonjour. Hôtel Ibis, bonjour. Bonsoir, monsieur, j'ai réservé une chambre d'hôtel. Oui, pour quand, monsieur? Oui, pour quand, monsieur? Ça serait pour demain, ça, s'il vous plaît. C'est une blague, là, monsieur. Voilà, on va mettre l'un d'entre vous pour faire le jeu des hôtels maintenant. Et juste Romain qui est là, qui vient d'appeler aussi du 35. Salut, Romain. Breton. Salut. Ça va, le Breton? Salut. Vous allez bien? On vient à Rennes la semaine prochaine, vendredi pro. Ouais. C'est qui, papa? Est-ce que tu seras loin de Rennes, toi, Romain? Non, je suis pas loin de Rennes. Non. Ah bon, on peut peut-être se rencontrer vendredi prochain, on vient exprès. Hein. Ouais, ce sera une bise. À la Fnac. À la Fnac de Rennes, de 16h à 19h. Donc, même si vous avez le bac avant, on reste jusqu'à 20h, pardon. Ouais. 16h, 20h à la Fnac de Rennes. Si tu m'invites, il n'y a pas de soucis. Eh bah, si j'invite tout le monde, c'est gratuit. Hein. Les gars, vous venez tous. Il n'y a pas besoin de bracelet. Bah ouais, vous venez tous et on se rencontre dans la Fnac, on rigole, on se tape dans la main, on se fait des photos. Voilà, c'est marrant de connaître un peu ceux qui écoutent l'émission. C'est des câlins. Et avec grand plaisir, Poto. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, raconte un peu l'histoire, Romain. Bah alors, moi, c'est le message que je t'ai envoyé. En fait, j'ai fait un petit road trip en Espagne avec des potes. Et j'ai été un soir au Pacha. Et bah, j'étais un petit peu éméché, tout ça, tout bordel. Et je parlais à une meuf. Et je crois que c'était sa pote qui venait avec elle. Et en fait, c'était sa mère. Et elle avait 16 ans. Du coup, j'ai commencé à parler avec la mère, avec Google Traduction, tu vois, en mode colombien. C'est la base. Ah, c'est bien ça. Hey, Google, sur le portable. Ça aide trop. Ouais, voilà. Il y a des applis et tout encore. De quoi? Pour traduire. Ouais, pour traduire. Tu dis un truc et ça parle. Exact. Ouais. Non, mais ça, voilà, c'est énorme. Ça, putain, il n'y aura plus de problème de langue bientôt. Ah, ouais, bah, du coup, ah là là, maintenant tu dis. Attends, mais ça marche vraiment bien. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Attends, tu n'en as pas une, Jim Sandar? Non, j'en avais une à une époque. Attends, voilà, parler et traduire. J'en ai une, moi. Attends, d'accord, je comprends. Voilà, attendez, je vais vous le faire en direct. Autoriser, parler gratuitement, accéder à vos données de localisation. Oui, si tu veux. Ouais, t'en fous. Parler, traduiser. Voilà, c'est en train de s'ouvrir. Alors, français, anglais, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que ça peut accéder au micro? Attends, bonjour. T'as comment ça? Attends, comment ça marche? Il te parle pas là? Il répond pas? Hello, micro. Ah, parce que j'ai dit le micro, bonjour. J'aimerais te faire l'amour ce soir. I would like to make you love tonight. Oh, oh là là, ne me laissez pas seul parce que je suis trop grand berger. Tôt ou tard les loups se feront manger par le berger. Ah, c'est trop bien. Amina du Standard est vraiment très bizarre physiquement. Amina's standard is really very weird physically. Oh, remarquez, JM du Standard, ma réactivité entre le moment où tu parles de l'idée et je l'ai déjà sur un tab réinstallé. Ah, c'est okay, est-ce que tu as remarqué un petit peu la rapidité? Bah, je pense... Attends, je le mets en allemand. Attendez. Quoi, l'application? Ah, c'est génial, putain. C'est quoi l'application? C'est une application. C'est une application. Attends, regarde. En allemand. Bonjour, je m'appelle Guillaume et je ne parle malheureusement pas allemand. Hallo, mein Name ist Guillaume und leider spreche ich kein Deutsch. Ah, je comprends pas, moi. Bah, c'est ça. L'accent et tout, putain, stylé. Oh là là, tu parles allemand un peu, j'essaie. Ça veut dire oui, elle a raison. Attends, regarde, par exemple, j'ai 30 ans et ce week-end, je vais à la mer. Ich bin 30 Jahre alt und dieses Wochenende werde ich zum Meer. C'est ça? C'est ça, mer, ouais. Putain, franchement, c'est pas mal. Y'a quoi comme autre langue? Bah, chinois. Attends, j'ai tout. Attends, en arabe, attends, je peux parler en arabe. Y'a arménien ou pas? Attends, ouais, je vais tout faire. Attends, je vais essayer. Je parle arménien. Attends, en arabe. Bonjour les copains au Maghreb et bon ramadan à vous. Marhaban bikoum rafaqan fil Maghreb al arabi wa ramadan jayyid alika. Bon, je sais pas si c'est là qui parle arabe et qui comprend, mais dites-moi d'ailleurs. Est-ce que ça a marché? Ouais, dites-nous. Ah ouais, dis-nous, ceux qui parlent rebeu, là. Attends, en catalan. Putain, c'est génial. Elle fait après en. Franchement, c'est pas énorme. C'est pas les dialectes africains. Attends. Ah bah si, y a tout. Y a les chinois. Attends. Oh voilà. Attends, et les catalans, les poteaux catalans. Catalogne. Bonjour les gars, j'ai habité 10 ans à Perpignan et j'embrasse toute la Catalogne espagnole. Hola, nois. Vaig viure 10 anys a Perpinyà, vaig abraçar qualsevol espanyol a Catalunya. Il a bouffé les mots là. Mais moi, je suis choqué. Non mais les gars, c'est pas un truc de ouf. Comment il fait pour reconnaître tes mots pour les traduire? Vous voulez qu'on parle chinois? Attends, je vais parler chinois. Attends, chinois. Attends. C'est génial. Je fais un bisou à tous ceux qui parlent chinois et mandarin sur Terre. Oh là là, mais attends, y'a un jeu avec ça. Y'a pas de faute, hein. Mais c'est. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Attends, en hébreu. Ah ouais, en italien. Attends, j'essaye tout. Attends, français. Je l'ai fait dans l'ordre, hein. En hébreu, ensuite. Attends, coréen, croate, danois, espagnol. En français, ensuite en espagnol, ensuite en hébreu. Français, on peut tous les faire. Attends, français. Ouais, au cas où, imagine. Attends. Ah ouais, c'est marrant ça. Attends, français. J'ai une appli qui traduit pour si vous rencontrez une meuf en boîte ou quoi. Bonjour, je parle français et je me traduis en français. Bonjour, je parle français et je me traduis en français. Oh là là, et c'est rapide en plus. Non mais c'est, franchement, la meuf, c'est une boucherie, les mecs. C'est la meuf qui maintenant parle, je pourrais draguer. Attends, en hébreu. En hébreu. Salut à tout le monde, tous ceux qui parlent hébreu, je vous embrasse. Shalom lecholama patent mechabek. Non mais c'est ouf, putain. C'est-à-dire que tu peux parler toutes les langues sur Terre. Y a pas l'arménien, j'ai mis sur je suis désolé. Merde. Ah, le russe, attends. Ah putain, c'est génial, putain, c'est la meilleure. Un message pour Poutine. Eh, ça fait longtemps, Attends, c'est parti. Non merci. Ah non, putain, faut payer. Pourquoi ? Ah, ça y est, c'est devenu payant. T'as cramé les trucs. Ah ouais, en fait, on a 3, 10 gratuits, après c'est payant. Ah, merde. Ah, c'est trop naze. Bon, c'est 10 euros là, l'application. Mais ça va. Putain, elle va chez... Mais si tu pars en vacances. Ah, moi je le prends. Mais je le prends direct. Même 10 euros, tu te sauves. Non, mais c'est sûr. Non, mais attends, mais c'est vrai que tu te retrouves dans un pays et tu dis attends, t'es quoi toi, Danemark, mais... Et hop, tu prends le truc en danois. Bon, t'as pas le wifi. Je suis content de te parler. Bah ouais, mais tu mets le 3G à un restaurant. Enfin, tu mets le wifi à un restaurant. Bah oui. Après, la conversation n'est pas hyper fluide. Hein. T'imagines Mais c'est pas grave. Mais attends. Ça te dépanne. Eh, franchement, ça révolutionne le monde, ça. Franchement, ça dépanne et tout. Eh bah, franchement, et toi qui a niqué une colombienne. Ouais, attends, franchement. Non, mais à l'époque. C'est génial, on est d'accord que c'est quand même ouf, non? Ah, j'ai envie de le prendre. C'est bon, ça y est, je l'ai payé là. Après, c'est pour draguer avec la voix robotique, ça ne fait pas trop. Ah oui, non, c'est clair. Ouais, c'est pas grave, c'est rigolo, c'est original. Attends, c'est génial. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché. Excellent, Narab, merci pour ton programme, c'est un plaisir. Salut, Rimka Zema. Salut, Rimka. Salut, Rimka. Salut, les gars. Attends, c'est téléchargé. Attends, on en fait une dernière, et puis après, je sais pas à Mickey qui est après nous. Attends, juste en 2 secondes. Ok, commencez à parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? On avait dit qu'on allait faire quoi là? Italien, si tu veux. Ah oui, russe, pardon. Russe. Attends, d'abord les copains russes. Alors, si vous êtes d'origine russe, vous allez me traduire, hein, vous allez me dire si ça marche. Vous n'allez pas traduire, vous allez juste me dire si ça fonctionne. Attention, c'est parti en russe. Attends, hop, traduisez. Salut les. Attends, merde, j'ai merdé là. J'ai merdé. Attends, j'enlève. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vu que je viens de l'acheter, ça me renvoie toutes les notifications. Salut à tous ceux qui parlent russe. J'embrasse tous les potos qui parlent russe et je vous embrasse bien fort. Привет всем, кто владеет русским, я охватывает все iPod, который владеет русским. C'est long. Ah, parce que j'ai fait une longue phrase. Et franchement, c'est dingue. Je pense qu'elle dit traduire poteau, par contre, comme un poteau. Attendez, et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ah, on n'a pas fait les portugais. Italiens aussi, les italiens. Ah, les portugais. Attends, et les copains portugais, là. Tiens, dites-moi s'il y en a qui parlent bien portugais, est-ce que ça marche ou pas, là? Salut, je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, j'habite en France et le week-end prochain, je vais au Portugal. Oi, meu nome é Guilherme, tenho 30 anos e que moro na França. Na semana que vem, eu vou a Portugal. Ah, c'est ça, l'accent. C'est génial, putain. Bah voilà, et bah ça existe maintenant. Roumain, russe, tchèque, thaïlandais, roumain, ukrainien, vietnamien. Pour le match. Ah ouais, roumain, en ukrainien, vietnamien et tout. Alors il n'y a pas arménien, j'ai mis ça. Ah, je suis dégoûté, Guillaume. Il y a arabe, anglais, anglais, Canada, etc. Mais je pense que tu peux peut-être acheter d'autres langues. Ouais, l'option arménien. À mon avis, d'ailleurs, d'autres options, etc. Et franchement, c'est extraordinaire. Tu parles une langue ou pas, Flo des cadeaux? Bah, parle anglais, non. Non, Amina du Standard. Ouais, anglais, c'est tout. Anglais, j'ai un stagiaire. Bah, allemand et un peu anglais. JM Standard, bah, arménien. Anglais, arménien, quoi. Mais Ah là là, bah, je suis désolé, il n'y a pas arménien. Ah, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Ouais. Italien, t'as pas fait. L'italien, t'as raison, j'ai pas fait l'italien. Et j'ai pas fait l'italien parce que. Il n'y a pas. Parce qu'il y a. Attends. Ah. J'adore l'Italie. L'été prochain, j'espère pouvoir aller visiter le sud de l'Italie. Je vous aime. I love you. Je vous aime, les Italiens. Je vais merder un peu la fin. Amo l'Italia l'estate prossima. Spero di visitare sud Italia. Ti amo italiani. Ti amo. Elle a compris quand t'as dit I love you aussi. Non, mais c'est un truc de. Putain. C'est ouf. Attends. Attends, on va voir. Et dites-moi, les Italiens, est-ce que c'est la vraie traduction? Oui, c'est ça. Je te trouve bonne et j'ai envie de faire l'amour avec toi. Ti trovo bene e voglio fare l'amore con te. Oh là là! J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Attends, c'est énorme. Attends, Mickaël, est-ce que tu m'entends, Mickaël? Attends, ça va, Mickaël? Ça va et toi? Est-ce que, toi tu parles portugais ou pas? Je me débrouille, mais. Il n'y a pas une langue que vous parlez dans l'équipe? L'anglais. Ouais, un peu comme tout le monde. Le français? Hein, ouais, c'est ça. Et français, oui, accessoirement. Ouais. Par contre, en portugais, oui, alors c'était juste, mais la manière dont elle le disait, t'as l'impression qu'elle allait crever, la pauvre. Elle avait l'accent du Nord, non? C'est vrai que c'était pas la meilleure langue. Non, mais c'est pas la meilleure voix. En fait, ils ont dû prendre. C'est une application ou c'est un site? Ouais, c'est une application. Mais il y a des sites en fait, c'est de traduction. C'est Google Translate en fait. Et ça marche hyper bien quoi. Attends, je vais refaire un truc. Et Google, ils font payer ces chiens? En portugais, ouais. Attends. Je vais te parler en portugais. Vas-y. Salut Mickaël, je te laisse l'antenne sur énergie à partir de 1h. Oi Michael, vou deixar a antena na NRJ de 1h. Elle a fait l'erreur, est-ce qu'il est 1h07 Attends. Salut Mickaël, je suis un petit peu en retard tous les jours. On va voir si ça traduit en... Oi Michael, eu sou um pouco mais tarde todos os dias. Oh là là, c'est énorme, putain, franchement oui, pour l'arabe ça a marché, Momo 34-30, tu déchires. Eh ben gros bisous, et bonne nuit chez vous, dormez bien, et à demain l'équipe de Mickaël, bon, 22h. Salut. Allez, bonne nuit les gars. Ciao. Et bienvenue tout le monde, 1h07, on est en direct sur Énergie chez 4h. C'est parti. Les grandes vacances arrivent. Le soleil, la plage, les voyages. Certains font des régimes pour être beaux sur les plages. D'autres commencent à faire du sport. Mais c'est trop tard. On se demande où partir. Avec qui? Comment? On n'a pas d'argent. On va faire comment? Les vacances arrivent. On va pouvoir se reposer. Ne rien faire, manger, dormir. Les vacances arrivent. Les cours sont terminés. Les examens bientôt oubliés. On va pouvoir profiter de la vie. Les vacances arrivent. Se lever tard, ne pas travailler, ne pas se coucher. Tom va pouvoir montrer son corps d'athlète. Les vacances arrivent. Quel bonheur. Mais en attendant... Toutes les nuits de 1h à 4h, Mickaël est sur Énergie. En live. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L. Officiel. Eh ben oui, on est là. Bonne nuit tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tiens, il y a un message... Attends, il y a Mickaël qui dit c'est gratuit Google Traduction. Bah oui, il me semblait aussi. Hein. Comme apparemment, là, c'était les 10 premiers qui étaient gratuits. Après, il fallait payer, je sais pas quoi. C'est l'appli en fait. Ah, c'est l'appli payante? Ouais, l'appli est payante. Ah, d'accord, ok. Mais c'est pas Google, hein, c'est une appli spéciale qu'il a utilisée. Ah ouais? Bah, ouais. C'est Guillaume qui a dit Google. Bah, il est plus là, tant pis. Bon, si vous connaissez le nom de l'appli, c'est peut-être bien, parce que comme Toff fait le tour des. Tu sais, bon, il a un peu de mal avec les langues étrangères. Le tour des putes. Non, mais il adore aller voir les putes, donc pour savoir le tarif, effectivement, c'est vrai que c'est plus sympa. Bah, c'est toujours mieux de savoir, tu sais. Ce à quoi tu t'engages. Et tu vas en Thaïlande, tu mets ton appli. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est pour ça qu'à l'époque où ils avaient du mal pour les langues, ils faisaient des dessins. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que c'est plus pratique, la note. Bon, ouais, bref, du coup, l'appli a l'air plutôt sympa. Bon, tu me diras si elle fait tout pour 10 balles, ça va. T'es pas volé non plus, tu vois. Non, elle est bien, ça va. Il y a un moment, faut bien la payer aussi. Si tu voyages, en plus, c'est vachement intéressant. Mais ça t'évite d'apprendre des langues. Je sais pas si c'est celle-là, mais il y a une nouvelle appli. Mais là, en fait, tu vas n'importe où, il y a une affiche, tu prends l'affiche en photo et ça te la traduit. Oui, effectivement, ouais. Mais je crois que c'est aussi un truc de Google, je crois. Enfin bref. Aurore de Carcassonne, qu'on a eu hier au téléphone d'ailleurs, qui dit salut les copains, je suis à votre écoute pour passer une nuit de folie. Bon, bah c'est gentil à toi, Aurore. Timothée qui dit c'est parti chez 4h avec Mickaël, salut à vous. Si je parle un peu bizarrement, c'est parce qu'en fait, je me suis mordu la langue comme d'habitude, et donc j'ai la langue blessée, ça fait mal. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous dites pas, tiens, c'est bizarre, il parle bizarrement, c'est normal. Et Victo qui dit content de vous retrouver, les mecs, j'ai eu mes résultats, j'ai été accepté en prépa maths sup, je suis hyper content. Eh bah écoute, félicitations, hein. Toff a fait maths sup. Non, il a fait maths fort, ce qui n'est pas la même chose. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est une prépa quoi, c'est pas un. Enfin, c'est avant le bac quoi. C'est ouais, pas... c'est avant le bac qu'il a fait. Non, mais non. Ils nous vendent du rêve et à chaque fois. Mais bien sûr, à chaque fois on se fait enfler, évidemment. Bon, qu'est-ce que j'allais dire du coup? Ah oui, putain, je savais que j'avais mal au bide là, ça fait 3 semaines que j'avais mal au bide, je devais aller chez le médecin. Ouais. Finalement, j'ai un parasite. J'ai un parasite qui me donne mal au bide. Il est là, c'est toi. Ah bah oui, bah ça donc, va. Alors tout s'explique. Voilà, c'est ça. Donc c'est un parasite et donc c'est un parasite européen. C'est le seul qui est d'ailleurs. Évidemment, j'ai chopé. Et voilà, du coup, rien de grave. Pour ceux qui ont mal au bide, allez voir hein, parce que c'est vrai que c'est comme le médecin dit. Oui, on peut vivre avec. C'est un peu chiant, c'est le cas de le dire. Mais voilà, donc voilà, un petit parasite. T'as jamais eu ça, toi? Non, jamais, moi j'ai jamais eu de trucs bizarres dans le bide. Qu'est-ce qu'il déteste? Je déteste quand les médecins disent ouais, vous pouvez vivre avec. Ouais, non, ta mère. Non, mais il y en a qui vont pas consulter et qui se disent ouais, ça va passer, ça va passer. Et puis finalement, ben, ils vivent avec, quoi, voilà, tout simplement. Donc voilà, je trouve ça. Moi j'en ai un, moi. Ah ouais, c'est quoi? C'est. Merde. Hélicobactère. Hélicobactère, en fait, c'est un truc. C'est violent, apparemment. sur le long terme, ça peut relever des cancers. Et en fait, j'ai fait un traitement, mais il n'a pas marché. Évidemment. Donc, je suis obligé d'en faire un nouveau. Ah, bah voilà. Sauf qu'il y a, j'ai montré à Teuf, il y a, alors, c'est sur 10 jours. Tu sais combien pour en fait, il a acheté toute la pharmacie. Hein. Non. Il y a 100 gélules à prendre sur 10 jours. Hein? Ouais. Mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est d'une violence. Il faut que j'attende la. Faut que je prenne. Je suis en vacances. Mais t'as été voir deux médecins? Ah, bah, bien sûr. Ah, trois médecins? Deux. Ah bah voilà, t'aurais dû aller en voir trois. C'est vrai. Le troisième confirme les dires du premier, voire du. Mais j'ai fait des tests, Ah ouais, mais bon, quand même, il faut aller voir plusieurs médecins, je te jure. Bon, venez nous rejoindre aussi sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Vous tapez M-I-K-L officiel. Kenza qui dit ce parasite, tu l'as chopé comment? Alors c'est pas compliqué en fait. Tu chopes ça avec les gros porcs, hein, ceux qui vont aux chiottes et qui se lavent pas les mains après. Tu leur serres la main et ils peuvent te transmettre ce parasite. Ou alors quand tu vas dans les chiottes, bah, soit public, soit dans un resto, soit dans un aéroport, une gare, enfin bref, dans un endroit où il y a du monde. Et que bah il y a quelqu'un qui te chiotte, toi tu attends ton tour, il se barre, tu vas aux chiottes et du coup bah tu peux choper le parasite comme ça. En fait, il peut te rentrer par le cul ou par les mains, donc via la bouche quoi. Putain, il passe par le cul comme il ça. Il passe par le yonf. Sans demander, sans demander. C'est un truc scandaleux. Dingue, ah, putain, c'est un peu Rick de Monton. Voilà, c'est ça. Bon, on se fera le jeu de la piscine ce soir, the world famous game of the piscine of the pool. Donc si vous voulez jouer avec nous, il y a évidemment des jeux Overwatch qu'on vous offre d'ailleurs toute la semaine. Il y a également des tablettes Arcos qu'on vous file. Si vous voulez jouer avec nous au jeu de la piscine, 01 40 71 5000. Valentine va bien au standard? Elle va bien, la mollesse va bien. La mollesse va bien, tant mieux. Il y a Paul aussi qui dit salut toute l'équipe, ça fait du bien de vous écouter. Après les oraux du bac. Ah oui, il y avait une ligne ensuite. Avant de commencer les écrits la semaine prochaine, bah, bon courage à vous en tout cas. Il y a même Mehdi qui est avec nous à Bordeaux. Salut Mehdi. Allô Mehdi. Ouais, mais bien. Ah bah bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, bah nickel. Alors, coupe la radio, Mehdi, derrière, s'il te plaît. Mehdi, qu'on avait eu hier en fin d'émission, et on avait parlé vite fait des vitres teintées, comme quoi c'était interdit dorénavant. Ouais, au 1er janvier. Ah, c'est 1er janvier exactement. Où c'est interdit. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, Mehdi, toi, tu t'es déjà fait, tu t'es fait gauler à cause de ça? Ouais, à cause de ça, et en fait, voilà, ils m'ont immobilisé la bagnole. Ouais. Et du coup, en fait, voilà, ils m'ont mis une amende pour les vitres teintées, ce que je comprends, une amende pour la forêt aussi. Mais en fait, je me suis renseigné aujourd'hui, ma mère, elle est partie voir son avocat, parce que, en fait, j'ai voulu récupérer la bagnole, ils m'ont dit, tant qu'elle est teintée, t'as pas le droit de rouler. Ah oui, c'est, bah alors. Et comment plus, tu, comment tu la, fais la loi pour les enlever? La loi est même pas passée, donc. Je leur ai dit, attendez, moi je travaille, j'ai pas que ça à faire. Ah, ils vont dire, oh, mais t'as eu le temps de teinter les vitres. Ouais, bah oui. Hein, pendant que tu travailles. Parce qu'en fait, ouais, mais c'est pas ça. Parce que le problème, moi, j'étais au bled avec. Ouais. Et je les ai teintés là-bas. Et moi, ça faisait 6 mois que j'étais là-bas. Et du coup, je suis revenu ici. Et en arrivant, dès que j'arrive 2 heures après l'Espagne, j'étais vers Toulouse. Ils m'ont contrôlé. Et ils m'ont dit, et voilà. Et du coup, le problème, c'est qu'elle c'est est quoi même pas comme bagnole, la bagnole. C'est une Clio 3. Ah, d'accord. Bah oui, si tu veux, c'est les flics, tu vas pas dire non, j'en ai rien à foutre, je le fais pas, ils vont garder la caisse et t'es pas plus avancé. Hein. Tu vois ce que je veux dire quoi, là, encore ils auraient fait passer la loi, là je comprends, mais le problème c'est qu'elle est pas passée encore. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est bizarre, demande toujours un avocat, hein. Le premier conseil est gratuit, donc tu peux toujours aller voir. Elle m'a dit l'avocate, elle m'a dit normalement ils ont pas le droit, et elle m'a dit vu qu'ils t'ont mis l'amende, mais on peut rien faire nous. Bah après, il faut payer l'amende, mais et encore, ça dépend ce que t'as fait, ça dépend ce que c'est l'amende. Tiens, si vous avez des conseils justement à filer à Mehdi, tiens, bouge pas Mehdi, je vais te reprendre dans un instant. Si vous avez des conseils à filer à Mehdi, ou si vous avez déjà eu aussi des galères, genre arrestation, tout ça, n'hésitez pas à nous en parler, 01 40 71 5000, et puis gros événement également, il y a l'Euro qui commence vendredi. Ah oui, d'ailleurs, oh soirée d'ouverture demain au pied de la Tour Eiffel avec Énergie, avec TF1, sera retransmis, même sur Énergie aussi évidemment, et vous avez surtout eu vos places, enfin, en tout cas pour les plus chanceux d'entre vous, ouais, qui ont eu la chance de gagner des places pour aller assister à cette soirée de lancement justement de l'Euro au pied de la Tour Eiffel avec notamment David Guetta. Et puis bah du coup je voulais savoir comment est-ce que vous aviez géré avec votre meuf au niveau de l'Euro là, vous avez géré un petit peu, pas du tout, tu vas regarder ou pas l'Euro toi Tof? Bah ouais, si je vais regarder 2-3 matchs quand même, ouais. Ouais. Puis, après c'est surtout les derniers qui sont sympas à regarder, ou quart demi, ouais, quart demi et finale, c'est là où t'as le plus d'enjeux, donc c'est là que c'est un peu sympa. Ouais, Polo bah il va pas regarder lui, hein. Ah, je ne regarderai aucun, je déteste ça. Oh, il y a que si la France joue. Et si la France est en finale, tu regardes si Paris la finale. Joue, oui, mais Paris joue pas, c'est l'imagination. Eh ben non. Oh putain, qui est con. Et Valentine, tu vas suivre ou pas un peu l'Euro, toi? Je vais pas suivre, mais si je suis dans un bar et qu'il y a un match, ouais, ça sera. Tu regardes. Cool. Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, dites-nous aussi. On peut avoir un France-Belgique en finale ou pas? Oui, je crois. Vu les équipes qu'il y a, va falloir y arriver. Bah, franchement, les Belges sont très bons et les Français ont pas l'air d'être. Ouais, mais ils sont très bons, mais ils sont pas plus bons que les Anglais. Ah, ils sont numéro 1 Allemands. Enfin, plus maintenant, ils sont deuxième. Ouais, mais c'est ça le truc, comme c'était. C'est des poules, t'as des. Après, ils mélangent et donc du coup, tu te retrouves. Ça fait des coques. Non, ouais, c'est drôle ça. Tu te retrouves avec un faible et un fort, tu sais, en 8e. Et donc, du coup en gros, t'as des chances d'être facilement. Il faudrait que la Belgique termine première ou la France première du groupe et que de l'autre côté, la France termine deuxième ou la Belgique deuxième. Ouais, mais t'as l'Allemagne. Ah, je sais plus, putain, t'as les Allemands, t'as les Portos, t'as tout ça, ouais, c'est gagné 7-0 ce soir, les Portugais. Bon, c'est l'Estonie, mais enfin, quand même. Mais ceux qui sont en forme. Ah oui, quand même. Donc, ouais, bref, dites-nous déjà pour quelle équipe vous êtes, puis dites-nous aussi surtout si vous allez regarder comment vous avez géré avec votre copain, votre copine là pour les dégager. Bah, du coup, vous nous appelez 01 40 71 5000. On va parler de l'Euro donc, et puis un message qu'il y a. Allez, les Bleus, peut-être que ces vitres sont noires au lieu d'être teintées au pourcentage limite, car ma voiture est teintée et aucun souci. Ouais, voilà. Mais c'est quoi, elles sont noires opaques, Mehdi, ou tu vois quand même au travers? Non, elles sont normales. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai juste les deux vitres de derrière, elles sont vraiment foncées. En plus, celles de derrière, tu peux. J'ai juste les deux vitres de derrière, elles sont vraiment foncées. En plus, celles de derrière, tu peux. Opaques, Mehdi, ou tu vois quand même au travers? Non, elles sont normales. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai juste les deux vitres de derrière, elles sont vraiment foncées. En plus, c'est de derrière, tu peux, hein, tu peux mettre tout noir si tu veux à l'arrière. C'est pas le problème. Et moi, les vitres de devant, enfin, de ma portière, quoi, côté passager, ils sont teintés, mais normal, quoi. Mehdi, on voit ma tête, on voit tout. Tu revenais du Maroc? Ouais, je revenais. Ah, bah oui, dis-nous la vérité, que tu transportais du Chine. Non, je rigole. Bon, Mehdi, bouge pas. C'est pour ça qu'ils t'ont bloqué la bagnole. On va s'écouter les voix de République tout à l'heure, là. Il y aura Air Ice Trophy aussi. Calvin Harris va débarquer et on va démarrer direct ce soir avec le son d'Amir. On est sur Énergie, passez une bonne nuit, c'est Mickaël, on est là, il y a un message qui dit rassurez-moi, vous êtes là l'année prochaine. Ouais, vous inquiétez pas, on change pas là. On sera là toute l'année prochaine et toute l'année d'après. Enfin ça j'espère, on verra. Mais en tout cas, on va pas bouger tout de suite. Voilà, alors on se fait le son d'Amir, il est 1h18 sur Énergie, bonne nuit. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence.